Stephen King aime le libre-échange, Stephen King aime Castle Rock, Stephen King a écrit Bazar et Fraser Clark Heston l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Mentalement et sur le plan fatigue, comme quelqu'un qui vient d'avoir un enfant. Donc vous vous en doutez que c'est pas au summum, mais franchement ça va. Après, t'inquiète pas trop, il paraît que c'est juste les 30 premières années qui sont difficiles. Il paraît, oui. Après, ça va mieux. Après, ça va, au bout de 18, on peut légalement la foutre dehors. Oui, en plus, il y a ça, en effet. Vous pouvez vous en débarrasser. C'est bien d'avoir prévu ça comme date de péremption dans les documents officiels. C'est parfait. Bon, sinon, quoi de nouveau ? Parce qu'effectivement, ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu l'épisode. Est-ce que t'as des actualités à donner ou... De mon côté, non, vraiment pas grand-chose. Notre émission Twitch Cinéma, où on cause un peu plus cinéma généraliste, on va dire, normalement devrait revenir pour le mois de février. Le hiatus continue encore un peu, parce que fatalement, j'ai pas eu trop le temps de bosser sur le dossier. Voilà. Et il y a des chances que ça soit toi qui t'en occupe, du coup, autant dire la vérité direct. Ouais, a priori, on va inverser l'ordre de nos deux prochains dossiers, vu que moi, j'avais déjà décidé du sujet du mien... Il me reste plus qu'à le préparer vraiment, mais au moins, je n'aurai pas le temps de recherche de sujet. Voilà. Et toi non plus pour celui d'après, en plus. Du coup, oui, ça voilà. Va être pas mal. Et de mon côté, Twitch, je le savais, hein, mais c'est un peu, c'est un peu mort et enterré. Oui. Mais vous pouvez toujours entendre ma voix suave chez notre ami l'archiviste. Ou chez notre ami EKXV, avec qui maintenant on fait des lives réguliers les jeudis. C'est ça, les jeudis dans l'ensemble. Le jeudi, c'est les amis. Tout le monde n'est pas toujours là, mais c'est ce qu'on essaie de maintenir. Oui, c'est pas toujours les mêmes personnes, ça tourne. Ouais, n'hésitez pas à passer, hein, c'est bien l'amitié, c'est important. Il paraît. C'est pas encore considéré comme surfait, c'est pas encore considéré comme du wokisme non plus, donc ça va. Non. Je pense pas, parce que l'amitié, c'est un truc qui permet les pots de vin et compagnie, donc ce sera jamais considéré comme du wokisme, sauf entre gens de gauche. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, du côté de King, il y a peu d'actualité, en fait. Il y a juste des projets dont on savait déjà qu'ils étaient plutôt bien en cours, qui sont en train de se prolonger, qui marchent bien. Ouais. Donc le Running Man de Edgar Wright est toujours sur de bons rails. The Monkey a eu une affiche rigolote qui a été dévoilée. Oui, exact. Si tu l'as vu, oui. Je vous conseille d'y jeter un œil, elle est très sympa comme affiche. Et sinon, Marche ou Crève, apparemment, ça avance très très bien aussi, donc ça c'est cool. Le prochain roman, la date de sortie approche, et King travaille à fond sur donc le 3e tome de la saga du Talisman, à partir d'une idée de Peter Straub. Ça a déjà été dévoilé, même si forcément celui-là, l'écriture en elle-même, il l'a fait tout seul, parce que hélas, Peter Straub est décédé. Il sera quand même co-signé, ça a déjà été annoncé, ça. Ce que je trouve plutôt sympathique. Oui, clairement. Donc voilà, ça c'est toutes les nouveautés que nous avons, et je propose qu'on se lance sans trop attendre. Oui, allons-y. Eh bien, c'est parti, et nous allons spoiler le livre comme son adaptation. Bazar, Needful Things, en version originale, se déroule à Castle Rock. Dans la ville, il y a un nouveau commerce qui ouvre, appelé le Bazar des Rêves. Personne ne comprend bien au début ce que ça va vendre, mais en fait, le propriétaire, Lilon Gant, qui est très charismatique, semble avoir exactement pour chaque personne l'objet dont elle rêve. Il commence à vendre ses objets pour un prix en liquide dérisoire, mais en échange, il demande aussi des petites blagues qui deviennent de moins en moins petites au fur et à mesure, et qui vont semer de moins en moins blagues aussi, et qui vont semer la zizanie dans la ville. Le shérif Alan Pangborn, principalement, voit sa ville peu à peu sombrer dans le chaos et essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Bazar, c'est le premier roman que King écrit intégralement après sa cure de désintoxication, celle qu'il doit faire pour son addiction à la cocaïne à la fin des années 80. On peut dire que La Part des Ténèbres, donc son roman publié précédent, avait été écrit pendant cette cure de désintoxication. Il commence le livre d'après les dates indiquées dans le roman le 24 octobre 1988 et le termine le 28 janvier 1991. Ce qui pour un pavé comme ça fait seulement 2 ans, en bossant sur d'autres trucs à côté, c'est pas mal hein, quand même. Oui, c'est pas mal. C'est quand même. Bon, après, il a toujours eu un bon rythme, mais c'est vrai que celui-là, comparé à certains, c'est limite rapide. Ouais, bah surtout qu'il est complexe dans son organisation, Bazar. Ah oui. À mon avis, des fois, ça devait être difficile de jongler. Oui, j'espère qu'il prenait des notes pendant l'écriture s'il y avait des pauses, parce que. Ouais, il y a moyen de mettre des post-it. Je mets des post-it aux pages importantes, moi c'est ce que je fais quand j'écris un truc que j'ai peur d'oublier. Donc, comme on dit, le roman se passe à Castle Rock, et c'est assez important pour celui-ci, parce qu'il va décrire, autant le dire tout de suite, la destruction de Castle Rock. C'est le dernier roman majeur se déroulant dans la ville, et donc on va retrouver des personnages qu'on connaît et pas mal de références qu'on peut resituer. Donc par exemple, le shérif Alan Pangborn, qui est... peut-être le personnage le plus mis en avant de ce roman-là, même si c'est clairement un roman choral, il apparaissait déjà dans La Part des Ténèbres, où il avait quand même un rôle secondaire important. Et il était aussi dans la longue nouvelle Le Molosse surgit du soleil, qui est dans Minuit 4 chez nous. Que je n'ai pas lu, par contre, moi. Que je n'ai toujours pas lu, c'est prévu. Ouais, elle est vraiment cool, Le Molosse. Norris Ridgewick, donc l'adjoint de Pangborn, il avait déjà fait une courte apparition dans La Part des Ténèbres, et lui, il réapparaîtra dans des œuvres se déroulant à Castle Rock ensuite, mais qui sont des œuvres moins importantes, moins massives. Polly Schalmer et Buster Keaton étaient tous les deux présents, mais très secondaires dans La Part des Ténèbres. Ils étaient plus mentionnés qu'autre chose. Ace Merrill, par contre, était mentionné dans Le Molosse et dans Nona, mais c'est un personnage important, surtout dans Le Corps, donc ouais. Stand By Me, où c'est le principal antagoniste, puisque c'est le chef de la bande d'adolescents qui martyrise les héros du corps. D'ailleurs, il en parle à un moment dans Bazar. Oui, c'est mentionné rapidement, oui. Polly va rencontrer l'esprit de Cujo lorsqu'elle va déposer quelque chose à la ferme des Campbells. D'ailleurs, Alan fait beaucoup référence au traumatisme de l'affaire La Part des Ténèbres. Oui. Andy Clutterbuck, il était lui aussi déjà dans La Part des Ténèbres, et lui reviendra plus tard. Alors pour le coup, c'est une erreur de continuité, ou alors, comme on explique toujours les erreurs de continuité chez King, on dit que c'est 2 rayons différents de la Tour Sombre, parce que techniquement, c'est mentionné dans Bazar qu'il se suicide peu après la fin de l'intrigue, ou qu'il meurt par accident, mais ça sonne drôlement comme un suicide, alors qu'il réapparaît dans des trucs qui sont censés se passer après. Notamment dans les romans mettant en scène Gwendy. Et Tad Beaumont, donc le héros de La Part des Ténèbres, est mentionné pas mal de fois. Donc c'est vraiment un roman qui fait énormément référence à toutes les œuvres de Castle Rock, et je pense que c'est volontaire, puisque c'est le dernier gros livre qui s'y déroule entièrement, et que la ville va vraiment être en grande partie détruite dedans. Oui. En fait, après ça, en 1993, dans Rêve et Cauchemar, il y a la nouvelle Ça vous pousse dessus, qui se déroule encore à Castle Rock, qui est en réalité la version revisitée d'une nouvelle de 1973, qui à l'époque n'avait rien à voir avec la ville. Ensuite, il faudra attendre 2009 pour retrouver la ville, donc il y a un long hiatus de 16 ans, et ce sera surtout dans des nouvelles et dans les romans courts que sont Élévation, Gwendy et la boîte à boutons, et La plume magique de Gwendy, qui est écrit par Richard Chismarsel, mais qui est la suite de Gwendy et la boîte à boutons quand même. Oui. Par contre, elle était quand même très régulièrement mentionnée, puisqu'elle est mentionnée dans Histoire de Lycie, dans Sac d'os, dans Revival et dans Dôme. Puisqu'à chaque fois, ces livres se passent pas très loin de Castle Rock. Et dans Sac d'os, surtout, c'est mentionné parce qu'il y a Tad Beaumont qui est mentionné. Et déjà là, dans Bazar, on apprend qu'il est alcoolique. Dans Sac d'os, on apprend qu'il est mort. Ce qui a soigné son alcoolisme, au moins. Oui, effectivement. Et c'est vrai que Bazar est quand même l'un des romans, j'ai l'impression, les plus liés à l'univers étendu de King. Si on prend l'univers étendu de Castle Rock, oui, clairement, il y en a qui se connectent de très près à la Tour Sombre, mais à Castle Rock, ouais, c'est un des plus étroitement connectés. Dans les tops de King, le livre est rarement dans les meilleures places, il est plutôt en milieu de classement. Je l'ai quand même trouvé une fois à la 7e place et une fois à la 10e. King, quand il en parle, le présente comme une satire des années Reagan, qui est arrivée à leur terme quand il commence le roman, puisque Reagan quitte la présidence en 89. Donc toute une administration qui mettait très en avant le consumérisme, l'individualisme effréné, la défense de la propriété privée. Et donc King dit qu'il y a une dimension farce à son roman, et c'est un roman qu'il apprécie vraiment bien et dont il est un peu déçu qu'il n'ait pas eu des critiques plus élogieuses au moment de sa sortie. C'est tout ce que j'ai à dire sur le roman, nous allons pouvoir passer à nos avis et je t'écoute. Eh ben c'était rapide. Ah, c'est oui. Bazar, que dire si ce n'est que c'est un excellent roman de King. Je comprends pas comment ce roman finalement a pu ne pas être acclamé à sa sortie. Vraiment, je trouve ça très très bien écrit. La menace que représente les Landgaunt est très très bien développée. Vraiment, ça. L'ombre menaçante qu'il représente sur Castle Rock grandit au fur et à mesure de manière très intelligente et très maîtrisée. Les personnages également sont très bien développés, il y en a beaucoup qui sont très attachants, je pense qu'on reparlera notamment du cas de Nettie Cobbs. Ouais. Et surtout, les Landgaunt est, à mes yeux, avec Gripsou, l'un des plus grands antagonistes écrits par King. Bah, je suis assez d'accord, c'est un roman que j'aime beaucoup. Je me demandais comment je le percevrais en le relisant, parce que ça faisait un moment que j'avais lu Bazar, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi. Je suis impressionné de constater qu'il est écrit finalement relativement peu de temps après les Tommyknockers, et qu'on peut quand même, encore une fois, mettre les deux en comparaison, parce que c'est deux romans qui traitent d'une menace sur toute une ville, et qu'il y en a un qui est très très raté, et celui-là qui est très très réussi. Vraiment, la cure de désintoxication lui a fait du bien hein, au niveau capacité. Ce sont deux gros, pavas quand même aussi. Ouais, mais autant les Tommyknockers, j'ai mis un moment à le relire parce que je m'ennuyais, autant celui-là, je l'ai relu vraiment vite. Oui, les Tommyknockers, tu souffres à la lecture. Ouais. C'est compliqué. Il y a énormément de personnages secondaires, tertiaires qui vont et viennent, et c'est super bien géré parce que, effectivement, donc Leland Gaunt est un très bon antagoniste, il est très bien écrit, mais surtout sa menace est très bien construite avec cette espèce de toile d'araignée qu'il pose doucement sur la ville. À un moment, il y a la métaphore qui est utilisée d'un compteur électrique où il inverserait où il brancherait des trucs qui devraient pas être branchés entre eux. Et c'est exactement le sentiment que ça donne, mais il y a une toile d'araignée qui se pose petit à petit, qui rend le roman assez difficile à résumer, hein, parce qu'il se passe énormément de choses, on doit retenir beaucoup de noms, mais je trouve que c'est très bien fait. J'aime beaucoup le côté, effectivement, des fois à la limite du comique, à plein de moments, sur les personnages très attachés à leurs objets, effectivement le consumérisme effréné... On en reparlera, mais Leland qui, à la fin, traite Alan Pangborn de communiste, ça m'a beaucoup fait rire. Oui. En fait, il y a un mélange de plein de trucs qui marchent super bien, et ouais, c'est un vrai roman de jongleur, je trouve, dans l'écriture. Oui, c'est très malin. Donc oui, pareil, je ne comprends pas bien qu'il ait pas été mieux reçu à sa sortie, et qu'il soit pas plus souvent mis en avant comme un exemple assez brillant de la capacité de King à gérer des larges ensembles. Surtout que là, on n'a pas... C'est pas comme dans Le Fléau, où finalement, il y a beaucoup de personnages, mais ils sont divisés en deux groupes assez nets. Là, finalement, ils sont quand même chacun... Bah, c'est le principe, ils se battent chacun pour leur pomme. Ça limite le seul autre roman de King où les personnages sont aussi éparpillés les uns par rapport aux autres, ce serait Dome, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, ils se battent chacun pour leur pomme, mais il y a quand même une notion de dualité. À chaque fois, c'est des personnages qui, à la base, ont quelque chose l'un envers l'autre, un atome crochu ou autre, que Gantz va développer justement avec ses farces. Oui, c'est ça. Et c'est ça, mais c'est pas des... C'est des duels qui se rejoignent rarement. Il y a vraiment plein de duels qui se mettent en place, et mais qui sont assez peu connectés les uns aux autres. Et ce qui est marrant, c'est que, du coup, les farces sont faites par d'autres duos qui fonctionnent entre eux. C'est ça qui est rigolo aussi. Oui, parce qu'il ne veut... c'est plus ou moins le plan de Leland. Il faut que personne devine son truc. Donc à chaque fois, celui qui commet la farce n'a rien de notable contre la personne qui va la subir. Voilà, mais la personne qui va lui faire subir, c'est celle à qui lui-même fait la farce alors que l'autre ne le sait pas. C'est, ouais. C'est très malin, en fait. Mm. Par contre, oui, effectivement, c'est un roman, il vaut mieux pas le lire sur un temps trop éparpillé parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms à retenir. Alors, il y en a quand même une partie qui sont plus mis en avant que les autres, mais il y a énormément de gens qui vont et viennent. Il y a très peu de personnages qui ne servent à rien, en tout cas. Ouais, c'est ça. Même ceux qui apparaissent que brièvement vont servir de fusible à un moment ou à un autre. Mm. Bah du coup, je propose qu'on revienne un peu plus progressivement. Déjà avec cette introduction que j'aime beaucoup. Oui. Donc vous êtes déjà venu ici, qui est une adresse directe du narrateur à son lecteur, au lecteur. Et qui a ce double effet déjà de faire un peu commercial, qui est en train d'accueillir un client commercial un peu mielleux qui va présenter ses produits. En fait, ça se pose comme une présentation de la ville depuis une place fort passante où on voit plein de gens qui vont et viennent. Oui. Et ça finit par un zoom sur Brian, qui sera le premier personnage important du roman. Et c'est d'autant plus intéressant, ce « vous êtes déjà venu ici », que, encore une fois, c'est un roman de Castle Rock. Donc oui, on est déjà souvent venu ici. Oui, voilà. Si on est lecteur assidu de King, en tout cas. C'est ça. Tu peux aussi le prendre à « vous êtes déjà venu ici », entre guillemets, dans les méandres du cerveau de Stephen King. Oui, complètement. Et de ses œuvres. Tu peux aussi le prendre comme ça. C'est ça qui est marrant avec cette introduction, finalement. Ouais, c'est un bon clin d'œil. Et pour le coup, les adresses directes au lecteur dans ses romans, il l'a rarement fait, dans mon souvenir. De manière aussi prononcée, il n'y a que dans Bazar que ça apparaît. Exact. Ensuite, comme tu le dis, le roman s'ouvre réellement sur Brian Rusk, qui lit, si je me souviens bien, un journal qui annonce l'ouverture prochaine du bazar. Ouais, et qui va pouvoir y entrer en avance. Alors s'ensuit bien sûr plein de présentations de divers personnages. C'est sa mère notamment qui, quand tu vois dans ses pensées, se dit que oh, c'est très vulgaire d'être la première personne à rentrer dans un magasin qui vient d'ouvrir. Oui, même si ça s'est présenté par King comme étant un truc général des petites villes, mais effectivement, oui. Cora le pense, notamment. Mais du coup, effectivement, Brian est le premier à se rendre au bazar, alors que le bazar est censé être fermé. Lui tourne la poignée et finalement la porte s'ouvre. Ce qui va être une des idées récurrentes du roman, que les gens entrent dans le bazar quand il est censé être fermé. Ah oui. Ça reviendra très souvent, ça. Ça joue justement avec le mystère, Leland Gant, qui fait ses trucs dans le dos de tout le monde. Ouais. Pour ne pas être dérangé. Du coup, ça nous présente Leland dans son magasin. Ça, pour le coup, on verra que c'est pas le cas dans l'adaptation, mais il ne sort jamais de sa boutique ou de l'immédiate proximité de sa boutique dans le roman. Et il reste toujours vraiment à l'intérieur ou sur le porche. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le commercial par excellence, au final. Oui. Avec Brian, ça se passe bien. On comprend très rapidement que Gant n'est pas vraiment un être humain normal. Il semble avoir des capacités, notamment le fait de lire dans l'esprit des gens et de surtout tout savoir sur les habitants de cette petite ville alors qu'il vient juste d'y arriver. Parce que il divague sur les gens de la ville avec Brian. Il semble très au courant des passions de Brian, des passions du baseball et tout ça. Et c'est là qu'arrive le premier deal de Gant avec son premier client, c'est-à-dire Brian, où il veut lui vendre une carte de baseball d'un joueur dont Brian n'a pas dans sa collection. Ouais, Sandy Koufax. Alors moi, je ne connais pas du tout, forcément. Mais... Moi non plus. Mais ça tombe bien parce que ce bon petit commerçant a, il se trouve, le hasard, comme par hasard, une carte... de Sandy Koufax, signé à mon ami Brian sur la carte. Ça tombe quand même bien, cette histoire. pourrait croire que c'est pas très normal. Oui. Surtout qu'il va la chercher. Et genre, attends une seconde, je vais dans mon arrière-boutique, je reviens. T'sais, genre, vraiment, il joue sur le mystère de qu'est-ce qu'il est parti faire. Et même Brian se pose la question de comment ça ? Alors qu'il divague dans la boutique. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est pas normal, mais on va mettre assez longtemps à comprendre comment Leland met en place son plan. Ce qui est là tout de suite, c'est que les gens détestent le contact physique avec lui. Quand il pose ses mains sur quelqu'un, ils ont de la réticence. Tous un malaise. Mm. Mais exactement ce que demande Leland, on va le savoir assez tard, parce que les premières fois qu'il demande une farce aux gens, la scène nous est sautée, en fait. Les gens oublient la farce, et c'est petit à petit qu'on va voir un peu plus de chaque deal de Leland et qu'on va comprendre comment il fonctionne. Oui, parce que là, la vente pour être le plus précis possible, il lui propose donc la carte de Sandy Koufax signée à mon ami Brian. Brian commence à sortir son argent, si tu te souviens, et Gantz lui dit non, quand on fait une affaire, le client ne doit jamais dire combien il a, sinon ça ruine l'affaire. Et du coup, Gantz accepte une somme dérisoire contre la carte, mais en échange de petits services qui pourront... être indiqué par la suite à Brian. C'est toujours ça. C'est une vraie technique commerciale. En soi, il demande toujours pile la somme qui est un peu en dessous de ce que les gens ne pourraient plus payer. Et donc, les gens reconnaissant, après, n'ont aucun souci à lui rendre le service. Voilà. Alors, en reconnaissant, dans le cas de Leland Gantz, c'est aussi beaucoup de manipulation... mentale, ouais. Pas que mentale, parce qu'on se doute très rapidement qu'il a aussi des pouvoirs et que, du coup, il manipule réellement... la personne via du lavage de cerveau, mais plus mystique qu'autre chose, quoi. Ouais. Déjà, là, on va assez vite voir, après, que la passion pour les objets... ça viendra un peu plus tard, mais on va vite voir quand même que la passion pour les objets a quelque chose de très abusé. Oui, totalement. Justement, via Brian, qui va être obsédé par sa carte de baseball. Mm. Et toi, tu faisais ça, hein, quand t'avais une boutique, je me rappelle. Tu m'avais fait des mangas à des prix très intéressants, mais en échange, je devais aller crever les pneus de la voiture de la librairie concurrente. Oui. Bon, j'ai eu des mangas pas chers, mais je trouve ça un peu méchant quand même. Écoute, en affaire, hein. Il faut savoir être dur. Mais donc voilà, ça m'a permis de présenter la boutique et Brian qui seront les premiers... Enfin, Brian sera le premier à déclencher les hostilités avec sa blague. Et après, le roman va réemployer ça... dans le chapitre suivant, qui est le chapitre de l'ouverture, donc le lendemain. Ce qu'on n'a pas dit, mais qu'on peut dire tout de suite, c'est que le roman se passe sur relativement peu de temps. Il se passe sur un peu moins d'une semaine, au final. Oui, c'est vrai, ça va très très vite. Ça va très vite. Parce que ça commence le mercredi avant l'ouverture, et normalement ça finit le mardi suivant. Donc oui, c'est une semaine, quoi. Donc le chapitre 2, c'est Polly qui va voir le bazar à l'ouverture. Et c'est là qu'on commence à voir les bizarreries autour de Gantz aussi. Et déjà, en parlant de... Tu parles de chapitrage. Le roman est divisé en trois grands actes qui eux-mêmes sont coupés en gros chapitres, qui eux-mêmes sont découpés en petits chapitres. Ouais, des fois beaucoup de petits chapitres, étant donné qu'on a tendance à changer de petits chapitres à chaque changement de personnage, point de vue, et qu'il y a des chapitres où on suit énormément de monde en même temps. Oui, mais du coup, c'est un découpage qui vraiment te donne l'impression d'un roman ultra fluide, quoi, et qui va très très vite. Oui, parce qu'un petit chapitre dépasse rarement les 6-7 pages, et il y en a qui en font une. Voilà. Il y a des moments où il recrée vraiment un montage alterné dans son écriture, en fait. Oui. Donc, Polly, on apprend déjà qu'elle a de l'arthrite, ce qui sera un truc important, une arthrite sévère aux mains qui l'a fait beaucoup souffrir. C'est là qu'on découvre aussi que les yeux de Gantz changent de couleur selon la personne qui le voit. C'est très malin, ça. Ouais. C'est très malin, et finalement, c'est le premier vrai événement fantastique qui arrive dans le roman, autour de Gantz. Ouais, c'est ça. À chaque fois, la personne le mentionne soit dans sa tête, soit en fait mention à quelqu'un de son entourage. Oh oui, il a les yeux telle couleur, et chez une autre personne, ça va être une autre. Ouais, et d'ailleurs, il y a des personnages, des fois, qui se demandent « Mais un tel m'avait dit que ses yeux étaient bleus alors qu'ils sont verts. » Oui, voilà. Mais en fait, ça reviendra que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui va pas avec Gunt, mais n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Oui. Il y a aussi l'idée que, parce que autant Brian, c'était un enfant qui avait l'air plutôt sociable, donc on s'était pas posé la question, autant là, il commence à y avoir plusieurs personnages qui sont censés être un peu timides face aux inconnus et qui vont pas avoir de problème avec Leland. Mm. C'est le cas de Polly et c'est le cas de Nettie surtout. Oui. Mais donc vas-y, continue sur le chapitre de Nettie, de Polly. Bon, sur le chapitre de Polly, ce que j'ai à en dire, c'est surtout que il est très compatissant. Pour l'instant, il lui propose pas directement d'objets à Polly. Il va la charmer beaucoup plus progressivement. Mm. Mais par contre, il y a des de gens en général qui commencent à arriver à la boutique et qui, eux, vont se voir proposer les premiers deals sans qu'on sache exactement pourquoi. Et c'est là aussi qu'est installée la rivalité entre Nettie et Wilma, puisque les deux se croisent à la boutique et ça fait fuir Nettie. Oui, c'est ça. Alors, au début, effectivement, Polly lui propose pas de vente d'objets directs, mais surtout, c'est ce qu'il fait. Il l'utilise beaucoup pour prendre des informations sur les divers habitants de la ville. Oui. Parce qu'il semble en connaître beaucoup, mais il lui faut quand même des informations un peu plus profondes. Oui, ce qu'il fera avec énormément de monde au fur et à mesure du livre. Il a tendance à beaucoup demander Drago. Oui. Après, on comprend assez rapidement que c'est surtout pour ça qu'il cherche le contact avec les gens. Tu sais, très souvent, il essaye de saisir les mains, de prendre les épaules. On comprend que c'est via ce contact qu'il arrive à avoir des informations. Ouais, que c'est une de ses méthodes, en tout cas. Même si au bout d'un moment, ça, il va arrêter quand il comprend que ça risquerait de mettre trop de gens sur la piste de ce qu'il fait. Oui. De sa vraie nature. Mais donc, du coup, notre véritable... Enfin, celui qu'on pourrait le plus indiquer comme le héros du roman, il apparaît qu'au chapitre 3. Oui, Alan. Et bon, il y a 23 chapitres dans le roman. Hein, donc, certes, au début, ils sont assez courts, mais donc c'est un peu tard. Et c'est Alan Pangborn, donc le shérif, qui, depuis la part des ténèbres, a perdu sa femme et son fils dans un accident. Oui. Et qui est très déprimé à cause de ça. Mm. Et là, ça pose quelque chose qu'on ne comprendra que beaucoup plus tard, à savoir la passion pour la magie d'Alan Pangborn. Alan Pangborn aime bien faire des petits tours de magie avec des trucs achetés dans des boutiques un peu farcées à trappe. Oui. Et son fils avait la même passion. Et là, notamment, il retrouve une boîte à serpents sauteurs où quand on l'ouvre, il y a un serpentin qui nous saute au visage. Voilà, il a aussi une espèce de petit bracelet qu'il met sous sa montre. Et que via une manipulation du poignet, il en sort des fleurs en papier. Ouais. Et il aime bien faire des... Il est très fort pour faire des ombres chinoises aussi. Oui. Ça sera très utile à la fin. Ouais. Et ce chapitre, Alan va encore une fois nous présenter déjà qu'il est en couple avec Polly. Oui. Il est fou amoureux. Et va nous présenter pas mal de personnages importants. Déjà, on va en apprendre un peu plus sur la rivalité entre Wilma et Nettie. Mmh. Ce qui dérange l'une envers l'autre, c'est surtout que Nettie possède un chien qui, quand il était enfant, enfin quand il était chiot plutôt, avait tendance à aboyer très très fréquemment, ce qui tapait du coup beaucoup sur le système de Wilma, alors de manière un peu déraisonnée quand même, parce que pour en arriver à des extrémités comme menacer les gens de mort, il faut quand même y aller quoi. De ce qu'on comprend, Wilma cherche surtout des excuses pour pouvoir s'attaquer aux gens. Voilà, c'est ça. Nettie, elle, c'est un personnage un peu perché, un peu dans son monde. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on commence à apprendre qu'en fait, c'était une femme abusée par son mari. Oui, oui, ça nous est dit même assez clairement. Un petit peu avant. Abusée par son mari, mari qu'elle a dû, pour s'en sortir, tuer, tout simplement. Et à cause de ça, elle a passé plusieurs années à l'asile, le fameux asile de Juniper Hill, où vont la moitié des personnages de King. Voilà. Il y a beaucoup de personnages qui, dans le roman, j'entends, qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi Nettie a fait ça. Vraiment, t'en as plein qui considèrent que c'est juste qu'elle est cinglée, et puis voilà, elle a tué son mari un jour. Un jour, elle s'est levée du pied gauche, elle a décidé de le tuer. T'as cette aura de crainte que beaucoup de personnages ont envers Nettie, qu'ils considèrent uniquement comme une folle cinglée, quoi. Il y en a très peu, finalement, qui l'apprécient vraiment. Typiquement, Polly, Même Alan, par moments, semble un peu distant envers Nettie. Hein. Ouais, c'est plus ses instincts de flic. En fait, Alan, il est un peu distant envers ce qu'elle peut raconter après. Par contre, il a l'air de plutôt bien comprendre pourquoi elle a tué son mari. Mais effectivement, après, il dit Nettie, elle est quand même. Elle a peur de son ombre. Du coup, on peut pas forcément prendre tout ce qu'elle dit au pied de la lettre. C'est plus ça, la distance d'Alan. Parce qu'effectivement, Nettie, après avoir été battue des années par son mari, après avoir dû le tuer et avoir passé des années à l'asile, on peut comprendre que niveau relations sociales, elle soit pas au top. Ah oui. Donc elle s'est fait quasiment aucune amie, aucune relation, à part Polly. Et c'est Rosalie, je crois, l'assistante de Polly, oui, qui aime bien Nettie aussi. Mais oui, elle a peu de relations. Alan, qui est un personnage aussi très terre-à-terre, hein, faut le mentionner. Oui. Là, pour le coup, c'est un pur flic qui essaie de réfléchir le plus possible en flic raisonnable. Mm. Je trouve que c'est un roman au niveau du traitement des personnages féminins, on pourra y revenir, mais qui est... on disait qu'il y avait eu une période un peu de mue chez King au niveau du traitement de ses personnages féminins. Et je trouve qu'on est en plein dedans. On sent à la fois des codes encore très ancrés dans les problèmes qu'il y a avec le traitement des personnages féminins dans le fantastique et l'horreur tel que King l'a fait dans sa jeunesse. Donc à savoir, il y a quand même la forte récurrence du fait que les mauvais personnages féminins sont moches. Oui. C'est très souvent le cas. Ils sont décrits comme moches, en tout cas. Mais à côté de ça, il commence à installer notamment la thématique des femmes abusées, femmes battues, des femmes face à la société à travers Polly, on pourra y revenir. On sent qu'il est dans une période entre deux, et je revérifiais, mais effectivement, Dolores Claiborne et Bazar sont assez proches au niveau des dates d'écriture. En fait, Dolores Claiborne, ça sort l'année suivante, ainsi que Jessie. Donc ça, je trouve ça intéressant de voir un peu encore un entre-deux dans le traitement des personnages féminins. Ok, effectivement. C'est dans ce chapitre aussi qu'on découvre Hugh Priest, donc l'alcoolique de la ville, qui, lui, alors que la boutique est fermée en pleine nuit, va acheter une magnifique queue de renard. Oui. Voilà. Je me suis posé beaucoup de questions sur le choix de cet objet. J'imagine que si t'es un gros beauf chasseur, ça peut donner envie. Voilà. J'en sais rien. C'est ça. Alors lui, c'est celui qui... C'est celui qui va vraiment faire démarrer la mèche. La blague, entre guillemets, que lui demande de faire Gaunt, c'est ça qui va tout embrayer. Avec la blague de Brian, hein, parce que finalement, c'est eux deux qui vont fonctionner en duo pour leur blague. Mais celle de Hugh Priest est beaucoup plus méchante. Et c'est aussi là que Brian se réveille la nuit, tellement il est obsédé par sa carte de baseball et tellement il a peur qu'on la lui vole. Oui. Le chapitre suivant va continuer à nous présenter des personnages et des rivalités, notamment celle entre Norris et le maire, plus ou moins, on va dire, Danforth Buster Keaton. C'est pas le maire, plus ou moins, c'est le maire. Ouais, c'est parce que techniquement, c'est pas censé être ce titre dans une ville américaine, mais oui, je crois qu'on a traduit par maire en VF, pour simplifier. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qui les oppose, ces deux-là ? Bah, tout simplement que l'un fait son travail de flic honnêtement en lui mettant des... en lui foutant des contraventions, et bah l'autre il est pas très content parce qu'il se dit bah quand même, je suis le maire, t'as pas le droit de me faire ça, espèce de jeune branleur, je vais te faire sauter de la police, quoi, tu vas voir. Puis voilà. En fait, il y en a un qui pète plus haut que son cul, et puis l'autre bah qui veut juste faire son travail honnêtement. C'est ça, Norris, c'est plutôt le mec qui veut bien bosser, effectivement, il est plutôt attachant aussi, lui, je trouve. Bah oui. Surtout que, alors c'est le cas dans l'adaptation, mais il me semble que dans le roman aussi, il est plutôt jeune, c'est plutôt une jeune recrue de la police locale. Oui, et puis pas particulièrement baraqué physiquement, donc c'est pas le flic le plus confiant de l'univers. Voilà, c'est ça. Mais oui, comme tu dis, c'est un personnage plutôt attachant lui aussi. Contrairement du coup à Buster, qui lui est l'archétype même des antagonistes beaufs des romans de King. Ouais, ah oui, Buster, c'est vraiment un connard. Voilà. C'est là qu'on découvre aussi, un peu plus avant, elle avait déjà été évoquée, la rivalité entre les catholiques et les baptistes de la ville. Ah oui. Donc deux branches de la chrétienté, sachant que les baptistes, c'est déjà, je crois, une branche un peu extrême du protestantisme. Donc voilà. Et en gros, les catholiques veulent organiser une soirée jeu de bienfaisance qui permettra de récolter de l'argent pour leur église, et les baptistes, oui, ça les scandalise qu'on amène le jeu au sein de l'église. C'est la nuit casino. C'est ça. Et notamment le révérend Rose, Willy Rose, est scandalisé par la soirée jeu et vient voir Alan, qui visiblement a pas un travail facile, hein, parce que j'ai l'impression que la moitié de ses journées, c'est voir la ville défiler pour lui demander de faire quelque chose contre des trucs en réalité parfaitement légaux. Oui, voilà, c'est ça. Donc difficile, le métier. Et c'est dans ce chapitre aussi que Brian va donc jeter la boue sur les draps de Wilma, ce qui est la première blague qu'on voit se dérouler. Oui. La première, mais pas la dernière. Non. Et j'aime bien comment c'est décrit, c'est-à-dire il fait sa blague, donc qui consiste à dégueulasser les draps fraîchement lavés qui sont posés sur les cordes à linge. Et vraiment, pendant l'acte, c'est vraiment décrit comme quelque chose que Brian fait, alors que il en a pas réellement totalement confiance. Tu sens qu'il est quand même un petit peu manipulé, qu'il le fait, mais qu'au fond de lui, c'est pas quelque chose qu'il aurait fait de base. Même, ouais, pour une blague, en fait. Mais par contre, pendant la blague elle-même, et ça reviendra à chaque fois, il y a une sorte de transe qui prend, oui, voilà, les personnages, et tout à coup, ils prennent beaucoup de plaisir à faire le mal. C'est avant et après qu'ils ont des réserves. Oui. Donc oui, il y a totalement une idée de manipulation hypnotique. Mm. Pendant ce temps, on découvre aussi, parce que les gens continuent à aller et venir dans la boutique de Leland, et on découvre déjà que les visions qu'ont les gens en touchant les objets ont tendance à devenir de plus en plus obscènes, et que Leland est de plus en plus dominateur et imprévisible selon la personne qu'il reçoit. Oui. Il y a des gens avec qui il est très très violent en réalité. Bah, notamment Nettie, hein. Oui, et Mira aussi, oui, qui vient acheter la photo d'Elvis. Mais oui, on se rend compte que bah, ce qui va bien avec la volonté de faire une critique du commerce exacerbé, parce que finalement, un commercial, c'est un peu ça, c'est gentil en surface, mais celui qui a vraiment pas de morale, celui qui veut vraiment à tout prix vendre, il peut devenir assez violent. Oui. CF, les gens qui font du porte-à-porte pour vendre des abonnements à des trucs d'électricité et de gaz un peu chelous, là. La méthodologie, c'est pas leur... Enfin, l'éthique, c'est pas le truc qui leur tient le plus à cœur. Oui, d'accord. Et bah, dans le chapitre suivant, qui est finalement assez court, on va bah, non seulement voir plus de gens aller chez Leland, notamment Norris, qui va acheter sa canne à pêche. Oui. Et Wilma va découvrir ses draps, va être persuadée donc que c'est un coup de Nettie qui aurait balancé de la boue sur ses draps, et va l'appeler pour la menacer, ce qui va terrifier Nettie. Oui, fatalement, effectivement. Ce qui va donc se poursuivre sur le chapitre suivant où elle la menace, elle passe devant chez elle pour lui dire « je suis là à t'observer ». De l'intimidation de gros psychopathe. Oui, c'est ça. Alors que c'est Nettie qui est prise pour une folle, en réalité, Wilma paraît beaucoup plus dangereuse. Voilà. Et ça nous est révélé qu'en réalité, Wilma a déjà été dénoncée à la police pour avoir menacé les gens. C'est pas, oui, une première pour elle, a priori. C'est ça. De base, elle est un peu... C'est ça. Elle est un peu turbo-cinglée, quoi. On sait que son mari, Peter, lui donne du Xanax quand vraiment elle s'énerve, ah oui, trop, lui donne du Xanax en secret pour réussir pour la calmer. À la calmer. Et du coup, Nettie ne sort plus de chez elle pendant 2 jours. Là, on est le samedi. Elle reste avec son chien Raider. Voilà, c'est ça. Qui a un tout petit chien, a priori. Hein. C'est pas le chien menaçant. J'ai l'impression que la version film est plus grosse que le Raider qui nous est décrit dans le roman. Oui, mais j'ai vérifié et apparemment c'est la même race par contre. Hein. D'accord. Mais c'est bien ce qui me semble que oui, c'est un chiot dans le roman. Il est encore jeune en tout cas. Après, c'est vrai que ça peut grandir vite un chien en réalité. Oui. C'est un chien, on l'a pas mentionné, c'est un chien que lui a offert Polly. Oui, en effet. Un peu façon réhabilitation par les animaux. Un truc, oui, c'est ça. C'était un peu l'idée. Et effectivement, Nettie s'est énormément attachée à Raider. Elle lui a offert quelques temps bah, après qu'elle soit sortie de Jupiter Hill. Mm. De Juniper Hill. Qui est un chien que tout le monde aime, hein, Raider. Oui. Après, il n'y a que Wilma qui a quelque chose contre lui. Oui, parce qu'il passait son temps à gueuler quand il était petit. Oui, voilà, mais bon, comme le fait n'importe quel chien. Voilà. Ce qui... On en reparlera, mais ce qui est totalement con, du coup, dans l'adaptation, quoi. Mais je te dirai pourquoi. Mm. à la boutique le samedi, c'est un gros jour. Il y a Cora, donc la mère de Brian, qui va acheter les lunettes d'Elvis. Dans le commerce, le samedi, c'est toujours un gros jour. Oui, effectivement. Bah, surtout quand tu t'appelles Cora. Oui, parce que du coup, elle a pas pu avoir la photo. Oui, c'est ça. Et Gon lui propose encore mieux, les lunettes. Voilà, mais ça, ça aussi, ça joue sur la manipulation commerciale, quoi. Oui, et puis ça va mettre en opposition, du coup, Cora et Mira, qui peu à peu vont avoir des fantasmes de plus en plus chauds autour d'Elvis. Oui. Qui vont devenir rivales pour Elvis. Ça en devient même un peu, bon. Le problème de Leland qu'il commence à voir, c'est que il se rend compte que Alan Pangborn ne cédera pas, que c'est quelqu'un avec qui il vaut mieux qu'il ne soit pas du tout en contact, parce oui. que Alan, du fait déjà de sa droiture en tant que policier et du fait de sa dépression, déjà ne se laisserait pas avoir par des pots de vin et surtout ne désire rien dans l'état oui. où il est. Donc le plan de Leland pendant tout le roman, ça va être d'éviter le plus possible Alan, et effectivement, en fait, ils ne se rencontreront directement qu'à la toute fin. Enfin, ils ne se rencontreront qu'à la toute fin, d'ailleurs. Ils n'auront même pas le moindre échange pendant les 600 premières pages. Oui. Et ce qui est, justement, rigolo, entre guillemets, c'est que d'autres personnages incitent Alan à aller voir Leland, à aller, à se rendre dans la boutique pour voir, notamment Polly, qui lui dit souvent « Ah, mais faudrait que tu le rencontres, il est sympa, nanana... » Et lui, à chaque fois, a une autre affaire sur le feu, et alors qu'il aurait pu y aller, il n'y va pas, finalement. Ouais, et le peu de fois où il aurait pu le rencontrer, en fait, Leland évite la rencontre. Il met son panneau absent quand Alan approche. Oui. Donc, ils vont s'éviter pendant tout le livre. Enfin, Leland va faire en sorte d'éviter Alan pendant tout le livre, parce que ça aurait pu être celui qui l'aurait percé à jour. Ce qui fait qu'on retrouve l'idée d'un personnage entièrement bon, investi d'un pouvoir presque divin, sera même très net à la fin du livre, oui. qui est une caractéristique assez fréquente de King. C'est là qu'on en apprend plus aussi sur la mort d'Annie et Todd, donc la femme et le fils d'Alan, il lui reste un autre fils. Annie avait une tumeur au cerveau, dont Alan ne s'était pas rendu compte, malgré la consommation totalement délirante d'antidouleurs d'Annie. Elle lui cachait aussi. Elle lui cachait, effectivement. Il s'accuse, mais il s'accuse quand même parce qu'elle le cachait pas super bien. Il aurait dû se rendre compte de quelque chose. Mais il avait la tête prise par l'affaire Tad Beaumont. Notamment, en tant que flic, il se dit qu'il aurait dû s'en rendre compte, quoi. Ouais. Et qu'il était trop obsédé par son métier, et oui, par toute l'affaire de la part des ténèbres. Il avait pas mal traumatisé pour des raisons compréhensibles. Et donc, il reste pas mal dépressif et pas mal à s'accuser, malgré le fait que ça aille mieux grâce à Polly. C'est ça. Mais donc, ça en fait un personnage que je trouve vraiment attachant, lui aussi. Oui, Polly aussi, à ce moment-là, est très attachante, parce qu'elle pense que l'éloignement entre Alan et son fils qui lui reste est à cause d'elle. Parce qu'elle s'imagine que du coup, son fils restant pense qu'elle est là pour remplacer sa mère qu'il a perdue. Alors que pas du tout, et Alan la rassure, et du coup, j'ai trouvé cette scène dans le roman vraiment poignante et très touchante. Oui, alors que le truc du fils aîné, donc Al, c'est qu'il a perdu sa mère et son petit frère qu'il adorait dans des circonstances tragiques, et donc non seulement c'est un adolescent qui part faire ses études, mais il a d'autant plus cette envie d'éloignement qu'il veut pas voir une ville qui lui rappelle que des mauvais souvenirs. Voilà, c'est ça. Et Alan lui fait bien comprendre. Oui. Tout ça. Alan le dit, c'est qu'il sent que son fils va s'éloigner, qu'il reviendra jamais à Castle Rock, mais qu'en même temps, il va vivre sa vie et que ça lui est nécessaire, que c'est peut-être plus sain qu'il s'éloigne plutôt que de déprimer à cause de la mort de son petit frère. Ah oui, voilà, c'est ça, de se remémorer tout ça. Ou Alan, en plus, ne peut rien faire pour vraiment l'aider, puisque lui aussi est en train de faire face à son deuil et de pas très bien y arriver. C'est ça. Donc oui, c'est une très belle relation. Au chapitre 8, toujours le samedi, on découvre pourquoi Buster Keaton est aussi à cran. Eh bien, c'est parce que Buster Keaton, il joue aux courses et il a perdu beaucoup aux courses et est donc prélevé dans les finances publiques pour combler ses dettes de jeu. Oui, c'est un long chapitre tout ça, l'introduction de Buster au jeu. Où, ouais. Avant, en fait, il ne jouait pas du tout et c'est quelqu'un de son entourage qui... qui au fur et à mesure l'amenait au champ de course, et Buster qui prend de plus en plus de plaisir au pari, au risque du pari, et je trouve que c'est très bien amené, et c'est très bien décrit en fait, je trouve ce danger, là je mets pas de guillemets, ce danger que représentent les jeux d'argent envers les gens. Ouais. Et surtout les gens facilement influençables par ce genre de plaisir que ça peut procurer. Ouais, c'est là qu'on se dit dommage pour Buster qu'il soit pas maire dans une ville française. Oui, il tourne de l'argent, quoi. Voilà. Il est sympa, Patrick. Vous critiquez le Valois-Perret ou quoi? Mais ouais, du coup, il doit énormément d'argent et les impôts commencent à s'intéresser de très près à lui et donc il est devenu complètement paranoïaque. Il parle de ses persécuteurs, il les appelle eux, mis en majuscule à chaque fois. C'est ça. Et Gunt va totalement jouer là-dessus. Non seulement il lui offre le jeu de course ticket gagnant qui est censé prédire les résultats des courses, mais surtout il va dire « Ah, je suis votre allié, moi aussi, il !» me persécute, moi aussi, il me recherche. Ça. C'est marrant parce que ça, du coup, ça inscrit Buster dans un genre qui est très, très visible aujourd'hui, c'est-à-dire les complotistes qui se pensent observés constamment. Oui, c'est ça. Et surtout le gars qui prétend être harcelé sans raison, alors que bah il a détourné énormément d'argent et il doit le rembourser. Enfin, c'est normal, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais oui, c'est une très bonne idée, cette espèce de jeu de plateau où en fait tu désignes le nom des chevaux des prochaines courses et ça t'indique du coup lesquels vont gagner. Fatalement, Buster, ça le rend fou. Hein, il rentre chez lui et il essaye direct. Et bah, il se rend compte que ça marche. Ouais. Bah oui, c'est ça. Forcément, ça marche. Parce qu'il peut à peu près prédire l'avenir. Dans une certaine mesure, Leland. Mm. C'est dans ce chapitre aussi qu'on en apprend plus sur le passé de Polly. Parce que Polly, en fait, est originaire de Castle Rock. Mais quand elle a eu 18 ans, elle a dû partir alors qu'elle était enceinte. Enfin, elle a fui la ville alors qu'elle était enceinte. Et quand elle est revenue beaucoup plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, elle n'avait pas d'enfant, a priori. Oui. Et donc, tout le monde part du principe qu'elle a avorté. Mais là, on en apprend un peu plus. Ce n'est pas le cas. Elle a eu son enfant. Elle a galéré pendant quelques années pour survivre. Et son enfant est mort tragiquement dans un incendie. C'est ça. C'est tragique, hein. Ouais. C'est un très beau passage. Il y a la très belle scène avec sa vieille tante Evie aussi, qui est à peu près son seul soutien, qui lui dit « Arrête d'être un fantôme, faut que tu continues à vivre. Barre-toi de cette ville pour le moment, tu y reviendras quand tu pourras, mais il faut que tu arrêtes de vivre avec des fantômes. » Donc ça pose effectivement un personnage assez tragique et encore une fois quelque chose sur lequel va jouer Gunt, parce qu'il joue toujours sur les peurs et sur les regrets des gens. Oui, c'est ça. Ensuite, le chapitre suivant. On est le dimanche, pour le coup. C'est ça, et c'est la fameuse blague de Nettie. C'est à ce moment-là. Alors, c'est, tu veux dire la blague de Hugh sur Nettie, mais c'est aussi la blague de Nettie sur... Non, c'est surtout la blague... Enfin, oui. Mais oui, les deux se passent pendant le même chapitre, bien entendu. Je crois qu'elle est pendant le chapitre suivant, la blague de Nettie chez Keaton. Mais elle se passe quasiment en simultané, en réalité. Ah oui, peut-être. Après, de toute façon, les deux chapitres se passent vraiment quasiment en même temps. Hein. Parce que le chapitre 9 est très court, en plus. Ouais. Le chapitre 9, en tout cas, c'est sûr que Hugh tue le chien de Nettie en mettant un mot pour faire croire que c'est Wilma. C'est quelque chose qui revient souvent, hein, les mots laissés pour mettre des insultes faisant croire que c'est les uns ou les autres. Voilà. Et Brian, lui, déprime de plus en plus. Ouais, de tout ce qu'il a fait. Et puis il comprend au fin fond de lui que finalement, Gunt n'est pas une aussi bonne personne qu'il le prétend. Oui, parce qu'il commence à le voir dans ses rêves, dans ses rêves, c'est un Gunt très menaçant. Et Gunt, dans les rêves, prend les apparences d'autres personnes, c'est-à-dire à un moment, c'est à ce moment-là, je crois, où il prend l'apparence de Koufax. Oui, c'est ça. Où Brian pense assister, du coup, à un match, et tout d'un coup, c'est Gunt qui lui parle via l'intermédiaire de Koufax. Et pour bien lui faire comprendre que le deal n'est peut-être pas encore fini, qu'il va peut-être encore lui demander des choses, que le deal ne s'arrêtera que quand Gunt le décidera. Et fatalement, quand ce moment-là arrive, Brian est en plein questionnement. Oui, voilà, on ne le dira jamais assez, lisez les petits caractères avant de signer. Oui, voilà, c'est ça. Ça assoit vraiment la domination mentale de Gant sur Brian. Et c'est à partir de ce moment-là où il le fera pour d'autres personnages, il apparaîtra en vision à d'autres. Oui, il commence de plus en plus à parler dans la tête des gens, ouais. Comme si, une fois que l'objet était vendu, ça établissait un contact et une domination. Le chapitre 10, c'est celui qui va... en fait, c'est assez intelligemment fait parce que c'est, ça nous est décrit comme Leland qui teste un peu ses fusibles, mais c'est aussi une manière, dans l'écriture, pour King, d'installer ce qui deviendra, à beaucoup plus grande échelle, le fonctionnement de la fin de la deuxième partie et surtout de la troisième. En passant d'un point de vue à l'autre. C'est-à-dire, on va voir le premier clash frontal dans le chapitre 10, avec beaucoup de passages de points de vue. Donc avec à peu près en simultané, enfin avec l'enchaînement Nettie qui met les contraventions insultantes signées Norris chez Buster Keaton. Et Buster qui est en train de bouffer au restaurant avec sa femme. C'est ça. Keaton va découvrir les contraventions en revenant au dernier moment alors que Nettie est encore en train de fuir et va réussir à s'échapper sans être vue au dernier moment. Ouais, elle sera vue par un gamin de la voisine, il me semble. C'est ça, une gamine, c'est la fille d'Amanda Williams. Oui, une gamine. Ça aussi, c'est assez intelligent parce qu'il y a énormément d'endroits où des personnages sont vus, mais où ça va pas suffire à établir un lien. Parce que, par exemple, personne ne va aller l'interroger, la fille de la voisine. Oui, non. Personne ne va penser à ça. Et donc, finalement, ça aurait pu peut-être désamorcer la situation, mais ça va pas le faire. Et ça, King fait énormément de petits trucs comme ça, de fausses pistes tout au long du roman, qui laissent supposer que ça pourrait tourner autrement. Et donc ce chapitre qui passe vraiment d'un point de vue à l'autre, en termes de rythme, il est rendement bien mené, et surtout en termes de tension, parce qu'au fur et à mesure, Buster, lui, se redirige vers chez lui, alors que Nettie, elle, est en train de coller les contraventions partout, et du coup ne sait pas que Buster est sur le chemin du retour. Et t'as toute cette conversation entre Buster et sa femme, qui du coup, à un moment, doit s'arrêter quelque part pour la déposer, du coup ça le ralentit. Vraiment, t'as une tension constante, comme ça, tout au long du chapitre, qui est très très bien amenée. Ouais, c'est ça. Et donc, là, Brian a refait une blague à Vilma, une blague beaucoup plus méchante, cette fois-ci, puisqu'il s'agissait de défoncer ses fenêtres à coups de pierre. Ouais. Et cette fois-ci, va y avoir la confrontation vraiment entre Vilma et Nettie. C'est ça, en pleine rue. En pleine rue, façon western. L'une équipée d'une hachette, il me semble, ou d'une hache même carrément, ouais. Et l'autre d'un couteau de cuisine. Et c'est parti. Roule ma poule. Et donc elles s'entretuent dans une séquence pas mal gore. Ouais, peut-être même l'une des plus gore de tout le roman. Oui, je pense, clairement. Où, elles se massacrent l'une l'autre en pleine rue, en plein soleil, avec les gens qui découvrent ça et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça, sous les yeux intrigués des gens. Si, encore une fois, participe au côté, farcesque du roman qui va de plus en plus se développer, à la fois c'est terrible parce que surtout Nettie, même que Nettie parce que Vilma, on s'y est pas attaché, mais Nettie, on s'y était bien attaché quand même. Bah oui. Elle a vraiment juste pas eu de chance dans la vie, la pauvre. C'est ça. Et on peut supposer que c'est pour ça qu'elle fait partie des premières victimes de Gaunt. C'était une des plus faciles, en fait, à victimiser. Mais donc voilà, c'est les premières victimes létales de Leland Gaunt, qui, pendant ce temps, donne à Polly une amulette égyptienne qui se met autour du cou et qui devrait faire disparaître la douleur de l'arthrite. Le chapitre 11, c'est donc le dernier de la première partie. Il se passe le même jour, mais plus tard, oui. Avec Alan qui vient d'assister à l'autopsie de Vilma et Nettie. C'est un pur chapitre policier. Oui, là, on retrouve le Alan qui essaie de mener l'enquête. Avec de longues discussions à la morgue après l'autopsie, des réflexions d'Alan sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce bordel. On est vraiment dans un roman policier à ce moment-là. Ouais. Avec cette idée que c'est possible techniquement niveau timing, mais c'est peu probable, et en fait ça va être le dilemme d'Alan tout du long, c'est que tout est techniquement possible, mais repose sur une série de hasards et de coups de chance qui lui paraissent excessifs. Et c'est ça qui va un peu titiller son côté policier, il se dit « c'est trop, ça se peut, mais pour moi c'est trop de hasard ». qui l'intrigue le plus, oui, c'est le meurtre du chien et les petits mots laissés sur les cailloux. Oui, il y a ça aussi. Et puis même, il se rend compte que c'est vraiment à la minute près dans le parcours de Vilma, par exemple. Donc tout ça le surprend, mais en même temps, il y peut pas trop grand-chose. Oui. Parce qu'il n'a pas de preuves. Mais voilà, il va s'entêter de plus en plus dans le côté policier, Alan. Et c'est dans ce chapitre aussi que Norris est victime de la blague dirigée contre lui, à savoir qu'il trouve un piège à rat dans un paquet cadeau et croit que ça vient de Buster Keaton. C'est ça. Le tout avec un Leland Gant qui se gausse de voir les ténèbres envahir de plus en plus Castle Rock. C'est ça, qui regarde la ville de haut et qui se dit aussi qu'il a besoin d'un assistant. C'est sur ça que se termine la première partie. Ouais, gala d'ouverture. Mickey Mantle, Tops 1956, et c'est dédicacé à mon ami Brian. Non, j'ai pas assez tout ce que j'ai. Chut. Un acheteur ne doit jamais dire au vendeur ce dont il dispose. Si tu ne peux pas mentir, tais-toi. C'est la première règle en affaires, mon très cher Brian. 95 cents. Eh bien, on va considérer ça comme un acompte. On est très loin de la somme, Brian, mais ça n'en est pas moins une offre. On va considérer que c'est la moitié du prix, d'accord? Oui. La moitié du prix, 95 cents, que tu viens de payer cash. Pour le reste, pour l'autre moitié, tu t'engages à faire ce que je te dis. À faire quoi? Une farce. Disons plutôt une petite blague, pas bien méchante. Et jamais personne ne te soupçonnera, je te le promets. Tu te rappelles la femme que nous avons vue, celle qui achetait à manger pour ses bêtes? Oui, Vilma Jersic, l'éleveuse de dinde. Sais-tu où elle habite? La deuxième partie, c'est donc l'affaire du siècle. C'est assez régulier chez King, mais la première partie, c'est à peu près la moitié du roman. Hein. Enfin, pas loin, en tout cas. Là, les choses vont commencer à accélérer. Oui, parce que là, dans l'édition deux tomes de chez J'ai lu, donc celle que j'ai, voilà, ça c'est pour le bingo de KXV. Hein. Voilà, clin d'œil. Tandis que moi, j'ai l'édition France Loisirs, on peut ajouter ça au bingo aussi, parce qu'on l'a souvent. Le tome 2 s'ouvre sur la deuxième partie, vraiment la première prend tout le premier tome, quoi. Mais c'est un truc qu'il fait souvent, King, hein, je crois, d'avoir une première partie qui fait quasiment la moitié, et après le rythme s'accélère, comme on l'a souvent signalé que c'est des longues mises en place chez King. Et là, d'autant plus qu'il y a toute une ville à mettre en place. Ah oui, voilà. Donc, la deuxième partie s'ouvre sur la présentation de beaucoup de nouvelles blagues qui vont installer de nouveaux personnages, notamment la rivalité entre les baptistes et les catholiques qui va prendre plus d'importance à partir de là. Oui. Et aussi la relation entre Sally Radcliffe et Lester. Oui. Qui va être un autre facteur important dans les chapitres suivants. Donc deux jeunes amoureux, Sally Radcliffe étant sortie avec le policier Johnny Lapointe un peu avant, enfin John Lapointe un peu avant, ce qui va servir à allumer la mèche. C'est ça. À noter une blague qui m'a bien fait rire, celui qui fait la blague à Sally, ce que lui a donné Gaunt, c'est une pipe qui a appartenu à Hermann Göring. Ah oui. Genre vraiment, quand l'objet de tes rêves, c'est la pipe d'un grand nazi. Bah, t'es Elon Musk, en fait. C'est ça. Ça m'a appris l'existence du jour de Colomb. Je savais qu'il existait, mais j'oublie toujours la date. Voilà, je ne savais pas que le 14 octobre était férié aux États-Unis. Alors attention, hein, quand on dit jour de Colomb, on parle de Christophe Colomb, hein, on parle pas d'un autre. Hein. Faut pas le prononcer trop vite, ce mot, parce que sinon... Ouais. Une journée en faveur du cancer de la colorectal et de la coloscopie. On s'amuse bien ce jour-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'était pour la blague. Quelqu'un. Bonjour. C'est le chapitre de l'arrivée d'Ace Merrill en ville. Oui. Donc Ace, qui s'est pas amélioré depuis qu'on l'a vu dans Le Corps. Il a fait beaucoup de trafic d'armes et de drogue. Mais comme Ace est... pas particulièrement malin, bah, il s'est fait arnaquer. Oui, bah, il est même totalement au con, tu peux le dire. Oui, voilà. Et donc, il doit énormément de blé dans un délai assez court. Et on apprend aussi que, enfin, c'était déjà mentionné en réalité dans le Molos, que Ace est le neveu de Pop Merrill, qui était un boutiquier pareil, dans le Molos Surgi du Ciel, et qui est mort dans le Molos Surgi du Ciel. Il est souvent mentionné pour le coup, Pop Merrill. D'accord. Et il croit que, enfin, Leland va lui dire qu'il existe une carte au trésor où Pop a enterré toutes ses plus précieuses possessions, et c'est comme ça qu'il va réussir à avoir la fidélité d'Ace Merrill. Oui, voilà. Dont Alan se méfie beaucoup, pour le coup. Oui, mais en même temps, c'est lui qui l'a envoyé en tôle une première fois, donc... Oui, effectivement, il a des raisons de se méfier. Hein. Voilà, il a déjà eu affaire au bonhomme, quoi. Au chapitre suivant, Brian déprime de plus en plus et Gaunt est de plus en plus menaçant et lui dit comment mentir à Alan Pangborn s'il le rencontre. Oui, parce que Gaunt se doute très bien que Alan va commencer à mener des enquêtes et à les discuter à droite à gauche avec diverses personnes, quoi. Oui, voilà. Et encore une fois, alors que c'est allé très très vite. Hein. Je rappelle que le roman a commencé le mercredi, là on est le lundi, et en réalité, oui. Il reste que 2 jours, en fait. Mais vraiment, ça s'accélère à fond. Hein. À ce moment-là, Alan, je ne sais plus, est-ce qu'à ce moment-là, Alan sait que Brian était dans les parages au moment où les vitres ont été pétées, je ne sais plus. Je crois qu'il l'a appris à ce moment-là ou qu'il l'apprend juste après, mais en effet, il y a une voisine qui a vu Brian, et donc il va pouvoir le confronter. Hein. Voilà, parce et du coup, Brian, pour donner un alibi à la voisine, dit qu'en fait, il allait rendre visite à Wilma et son mari pour savoir s'ils avaient pris quelqu'un pour déneiger cet hiver devant chez eux, mais qu'il a entendu un vacarme pas possible chez eux, et donc il a cru à une scène de ménage, et donc il s'est barré. Ce qui ne surprend pas la voisine, parce qu'ils sont toujours en train de s'engueuler, Peter et Wilma. Voilà. Mais ce qui intrigue Alan, c'est le fait que la voisine ait indiqué que Brian, sur son vélo, avait une énorme glacière. Ouais. Et ça, Brian, il se dit... Un des problèmes d'Alan avec les pierres, c'était justement comment Nettie a transporté autant de pierres pour casser voilà. La fenêtre. Alors que c'était une petite dame toute frêle, quoi. Ouais. Et il a aussi... ce qui est assez intelligent, Alan, son autre problème avec Nettie, c'est que tout le monde fait attention normalement au déplacement de Nettie, puisque tout le monde s'en méfie un peu d'elle. Oui. Il se dit que personne n'est remarqué, ça lui paraît vraiment improbable. C'est ça. Au chapitre 14, Buster profite d'une commande pour des travaux pour faire une commande de plein d'explosifs. Ça resservira à la fin. Voilà, ça s'appelle un fusil de Tchekhov. Ouais, ah bah il est rempli de fusils de Tchekhov, le roman, de toute façon. C'est limite basé que sur ça comme roman. Hein. C'est ça. C'est l'armurerie de Tchekhov, en fait, bazar. Ah bah au sens propre, à oui, la fin. En plus, ouais. Bah lui-même à partir de là, parce que c'est dans ce chapitre aussi que Ace va récupérer la voiture de Gaunt à Boston et ramener les armes, dont on découvrira qu'elles sont assez particulières par la suite. Oui. Et qu'il voit aussi, c'est là qu'il y a la référence Lovecraftienne avec Yog-Sothoth qui est mentionné. Oui. Parce qu'on se rappelle que King aime beaucoup Lovecraft. Oui. Et sur ces 2 chapitres, il y a eu la blague, qui va s'installer aussi un peu après, il y a la blague dont sont victimes Sally et Lester, donc pour faire croire, en gros, qu'ils se trompent l'un l'autre. Chapitre 15, alors il y a énormément de clients qui passent chez Leland. Ce chapitre est pas mal basé sur de courtes séquences de quelqu'un qui va chez Leland, qui obtient son objet et qui se voit commander une blague. Oui, avec Leland, c'est aussi là où il fait des petites coches en face des noms. Ouais, c'est là qu'il commence à faire des coches en face des noms, effectivement. C'est là que Alan, au téléphone, continue à mener son enquête et que vraiment les étrangetés dans l'enquête commencent à être de plus en plus marquées autour des empreintes digitales chez Nettie. Oui. Du coup, il a une réponse et les empreintes digitales ne correspondent pas à Wilma. Ouais, c'est ça. Enfin, là, il n'est pas encore certain que c'est Yug, il l'apprendra un peu plus tard, mais les empreintes sont trop grosses pour être celles de Wilma, selon voilà. À la fois Alan et Henry Payton, qui est le flic de la ville, pour le coup. De l'État, pardon. Oui. C'est là que 2 nouvelles victimes de blagues... qu'il y a 2 nouvelles victimes de blagues, puisque Mira Evans, donc celle qui a eu la photo d'Elvis, va crever les roues d'Henry Beaufort, le patron du bar... Oui. Pour faire croire que c'est Hugh Banton, donc l'alcoolique, tandis que Norris, le policier, fait à peu près la même chose chez Hugh Banton, en faisant croire que c'est un coup d'Henry pour, de nouveau, mettre en opposition ces deux-là. Voilà. Le chapitre suivant, on est le mardi, justement, et c'est là que vraiment les fusibles vont complètement péter. C'est le cas de le dire, oui. Ouais, ça commence avec l'enterrement de Nettie et Wilma, donc avec l'opposition un peu injuste, où il y a beaucoup de monde à l'enterrement de Wilma et quasiment personne à celui de Nettie. Il y a la dispute entre Polly et Alan autour de l'Aska. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, oui, qu'à un moment, ils s'embrouillent un peu autour de ça. Bah, Alan étant, on l'a dit, un personnage très à terre, très terre à terre, pour lui, c'est du remède De charlatan. Ah, comment on appelle ça, hein. De charlatan, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. Et c'est de réussir à semer cette première tension qui va permettre ensuite à Polly de croire aux mensonges que développe Leland envers elle. Oui. Alors, Sally va faire sa blague qui, elle, l'a fait au proviseur Frank Jouet, qu'il mérite parce que bah, c'est un pédophile, du coup. Oui, effectivement. Et elle va éparpiller partout les revues pornopédographiques qu'il conserve dans son bureau. Bon, ne faites pas ça, hein. Là. De quoi dénoncer les pédophiles? Bah si. Non, conservez vos revues pédophiles dans votre bureau. Ah oui, par contre, si vous l'êtes, vous pouvez vous rendre vous-même à la police. Oui, voilà, faites ça. Oui, c'est ça, faites ça. Ou jetez-vous par la fenêtre, à la limite, mais bon, on va m'accuser de choses après. Est-ce que les vrais nazis, c'est pas les antipédophiles? Ah la vache. Une nouvelle strate du wokisme. C'est ça. Polly, pour conserver l'Aska, doit faire une blague à Ace Merrill. Oui. Et là, elle se rend compte... Elle a toujours cette double voix dans sa tête, alors qui s'exprime beaucoup à travers la voix de sa tante décédée, ouais, qui lui dit « Mais c'est vraiment pas juste une blague, c'est vraiment méchant, et Smeryl, c'est quelqu'un à qui il faut pas se confronter, et ça peut retomber sur Alan. » Mais Polly ne va pas l'écouter pendant très longtemps. Oui, bah, la manipulation de Gaunt est beaucoup plus forte. Oui, c'est ça. Surtout qu'elle va trouver peu après la lettre soi-disant du service de l'enfance, voilà, qui laisse supposer qu'Alan aurait fuiné. Aurait fouiné dans son passé. Et elle, pour faire sa blague, eh ben, elle se rend dans un lieu qu'on a déjà abordé dans un précédent épisode. Ouais, bah dans un lieu qui sert pendant une bonne moitié d'un roman. À savoir Cujo. Elle se rend au garage de... je sais plus comment s'appelle le lieu exactement. Joe Camber, c'est la ferme Camber. La ferme, la ferme Camber. Donc le lieu où Cujo a assiégé la bagnole dans laquelle se trouve l'héroïne du roman ainsi que son enfant. C'est ça, et dans lequel donc l'enfant meurt, et justement, Polly croit percevoir l'esprit de Cujo. Et à ce moment assez efficace, justement, si on a lu Cujo, où sa voiture ne va pas redémarrer dans un premier temps. Oui, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Et toute la tension même qui est mise à ce moment-là, on sent que c'est un lieu... on nous le dit, hein, qui est rempli de noirceur, et on comprend qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Ouais. C'est là qu'on se rend compte que les trésors de Pop Merrill, c'est peut-être un brin de la merde, parce que oui, ce qu'elle vient enlever, elle va faire croire que c'est de l'argent, mais ce qu'elle vient enlever, c'est des tickets de réduction, plus ou moins. Oui, voilà. Des photos pornographiques, alors cette fois-ci d'une dame avec un chien. Voilà. Incroyable. J'aime beaucoup cette remarque, même le chien avait l'air assez intelligent pour avoir un peu oui, de ce qu'il faisait. Donc voilà, et tous les trésors de Pop Merrill sont dans cet esprit-là, hein, de toute façon. C'est plutôt drôle. Alan va rencontrer Brian. Oui, à la sortie de l'école, je crois. Ouais, c'est ça, il le prend à la sortie de l'école. Bah, il va tout simplement le questionner sur qu'est-ce qu'il faisait ce jour-là, qu'est-ce que c'est que cette énorme glacière, qu'est-ce qu'il y a dedans. Brian va se justifier tant bien que mal, parce qu'on sent quand même que malgré ses justifications, Alan a encore d'énormes doutes, parce que Brian lui répond qu'en fait, ce qui trimballe dans la glacière, c'est des cartes de baseball, parce que quand t'es collectionneur, il faut toujours avoir ta collection sur toi, au cas où une opportunité d'échange surgisse comme ça, sans prévenir. Mais Alan trouve ça un peu bizarre. Bah ouais. Et a raison. Oui. Il sent surtout que Brian n'est pas clair, quoi. Il se passe quelque chose, qu'il n'est pas normal dans ses agissements. Bah surtout là, il commence à se rendre compte. Enfin, il se rend compte que Brian est très déprimé et il va s'en accuser par la suite de pas avoir réussi à l'atteindre à ce moment-là, parce que le moment où Brian allait parler, Alan reçoit un coup de fil urgent qu'il doit prendre et ça coupe court à la relation qu'ils arrivaient un peu à installer. C'est aussi la deuxième fois que Alan fait le tour de la fleur. Oui. Et on le signale, parce que pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça en prendra par la suite. Oui. Et donc, deux trucs importants pour terminer ce long chapitre. Henry Payton dit à Alan que les empreintes sont celles de Hugh, celles qui ont été retrouvées chez Nettie. Donc, c'est Hugh Banton qui a tué le chien, et Alan ne comprend pas du tout pourquoi il y aurait ça qui se serait fait. Mm. Et il y a la dispute entre Alan et Polly. Oui. Qui Polly confronte Alan, et Alan ne sait pas pourquoi, en fait, elle l'appelle, elle le confronte. Elle n'en parle pas du courrier. Oui, c'est ça. Elle lui dit qu'il a trahi sa confiance, mais elle dit pas pourquoi, donc il ne comprend voilà. pas. Lui, il est vraiment perdu à ce moment-là, quoi. Bah, surtout qu'il a 36 000 trucs en tête, parce que là, c'est bon, on est le mardi, et il va commencer à se passer énormément de choses. En fait, tout le reste de la journée, il va vouloir contacter Polly, mais il va y avoir 10 000 trucs qui s'enchaînent, qui vont l'empêcher de le faire. C'est ça. Notamment dans le chapitre suivant où les blagues faites à Hugh Banton et à Henry vont commencer à payer et que les deux vont s'affronter pendant que la police essaie d'aller chez Hugh Banton pour l'arrêter pour avoir tué le chien de Nettie. Oui. Mais là, encore une fois, chapitre très bien construit parce que là, on va de nouveau passer beaucoup d'un personnage à l'autre. D'un point de vue à l'autre, ouais. Et il va y avoir beaucoup de petits incidents, de petits contretemps. Il va y avoir Hugh qui va voler la voiture d'un autre citoyen. Et ils vont pas s'en rendre compte tout de suite. Donc, ça va décaler l'intervention. Il y a Lester qui va débarquer au commissariat pour casser la gueule de John Lapointe. Sauf que du coup, quand la secrétaire Sheila appelle pour dire qu'il y a John Lapointe qui est en train de se faire tabasser au commissariat, tout le monde va croire que c'est Hugh. Parce que il voit pas pourquoi ce serait quelqu'un d'autre qui tout à coup en veut flic. Tout le monde est perdu à ce moment-là. Tout le monde se demande mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est ça. Il se passe énormément de trucs. Donc John Lapointe se fait bien amocher et Lester finalement se fait tuer par Sheila qui voulait l'arrêter et qui involontairement frappe un peu fort. Mm. Hugh va aller au bar d'Henry. Il va tuer l'employé, il va tirer sur Henry et le blesser gravement, pendant que Henry va tuer Hugh. On commence à avoir beaucoup de morts. Ah oui, les petites blagues vont un peu trop loin. Ouais. Buster Keaton défonce la voiture de Norris, aucun des deux ne meurt, mais clairement Buster pète un câble à ce moment-là. Ouais, il en veut. Et il y a Frank, donc le pédophile, qui va chez son compagnon, complice, dont il est persuadé que c'est lui qui veut lui faire du chantage, et tue son perroquet et chie sur le portrait de sa mère. Oui, la scène du perroquet est un peu violente. Oui. Je me souviens. Tandis que celle du portrait de la mère est plutôt rigolote. Oui. Et ensuite, il se cache derrière le canapé et la confrontation n'aura pas lieu parce que l'autre va revenir et le coincer derrière le canapé en s'asseyant dessus. Enfin, ça, c'est une confrontation qui n'a pas lieu dans un chapitre où tout le monde s'entretue déjà. C'est un peu rigolo qu'il y ait ça. C'est ça. C'est vrai que c'est un chapitre très très long. Hein. Ouais. Et c'est celui du suicide de Brian aussi. Oui, c'est vrai. Donc devant son petit frère à qui il fait promettre de ne jamais se rendre au bazar des rêves. Voilà. Parce que là, il a vraiment pris conscience que Gant n'est pas humain, simplement. Là, il le dit, hein, que ce n'est pas un homme. Ouais. Et puis, il y a vraiment la culpabilité. Aussi, parce qu'il se rend compte que c'est à cause de lui, en partie au moins, que Nessie et Wilma se sont entretués. C'est ça. Donc c'est un chapitre, il va y avoir pas mal de morts hein, tout au long du roman, et là ça commence à vraiment s'enchaîner. Mais il y a beaucoup de morts. Et encore, les Baptistes et les Cathos ne sont pas encore foutus sur la gueule à ce moment-là. Ouais, en effet. Et dans le chapitre 18, le dernier de la deuxième partie, Buster tue sa femme à coups de marteau. Ouais, une scène très violente, encore une fois. Ouais. Bah, ils y pètent complètement un câble, tous à partir du moment où ils sont pris de folie meurtrière. Incontrôlables. Buster, après son affrontement avec Norris, en fait, il est... C'est à ce moment-là, je crois qu'il est menotté à sa bagnole. Ouais. Mais il arrive quand même à re-rentrer dans la bagnole et donc à conduire jusqu'à chez lui. Et là, il demande à sa femme de lui filer des outils pour se détacher. Le problème, c'est qu'elle l'appelle Buster et qu'il a horreur de ça. Et ça tourne cacao. Ouais, et comme il est complètement parano, aussi, il soupçonne que c'est sa femme qui, qui fait partie du groupe, en fait, qui fait partie de ses ennemis, qui est un peu une espionne pour ses ennemis. C'est ça. Et Ace va se rendre donc dans la ferme des Campbells et découvrir le mot moqueur et donc croire que c'est un coup d'Alan. Là, oui. Tous les fusibles sont posés pour l'explosion qui va venir. Avec un mot qui dit comme quoi c'est moi qui ai pris le pognon, je te laisse uniquement, comment je pourrais dire ça, ce que tu représentes, quoi, et c'est juste $1, quoi. J'en prendrais pour $1. Voilà, moi aussi ça m'y a fait penser. Qu'est-ce que c'est ? Gant te l'a offert ? Non, il ne me l'a pas offert. Et ça a atténué tes souffrances ? Hein ? Je suis sûr que c'est une drogue plutôt qu'un remède. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Retire ça, qu'on voit ce qu'il y a dans ce putain de bijou. Arrête, Alan ! Non ! C'est pas vrai. Qu'est-ce qui te prend ? Tu veux que je continue à souffrir ? Non, bien sûr. Ce ne sont pas tes mains, ce sont les miennes. C'est pas toi qui passes des nuits blanches. Je peux même pas arriver à faire un numéro de téléphone. Pourtant, tu avales ta boîte de calmants tous les soirs. Et c'est le début de la troisième partie, intitulée « Tout doit disparaître ». Donc un orage s'approche, on est en fin d'après-midi du mardi. Oui. Maintenant, Leland, il a plus le temps de niaiser, il vend des armes dans son arrière-boutique, dans son arrière-cour. Il vend des armes, il a filé de la coke à Ace pour que Ace enfile à Buster. C'est bon, allez, on va faire ça. Après, ça. C'est bon. Mais ce qui, encore une fois, participe beaucoup à la parodie, à tout le message politique, c'est finalement, le summum du libre-échange et de l'individualisme, effectivement, c'est tout ce qui est armes pour défendre sa propriété. C'est ça. Je vois complètement en quoi ça marche en tant que parodie des années Reagan, hein, comme roman, et, je trouve qu'il est plutôt efficace. Et pour le coup, chose qu'on n'a pas du tout mentionnée, alors que ça commence à être de plus en plus transparent, à chaque fois que Leland a une confrontation, entre guillemets, avec des personnages comme Buster ou Ace, eux commencent à le voir vraiment comme ce qu'il est, c'est-à-dire un être mi-démoniaque, mi-humain. Oui. Avec des ongles longs, un regard de plus en plus rouge, des mains et des jambes difformes, vraiment un physique qui s'éloigne de plus en plus du bon gentleman un peu anglais qu'il était au tout début, quoi. Ouais, et une force surhumaine aussi. Voilà, et ça c'est quelque chose que on n'a pas mentionné alors que ça commence à faire quelques chapitres que c'est le cas. Ouais, en fait de plus en plus, depuis quasiment dès le premier chapitre, on sentait des trucs étranges chez Leland et ils sont de plus en plus prononcés au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Et ça commence à être aussi à ce moment-là où en fait on se rend compte que les objets que les gens achètent à Leland, en fait sont tout péraves. Eux, ce qu'ils perçoivent, ce n'est pas ce qu'est vraiment l'objet. Oui. Oui, effectivement, on l'a pas mentionné, ça je crois qu'on commençait à le voir dans le chapitre où Hugh et l'autre s'entretuent, parce que tout le monde voit Hugh avec sa queue de renard bouffée au mythe, oui. Alors que lui est persuadé qu'elle est magnifique, mais en effet, en fait, les objets, c'est des trucs pris à la décharge, quoi. C'est ça, c'est comme la canne à pêche. C'est qui a la canne à pêche, je ne sais plus. Norris. C'est Norris, il a une canne à pêche sublime, alors qu'en fait, c'est juste une branche de bambou dégueulasse, quoi. Ouais. Plus tard, on saura que Alan a vu Cora Rusk en train de tripatouiller des lunettes cassées, alors qu'elle est persuadée que c'est les lunettes du King. Voilà. Que la photo, justement, d'Elvis, c'est une photo de lui vieux, tout bouffi. Tout dégueulasse, parce qu'il était dégueulasse à la fin, Elvis. Oui. Et alors qu'elle, elle le voit dans ses jours les plus reluisants. Oui, c'est une très chouette idée, ça aussi, du commercial qui arrive à faire passer des vessies pour des lanternes, vendre vraiment n'importe quoi en faisant croire qu'on en a absolument besoin. C'est ça. Alan a été déchargé de l'enquête à ce stade-là, parce que la police d'État l'a reprise, donc par Henry, via Henry principalement. Oui, ça, c'est les conflits internes aux États-Unis avec les nombreuses forces de police qu'ils ont, police locale, les polices d'État, le FBI, tout ça. Ça a souvent l'air d'être le bordel quand même chez eux. Hein. Oui, je pense que c'est une organisation un peu compliquée, et qui peut mener à des rivalités qui sont fréquemment utilisées en fiction. Bah oui, ça a l'air d'être moins le bordel chez nous, typiquement, de ce point de vue-là. J'aimerais que comme j'ai lu plus de polars américains que français sortis des Vargas, en réalité je suis pas super informé du fonctionnement de la police française. Bah après chez nous, j'ai l'impression que les deux vraies distinctions c'est la police et la gendarmerie, alors après, on connaît pas toutes les forces de police non plus, mais... Ouais, mais il existe une police criminelle par exemple, donc dans quel cas c'est la police criminelle qui intervient Bah à partir du moment où il y a un crime, c'est... Ouais. Oui, c'est certes, mais comment se passent les transferts, etc., je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de flics à Castle Rock. Bon, rappelons à Cab, hein, à toute fin utile. Oui, il y a aussi beaucoup de journalistes à ce moment-là, hein. C'est le bordel. Hein. Aussi. Parce que maintenant, ça y est, maintenant que la folie furieuse commence à se savoir, les journalistes débarquent pour savoir mais qu'est-ce que c'est que cette épidémie de violence, parce que c'est comme ça que c'est mentionné, cette épidémie de violence qui fait rage à Castle Rock. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a eu Vilma et Nettie quelques jours plus tôt, là il y a eu Hugh et Henry Beaufort, le propriétaire du bar, il y a Brian Rusk dont on apprend le suicide, voilà. Il y a Lester qui a pété un câble et qui a été tué après avoir tabassé un flic. Commence à y avoir beaucoup de trucs qui tournent mal à Castle Rock pour une si petite ville. C'est ça. Commence à y avoir de quoi remplir les feuilles de chou, comme on c'est dit. C'est ça, voilà. Les journalopes. Et Alan, vu qu'il a été déchargé de l'enquête, attend à l'hôpital pour parler à Sean, le petit frère de Brian, parce qu'il pense que Sean peut peut-être lui apprendre quelque chose sur pourquoi Brian s'est tué, vu qu'il sait qu'il était juste devant au moment de la barre. Sean qui est hospitalisé, hein, parce que quand tu vois ton grand frère se suicider devant tes yeux, je pense que un petit suivi psychologique à l'hôpital, ça peut être bien. Oh, c'est bon, c'est la nouvelle génération de ouais, fragiles. Ils sont habitués. Ouais, j'ai des TDAH, tout ça, c'est bon. Retourne travailler. Hein. Ça se remplace, hein, frère. Mais la scène est plutôt touchante. Alors c'est dans le chapitre suivant vraiment la rencontre avec Sean. Ah oui non effectivement là, il attend dans le couloir. Il y a Henry qui apprend que la balle qui a touché le patron du bar est empoisonnée. Oui. Et que donc alors qu'il aurait pu survivre en réalité il y a du poison dans l'arme et il meurt. Donc on va se rendre compte que même si les cibles ne sont pas pleinement atteintes, les armes de Leland sont extrêmement dangereuses. C'est ça. Et c'est là que Henry commence à se dire qu'il a peut-être fait une connerie en reprenant l'enquête à Alan. Oui, voilà, c'est ça. C'est là qu'il y a cette scène rigolote aussi où dans leur fantasme, Cora surprend son ancienne amie Myrtle au lit avec Elvis et donc va elle-même acheter son arme à Gaunt. Oui, pour aller la buter après. C'est vrai que c'est très rigolo. Chapitre suivant, les meurtres se poursuivent avec l'agent d'entretien Eddie qui veut tuer le garagiste Sonny parce qu'il l'avait arnaqué il y a des années, mais il va tuer son employé Ricky Bissonnette et c'est Sonny qui va tuer Eddie. Après du coup ce qui est pratique c'est vu sa fonction au sein de la ville, bah, il peut nettoyer après quoi. Oui. il peut rendre les lieux propres. Ouais. Bon, il va se faire tuer, donc moyennement, mais... mais quand même, il aurait pu s'il ne s'était pas fait tuer. Mais donc, Henry va trouver les corps peu après et se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? En plus, à côté de ça, il y a la femme de l'avocat, donc Lenore Potter, qui tue Melissa Clutterbuck pour avoir piétiné ses fleurs en la confondant avec quelqu'un d'autre. Ah oui. Et là, Alan va en effet pouvoir parler à Sean. Bah, je te laisse décrire la scène, vu que tu disais qu'elle était plutôt touchante. Bah, tout simplement Sean qui est traumatisé forcément par ce qui s'est passé avec son grand frère, qui a également conscience que sa mère aussi a légèrement pété une durite après s'être rendu au bazar des rêves, en remettant les choses dans le bon ordre. Au début, il réclame son père, c'est ce qui met la puce à l'oreille à Brian parce qu'il se dit que un petit garçon à cet âge-là, il aurait plus tendance à réclamer sa mère que son père. Et c'est là qu'il va commencer à pousser le gamin à lui raconter ce qui s'est passé. Et c'est là que le gamin va lâcher que sa mère aussi a viré un petit peu fofolle. Oui, qu'elle ne fait plus attention à rien. Et il indique à Alan que son frère lui a dit de se méfier de Leland Gaunt. Mais ça, c'est après que Alan ait refait une dernière fois le tour de magie pour vraiment remettre un petit peu de baume au cœur. Ouais, le tour de magie de la fleur. Voilà, au gamin, est vraiment gagné sa totale confiance. J'aime bien cette idée que, alors qu'il est au milieu du chaos, il a toujours cette fascination pour la magie et que quand il replie la fleur, il se rend compte qu'en la repliant doucement, ça fait des effets dont il n'avait jamais vu auparavant. Et qu'il ait ce moment d'émerveillement alors qu'il est au milieu du chaos, j'ai trouvé que c'était une bonne manière de caractériser le personnage. Qu'il l'avait jamais vu, parce qu'il ne pourra jamais l'avoir, vu qu'il explique bien que avec un bracelet totalement fonctionnel, ça n'aurait pas fait ça. Oui, effectivement. C'est vraiment le fait que le bracelet arrive en fin de vie, que ça ait donné cet effet un peu magique. Mais donc oui, je trouve la scène entre Alan et cet enfant vraiment traumatisé par la vie, simplement, très touchante. D'autant que chez Alan, ça fait ressortir tout son deuil d'avoir vécu la mort de sa femme et de son propre fils, et que donc il partage vraiment la souffrance de Sean dans cette scène. Exactement. À un moment que j'aime bien, alors que ça sert à strictement rien en termes d'intrigue, mais quand il sort de la chambre de Sean, il rencontre une petite fille malade, et je trouve qu'il y a un petit dialogue un peu à un moment en suspension qui, pareil, a un côté inquiétant, alors qu'en soi, ça sert à rien, c'est une petite fille malade. Oui, mais c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose, mis à part. Ça fait partie des petites séquences qui marchent, je trouve. Ah, ça donne de l'âme au personnage d'Alan, quoi. Oui, c'est ça. Ace Merrill, après avoir fouillé partout et trouvé que des saloperies dans les cachettes de Pop Merrill, revient en ville, et cette fois-ci, il va vraiment s'associer à Buster Keaton, et ils vont commencer à beaucoup se droguer, tout en posant des explosifs partout. À beaucoup se droguer et à faire beaucoup de bordel. Quand on sait que c'est le premier livre écrit après sa cure des intoxications, c'est peut-être pas étonnant que la cocaïne ait une telle place dans le roman. Et oui. Qu'elle ait un rôle entièrement sombre, pour le coup. C'est vraiment le moyen clairement. Pour Leland de manipuler Alan et Buster. Oui, ça n'a rien d'amusant. Ça n'a rien d'amusant, les enfants. Ouais. Le chapitre 21 est pas mal centré sur les catholiques et les baptistes, où ça va enfin exploser entre eux. Enfin, j'aime bien comment tu dis ça. Ah, ça venait depuis longtemps, hein. On le sentait venir. Ah bah, depuis le début du roman, ça. Oui, ils sont même mentionnés dans l'introduction, les deux. Oui. Les deux clans. Donc, quelle est la technique pour vraiment faire tout péter entre eux? Faire péter une église, tout simplement. C'est des boules puantes. Dans le roman. C'est des boules puantes. C'est dans le film que c'est une explosion. Ah oui, c'est vrai. Il y a un côté un peu... Pour le coup, il y a un côté vraiment blague. Les boules puantes. Oui, sauf qu'apparemment, elles sont particulièrement fortes. Oui. Et que comme il y a du monde et que les portes sont bloquées, va y avoir des morts rien que dans la panique pour sortir Le mouvement de foule. Des lieux respectifs. Hein. Le mouvement de foule fait que, malheureusement, certains y passent. Et donc les deux groupes vont avancer l'un vers l'autre et commencer à se battre avec un policier qui est pris au milieu de tout ça et qui se rend compte que vraiment, il contrôle absolument plus rien dans cette ville. Là, c'est bon. L'apocalypse s'est abattu sur Castle Rock à ce moment-là. Cora et Mira s'entretuent aussi. C'est l'apocalypse à échelle humaine. Oui, à l'échelle de la ville, ouais, c'est complètement ça. Voilà. Parce que l'apocalypse à l'échelle d'une ville, on l'avait déjà vu notamment sur le final de Carrie. Mais c'était beaucoup plus fantastique dans Carrie. Oui, tandis que là, au final, Leland a des pouvoirs fantastiques, mais la manière dont les gens s'entretuent est très humaine. Hein. C'est ça. Ça fait vraiment un peu guerre civile, comme il peut y avoir dans Dome. Hein. Oui, voilà. Disons que Leland n'utilise pas ses pouvoirs directement pour faire exploser des trucs. Oui, il ne blesse personne de manière directe, Leland. Il est toujours via d'autres personnes. Il s'amuse, quoi. Oui. Oui, en plus, c'est clair qu'il s'amuse bien. Du coup, est-ce que c'est fondamentalement mal, après tout? Il s'amuse. Chacun ses occupations, hein, oui. Chacun ses hobbies. Écoutez, est-ce que vous condamneriez un chat qui joue avec une souris avant de la tuer? Non. S'il pense à la tuer parce que s'il la laisse à moitié morte en train de ramper partout. Oui, c'est vrai que bon... Faire ça, les chats, quand même. Oui, bon, après, on parle d'un animal un peu psychopathe sur les bords. Ouais, voilà. Le chapitre 22, Alan a la certitude maintenant que Leland est au cœur de tout, alors ce que nous on sentait depuis un moment, mais c'est pas plus illogique que ça que Alan ne l'ait pas perçu avant, Bah pour ce bilan, a été relativement discret, et encore une fois, on en est à une semaine seulement de l'ouverture. C'est ça. Et puis rappelons que là, on est quand même à maintenant moins de 100 pages de la fin, et Alan ne l'a toujours pas rencontré. Oui. Oui, vu que vraiment, Leland a fait en sorte d'éviter toutes les rencontres, et que ça a explosé d'un coup. Du coup, c'est clairement la rencontre la plus tardive entre antagoniste et protagoniste. Ouais, là, je pense, ouais. Que j'ai pu lire de toute ma vie, je pense. Mm. Là, il y a le mélange de il y a deux personnages qui vont comprendre qu'ils se sont fait avoir, et donc deux personnages qui skieront les plans de Leland, vont repasser du camp du bien, à savoir Norris, qui allait se suicider en comprenant son rôle dans la mort de Hugh Banton, mais qui voit sa canne à pêche sous sa vraie forme. Oui. Donc juste un vieux bambou avec un enrouleur collé dessus. Voilà. Et qui donc va décider de lutter. Et Polly, qui comprend que la lettre est fausse, parce qu'elle comprend qu'il y a des trucs qui vont pas dedans, notamment que c'est pas le bon nom qui est utilisé, parce qu'elle a toujours donné le nom Polly quand elle, oui. Quand elle était pas à Castle Rock, alors que la lettre est adressée sous son véritable nom de naissance, à savoir Patricia. Voilà, chose que l'administration n'aurait jamais faite. Ouais. C'est ce qui lui met la puce à l'oreille. Et donc c'est là qu'elle se débarrasse de l'ASCA. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'il y avait dans l'ASCA? Il y avait une des formes de Gripsou. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait une araignée rosâtre, un petit peu rose, qui du coup s'est nourrie de la douleur de Polly pendant toute la... Alors moins de toute la semaine, parce qu'elle l'a pas eu dès le premier jour où Gant est arrivé. Oui, on peut se dire heureusement qu'elle a pas eu toute la semaine, hein, l'araignée. Oui. Parce que du coup, dès qu'elle sort de la petite coquille que formait l'ASCA, elle se met à grossir à vue d'œil. D'abord la taille d'une bonne grosse migale pour devenir ensuite la taille d'une souris. Et au bout d'un moment, il faut que ça cesse. N'est-ce ouais. pas? C'est ce que Polly se dit. Elle se dit, il faut que ça cesse. Ou elle débouchera à chiottes, je vais m'en occuper. Et donc, ouais, une confrontation efficace hein, dans le genre moment d'horreur. Le combat de Polly et de l'araignée marche bien. Ah oui, c'est un vrai moment d'horreur. J'imagine que quand t'es un peu arachnophobe, le passage doit être terrorisant. Bon, on sait sur qui tester, hein, si on veut une réponse à cette question. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'aime pas l'horreur tout court, donc tu vas le faire doublement fuir, là. Alan va enfin entrer dans le bazar, mais Gunt n'est pas dedans, il surveille de l'extérieur. Et surtout, le problème, c'est que Gunt a enfin trouvé l'objet qui pourrait faire envie à Alan, à savoir une vidéo des derniers instants de Todd et Annie. Ouais, où il fait croire à Alan que c'est Ace le responsable de leur mort. C'est ça. Pendant ce temps, le pont explose, le pont de la ville, donc la ville est totalement isolée à partir de là. C'est ça, ils se la sont joué Bane dans Dark Knight Rises, voilà. Ouais, c'est pas un truc qui est issu d'un comics à la base, Bane qui isole Gotham Oui. Le nombre de fois où Gotham a été isolé après. Oui, c'est vrai que j'étais en train de me rappeler de Année Zéro, ça y est aussi. Oui, voilà, c'est pareil aussi. Mais donc la ville est isolée et dans le chaos total. C'est là on entre dans le dernier chapitre, le 23e. Et donc tout le monde se met en route vers un endroit différent. Norris fonce vers le commissariat parce qu'il pense que c'est là qu'il qu'il pourra rejoindre Alan. C'est ça. Tandis que Polly, elle, comprend que Alan risque d'être au bazar et donc fonce vers le bazar. Notons aussi que les deux autres cons, ils continuent à foutre des explosifs partout et au bout d'un moment, il y en a un qui bute l'autre. C'est Norris qui réussit à tuer Buster. Voilà. C'est dans la fusillade. Et Alan et Ace réussit à blesser Norris. Il l'appelle papa, c'est mignon. Oui. Alors, le bâtiment municipal va exploser, comme on peut mentionner. Du coup, les deux pédophiles, Franck et Georges, qui allaient mettre fin à leur duel, sont pris dans l'explosion. Voilà, ils meurent comme les sombres merdes qu'ils sont. Ouais, c'est un peu rigolo, ça aussi, je trouve. Oui. Et Norris, blessé, va aller vers le bazar en comprenant que Leland est responsable et que du coup, il y a probablement du monde là-bas. Mm. Pendant que Polly réussit à rattraper Alan et à le stopper alors qu'Alan, là, était allé se faire avoir, allé foncer sur Ace pour le tuer. Voilà, et il partait chercher Ace, quoi. Ouais. Alors oui, d'accord, Ace était un enfoiré de première, mais ce n'est pas lui qui a tué sa femme. Et comment Alan comprend que la vidéo de Leland était mensongère? Eh bien, tout simplement parce que sa femme n'a pas mis sa ceinture, et c'est une chose qu'elle n'aurait jamais faite. Alors en fait, elle n'a pas sa ceinture dans le accident réel, et elle l'a sur la vidéo, justement. Oui. Et du coup, c'est un truc qui traumatisait Alan de savoir pourquoi elle n'avait pas sa ceinture au moment de l'accident, et pourquoi elle l'a sur la vidéo, ce qu'elle n'aurait effectivement dû jamais faire, et c'est pour ça que Leland n'a pas pu reproduire cet oubli. Et ça, c'est quelque chose qui avait été mentionné un peu avant par Polly, c'est que Gant a toujours tendance à en rajouter, à vouloir trop en faire. Ouais, et que du coup, il y a des détails qu'il ne prend pas en compte parce qu'il ne les connaît pas. Voilà. C'est un truc récurrent des méchants de King d'être tellement ambitieux, tellement persuadés de leur génie, qu'ils finissent par déraper sur des petits détails. Oui, c'est ça. C'est un peu comme le cliché du grand méchant qui te révèle son plan final à la fin et qui part dans un hiatus énorme et qui laisse le temps au héros, du coup, de lui péter la gueule. Oui, c'est ça, même si là, c'est fait pas mal plus finement. Ah oui. Mais donc, tout le monde se retrouve autour du bazar avec Ace qui prend Polly en otage. Mmh. Parce que lui aussi veut tuer Alan, toujours parce qu'il est persuadé qu'Alan a volé son argent. Voilà. Et là, c'est vraiment une scène que j'ai trouvé plutôt drôle. C'est Gant qui se dit « Oh bah, c'est le moment de partir, tiens. » Oui, bah pour lui, le mal est fait, la ville va se détruire. Non mais, c'est la manière dont c'est décrit, tu sais, genre oui. Il s'en va avec sa petite mallette sous le bras, ça fait très genre un rapetou qui s'en va sur la pointe des pieds, là là là là là. Avec un manteau de représentant de commerce en plus. Et pendant ce temps-là aussi, t'as Norris et le vieux flic proche de la retraite dont j'ai oublié le nom. Sid. Ouais, voilà, qui eux arrivent. Mais dans le dos de Ace qui arrive doucement, avec du coup Alan qui fait tout pour ne pas braquer son regard dans cette direction, pour ne pas alerter Ace. Ouais, et c'est ce qui va lui permettre de remarquer Leland par contre. C'est ça, qui essaye de se barrer. Et vient la confrontation entre Alan et Leland, et c'est la première fois que les deux se rencontrent. Oui. Et Alan, on comprend enfin toute l'importance de ces ustensiles de magie depuis le début. Sachant que lui-même le sentait dans un coin de sa tête, il se balade avec le serpent sauteur de son fils depuis trois bons chapitres. Oui. Il le récupère toujours, il y tient sans savoir pourquoi. Et donc là, on retrouve l'idée du personnage qui est l'agent du bien, donc sans savoir si c'est Dieu qui se manifeste à travers lui, ou si c'est les esprits positifs de son fils et de sa femme. Mm. Mais en tout cas, les tours de magie vont prendre une dimension réellement magique. Oui, et magie oui, bien qui peut affronter Leland. Ah bah ça part en spectacle son et lumière là même. Ouais. Avec des rayons qui surgissent des mains de Alan pour combattre le mal et tout. Il y a déjà le serpent qui est un véritable serpent quand il sort oui. Et qui réussit à mordre Leland. Voilà. Leland qui a une apparence de plus en plus démoniaque. Ouais. Vraiment. Ce qui va commencer à faire vraiment peur à Ace qui va lâcher Polly. Et c'était une mauvaise idée parce que du coup, Norris peut abattre Ace. Voilà. Ensuite, Alan utilise les ombres chinoises. D'abord, il fait un oiseau. Ouais. Il forme un oiseau avec l'ombre de ses mains qui se transforme en un énorme faucon qui attaque Leland. Et après, c'est quoi? C'est un chien? C'est un chien ensuite, ouais. Ouais. Et en fait, les deux, c'est intéressant parce que bah, c'est bien rappelé, ça rappelle des menaces qui ont pesé sur Castle Rock. Et c'est comme si ces menaces redevenaient le bien parce que les oiseaux, c'est les moineaux de la part des ténèbres. Les oiseaux, c'est la part des ténèbres. Et le chien, c'est Cujo. Voilà. Effectivement. Donc, c'est le bien qui se réapproprie toutes les menaces qui ont pu causer des morts à Castle Rock. Et ensuite, effectivement, la fleur devient un rayon de lumière pour empêcher Leland de récupérer les âmes. Avec cette discussion très drôle où Leland dit « Si, ces âmes, je les ai gagnées loyalement. Vous êtes contre le libre commerce, monsieur Pangborn? Vous êtes communiste, dites-moi » Oui, c'est vrai que c'est marrant. Enfin, c'est vraiment C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, hein, mais du coup, oui, dans la mallette, c'est les âmes de toutes les personnes avec qui il a passé des deals. Oui, c'est ça, et dont Alan dit qu'elles ont été volées, vu que c'est des marchés malhonnêtes qui ont été menés. Parce que l'attaché Case est décrit comme un attaché normal, mais qui a une espèce de mouvement de respiration un peu organique. Ouais, et que limite on entend un peu des gémissements dedans aussi. Voilà. Mais donc Leland va enfin être vaincu à Castle Rock, en tout cas. Oui, parce qu'il se barre, en vrai. Ouais. Ce qui a pour effet de soulager de leur rage meurtrière tous les gens qui étaient en train de s'entretuer. Alors il y a quand même beaucoup, beaucoup de blessés et de morts, beaucoup de lieux qui ont explosé. Mais il y en a qui survivent, et surtout ceux qui étaient juste blessés, le poison dans leur corps disparaît. Oui. Mais tout de même, la ville est détruite et Alan dit clairement que ce sera plus jamais sa ville. Pour lui, Castle Rock, c'est plus ou moins fini. Oui. Mais ce n'en est pas fini. Ça finit assez brutalement, parce que oui, il y a une brève conclusion tout de même. Voilà, ce n'en est pas fini pour les Langants. Il y a un tout petit chapitre final qui fait écho avec le chapitre qui ouvre le roman, puisqu'il porte exactement le même nom. Vous êtes déjà il commence sur exactement les mêmes phrases aussi. Voilà, où on comprend que Leland s'installe dans une autre ville. Ouais, à Junction City, dans l'Iowa cette fois-ci. Par contre, on ne fait pas mention de combien de temps cela se déroule après. Non, effectivement, mais on peut supposer que c'est peut-être assez peu de temps après. Il n'a pas l'air d'avoir besoin de beaucoup de temps pour se remettre, Leland. Et donc voilà, la menace n'est pas totalement vaincue. Ouais. Comme très souvent d'ailleurs chez King. Hein. Quand les menaces sont fantastiques, elles sont plus éloignées ou endormies que vraiment vaincues. Oui, c'est ça. Bah, c'est l'idée de cycle est omniprésente, que ce soit avec Randall Flagg dans Le Fléau, La Tour Sombre, ça évidemment. Voilà. Ouais, les menaces sont souvent cycliques avec lui. Hein. Mais donc, un roman, encore une fois, très très bien mené, comme vous l'avez vu au résumé qui a pris longtemps, très dense, parce qu'il y a énormément de monde qui va et vient, mais qui décrit bien cette idée de zizanie qui est installée par l'individualisme et par le fait de jouer sur les plus bas instincts des gens. Voilà, très bon album d'Astérix aussi, hein, au demeurant. Le pire, c'est que ça me l'a un peu rappelé, hein, on dirait un peu un croisement horrifique entre la zizanie et Obélix et compagnie. Faudrait que je leur lise, tiens, la zizanie, parce que c'est vraiment un excellent album. Ouais. Ah ouais, c'est un excellent album, la zizanie, ouais. C'est un des meilleurs, je trouve. Oui. Mais voilà, pareil, je comprends pas qu'il soit pas un peu plus mis en avant, parce que c'est un King avec énormément de qualité, et encore une fois, alors qu'il a énormément de persos, il en a plein qui sont attachants et qui donc font qu'on a envie de les suivre au fur et à mesure. Alors après, peut-être que parce qu'il arrive juste après les Tommy Knockers, peut-être que les Tommy Knockers a échaudé un peu les lecteurs de l'époque et que du coup beaucoup sont passés à côté de Bazar, je ne sais pas. Bon, il y a eu La Part des Ténèbres entre temps qui a été publié. Quand Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Bah, du coup, je ne sais pas. Mais lisez Bazar. Oui, un très très bon roman. C'est ce qu'on a à en dire. Et qui mène bien son message, assez simple, mais qui le mène bien. Exactement. Castle Rock. Un petit village tranquille dans l'état du Maine. Où il se passe des choses bien étranges. Est-ce que vous croyez, mon père, que le diable existe ? Absolument. On ne peut croire en Dieu sans croire au diable. Vous l'avez rencontré ? À qui diable ressemble-t-il ? Puis-je me permettre, cher monsieur, de vous souhaiter la bienvenue à Castle Rock au nom de notre Seigneur ? Pourquoi pas ? Entre nous, d'où venez-vous ? De l'Ohio. Je fais ce métier depuis longtemps, et je m'efforce d'offrir à mes clients tout ce dont ils rêvent. Cet homme est ici pour nous détruire. Vous êtes un menteur. Il y a déjà eu dans cette ville deux meurtres et une tentative de suicide, et Leland Gaunt en est responsable. Vous êtes répugnant, et c'est ce que j'aime en vous. Tous ceux qui s'acharnent contre moi vont devoir le payer. Le jeune charpentier de Nazareth. Oui, je l'ai bien connu. Un jeune homme plein d'avenir, mort tragiquement. Famine, inondation, bain de sang, cœur brisé. Vous ne gagnerez pas. Dieu est avec moi. Fête commence. Qu'avez-vous fait ? J'ai tué ma femme. Je n'aurais pas dû. Mon cher, ce sont des choses qui arrivent. Les droits du roman sont vendus assez tôt à Castle Rock Entertainment parce que, on peut s'en douter, vous l'avez remarqué, il n'y a que 2 ans qui séparent la sortie du roman en 91 et celle de la première version du film en 93. Et donc Castle Rock Entertainment, on en a déjà parlé puisque ce sont les studios de Rob Reiner. Et ça fait assez peu mystère qu'ils aiment bien King. Le premier scénariste contacté, c'est Lawrence D. Cohen, dont on a déjà régulièrement parlé, puisque c'est toujours celui donc, de Carrie à la base, et du téléfilm ça, voilà. Et il devait travailler à peu près au même moment sur le scénario des Tommyknockers. Waouh. Ouais, deux grandes œuvres, mais il n'arrive pas à transformer le roman en un script valable pour faire un film. Apparemment, le souci de son scénario, c'est qu'il était beaucoup trop... accolé à la lettre au roman, et donc il était totalement infilmable et beaucoup trop long. À ce moment-là, le réalisateur envisagé, c'est Peter Yates, un réalisateur plutôt vétéran, c'est le réalisateur de Bullitt, par exemple, ou de La guerre de Murphy ou de Krull. Là, il approchait de sa fin de carrière, il avait déjà un certain âge, même s'il meurt qu'en 2011. Comme le script de Cohen ne convainc pas, il va y avoir un autre scénariste contacté qui est W.D. Richter, qui a réalisé un film dans sa carrière, Buckaroo Banzai, que je n'ai pas vu mais qui a plutôt bonne réputation. Oui, qui a très très bonne réputation, je ne l'ai pas vu non plus. D'accord. Par contre, je le connais un peu en tant que scénariste, puisqu'il a scénarisé L'invasion des profanateurs, la version de 1978. Il a scénarisé le Dracula de 79 et en co-scénariste surtout avec Carpenter, il a fait les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. D'accord, oui, effectivement, lui ça va. Il a plutôt une carrière pas dégueulasse. Oui, c'est ça, excellent film Jack Burton, qu'on ne conseillera jamais assez. Même l'invasion des profanateurs, hein. Le 79 c'est la version de Kaufman si je me trompe pas. Je crois, ouais. Avec, avec le Donald Sutherland qui nous a quittés l'année dernière. Un excellent film aussi. Pendant le tournage, il y a un article qui est publié, il y a des interviews qui sont faites, et il parle d'une tâche vraiment compliquée d'adapter ce roman. Il n'a pas l'air d'avoir trouvé l'expérience particulièrement agréable, disant qu'il a pris toutes les occasions qu'il pouvait de combiner des éléments qui s'offraient à lui. Donc il va changer certaines choses pour réussir à faire tenir tout ça en beaucoup moins de temps. Dans les grands changements, on peut mentionner qu'il y a des personnages qui sont combinés les uns aux autres, qu'il y a des personnages qui changent d'emploi. Par exemple, Polly, à la base, elle est censée tenir un magasin de couture. Là, elle travaille dans un diner parce que ça permet de concentrer plus de personnages en un même endroit. C'est même la propriétaire. Ouais, effectivement. Enfin, ça semble être la propriétaire, en tout cas. C'est pas dit clairement, mais vu comment elle agit, ça semble être la propriétaire. Oui, en effet. Il décide de faire sortir Leland Gunt de son magasin pour donner plus de richesse visuelle à ses différentes apparitions. C'était pas la bonne idée, mais bon. Ouais, je suis assez d'accord, ça affaiblit le personnage. Ace Merrill est complètement supprimé. C'est Buster qui va être le seul agent de Leland dans le film. Et du coup, en fait, la rivalité qui est censée être entre Alan et Ace va être directement entre Alan et Buster. Oui. De manière amusante, alors qu'on a souvent eu des scénaristes ou réalisateurs qui disaient être fans de King, William W.D. Richter, lui, apparemment, il n'en avait jamais lu auparavant, et donc ça l'a peut-être aidé à supprimer des trucs, il n'avait pas d'attachement particulier au roman. Peter Yates, sans que je sache pourquoi, se retire du poste de réalisateur, il reste seulement en tant que producteur exécutif, et c'est Fraser Clark Heston qui reprend la réalisation, avec donc le nouveau scénario. Alors Clark Heston, c'est le fils de Charlton Heston et de Lydia Clark. Oui. Il a été acteur très jeune puisqu'il joue la version bébé de Moïse dans Les Dix Commandements, un rôle pour lequel il n'a pas eu l'Oscar, ce que je trouve incompréhensible. Il a surtout réalisé des téléfilms, quasiment toujours avec son père au casting. Ensemble, ils ont fait Sherlock Holmes et La Croix de Sang, adapté du signe des quatre. Je sais que je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir, ça devait pas être très bien. Ah, super. Voilà. Bazar, c'est son premier film pour le cinéma. La pré-production commence en août 1992 et le tournage se fait au Canada, dans la ville de Gibson's Landing. Au casting, dans le rôle de Leland Gunt, nous avons Max von Sydow, un acteur suédois, on peut dire que c'est un acteur culte, hein, qui assez tôt dans sa carrière en fait, commence à jouer chez Ingmar Bergman, en commençant par le 7e saut, pour une première collab, c'est pas mal. Ouais. Ils collaboreront 13 fois jusqu'en 1971, Alors, je connais pas si bien que ça la filmographie de Bergman. J'ai vu La Source, par exemple, dans leur collaboration, que j'aime moyennement, mais bon, Le Septième Sceau, c'est génial, par contre. Mm. Peu après, il va rencontrer le succès aux États-Unis avec L'Exorciste. Alors qu'il joue un personnage très vieux, il avait qu'un peu plus de 40 ans à l'époque. Du coup, c'est un acteur à qui j'ai toujours eu tendance à donner plus que son âge réel, parce que je prends comme référence L'Exorciste, qui est le film dans lequel je l'ai découvert, comme oui. Pas mal de monde. J'ai Bergman, je l'ai découvert plus tard. Mais en réalité, il n'y a qu'une quarantaine d'années à l'époque, et il restera un acteur très actif dans différents pays. Il est aidé par le fait qu'il parle énormément de langues différentes, Max von Sydow, donc des fois il doit être redoublé parce qu'il a un gros accent, mais il peut se débrouiller sur des tournages un peu partout, en France, en Italie, etc. Oui. On peut citer qu'il est dans Conan le Barbare, dans Dune, la version Lynch, que nous avons perdu il y a une semaine au moment où nous enregistrons, oui. Un peu plus oui, une malheureusement. Semaine. Voilà. Il est dans Minority Report, dans Judge Dredd, Le Sang des Innocents. Il a aussi joué dans Un homme et son chien, du meilleur réalisateur de tous les temps, Francis Huster. Voilà. Ah la vache. Il tournait encore pas mal dans les dernières années de sa vie, même s'il avait ralenti, parce qu'à une époque, il tournait 6-7 films par an, Max von Sydow, surtout dans des rôles secondaires, mais quand même. Et il meurt en 2020. C'est un peu rigolo, parce que quand on l'interroge sur les films qui l'ont beaucoup marqué lors du tournage de du Bazar de l'Épouvante, parmi les films qu'il cite, il y a comme étant un excellent film d'action, il dit Runaway Train de Konchalovsky. Ah. Il y a un film qu'on aime tous les deux beaucoup. Oui, et un très très bon film, excellent. Ouais. T'es sur un scénario abandonné de Kurosawa. De Kurosawa, ouais. J'ai trouvé d'ailleurs le scénario de Kurosawa, mais je l'ai toujours pas lu, donc je sais pas jusqu'à quel point c'est différent. Mais en tout cas, oui, excellent film. Tu l'as pas mentionné, mais il joue aussi le tueur à gages dans Les Trois Jours du Condor, qui est un excellent Sidney Pollack. Effectivement, ouais. Effectivement, bah, il y a une filmographie tellement énorme, on trouve oui. Plein de films qu'on peut apprécier. Alors c'est marrant, je vois qu'il fait aussi du doublage, qu'il a aussi fait du doublage, pardon, dans le jeu vidéo. Ah ouais ? Ah oui, bah, il n'a pas fait en plus un jeu vidéo Star Wars ? Alors, oui, mais c'est lui qui double Viggo dans le jeu vidéo Ghostbusters. Mais je crois que voilà. C'est lui qui double Viggo dans Ghostbusters 2. Dans le film aussi, aussi. Il n'est pas cité au générique, mais l'acteur qui faisait le visage de Viggo apparemment avait un trop mauvais anglais, donc je crois que c'est non crédité déjà lui qui fait le doublage. Et je vois qu'il fait aussi une voix dans Skyrim, dans Elder Scrolls 5. En même temps, il a une sacrée voix. Hein. Oui. C'est plutôt à exploiter. Oui. En même temps, on peut le dire tout de suite, lui, pour Gant, ce n'est clairement pas une erreur de casting. Ah non, j'ai pas grand-chose à redire à sa performance en Gant, hein, pour le coup. Dans le rôle d'Alan Pangborn, au départ, King avait proposé Michael Rooker, parce que c'était déjà lui qui jouait Pangborn dans La Part des Ténèbres. Ah, ce aurait été logique de le reprendre. Ça aurait pu être logique de le reprendre, mais les producteurs voulaient quelqu'un de plus réputé. Et donc c'est Ed Harris qui va avoir le rôle. Ed Harris, dont on avait déjà parlé à l'époque de Creepshow, donc acteur qu'on aime bien tous les deux aussi, parce qu'ils ont énormément de trucs qu'on aime, entre History of Violence, Les Pleins Pouvoirs, The Truman Show, Snowpiercer. Et apparemment c'est un des rôles principaux de Westworld, mais j'ai toujours pas vu. Et puis c'est surtout on l'aime aussi parce que c'est un acteur qui, quoi qu'il arrive, il fait le taf, quoi. Oui, encore une fois, oui. Dans le rôle de Polly Chalmers, on retrouve aussi une actrice dont on a déjà parlé, puisque c'est Bonnie Bedella qui jouait Suzanne dans Les Vampires de Salem. Mm. Donc je vais pas plus que ça revenir sur elle. Dans le rôle de Nettie Cobb, il y a Amanda Plummer qui jouait le personnage féminin principal dans Le Roi Pêcheur de Terry Gilliam, qui est clairement un de mes Terry Gilliam préférés. Je ne l'ai pas vu celui-là. Ah, c'est un très très beau film avec un Robin Williams très touchant. Je te le conseille vraiment, celui-là. D'accord. Elle joue aussi dans Pulp Fiction et apparemment, dernièrement, elle a joué l'antagoniste principal de la dernière saison de Star Trek Picard. Voilà. Et globalement, elle est fort active au cinéma et à la télévision. Danforth Buster Keaton est joué par G.T. Walsh, acteur qui commence sa carrière au théâtre au milieu des années 70. Au cinéma, il est surtout dans des seconds rôles, dans Good Morning Vietnam par exemple, des Hommes d'honneur ou Hoffa, et il meurt assez jeune en 98 à 54 ans. Norris Ridgewick est joué par Ray McKinnon, qui est très actif comme acteur dans des petits rôles au cinéma comme à la télé. Dans les rôles récurrents, on peut citer qu'il est dans Deadwood pas mal et un des acteurs importants de la saison 4 de Sons of Anarchy. Mais c'est des séries que je n'ai pas vues. Et il est aussi producteur, scénariste et réalisateur occasionnel, notamment sur une série qui s'appelle Rectify, une série judiciaire qui apparemment a plutôt bonne réputation, mais dans laquelle il ne joue pas, par contre. C'est une série avec Aden Young, Abigail Spencer, je ne connais pas le casting pour le coup. Wilma Jersey, qui est jouée par Valerie Brumfield. Alors, c'est un peu rigolo parce que, apparemment, la directrice de casting l'a appelée en disant « Je t'ai rencontrée à une réception, j'ai ce rôle d'une fermière folle, je pense que ça t'intéresserait. » Donc, l'actrice n'a pas su exactement comment elle devait le prendre, mais elle a eu le rôle. Très tôt dans sa carrière, au début, elle formait apparemment un duo comique avec Dan Aykroyd. D'accord. Et en plus de quelques rôles surtout comiques, en dehors de ça, j'ai l'impression qu'elle a surtout fait des voix et écrit des sketchs pour des émissions, des séries, des talk shows, etc. Et elle a quitté le milieu du show business en 2001. Ok. Hugh Priest est joué par Duncan Fraser, principalement acteur de second rôle au cinéma et à la télévision. Le père Meehan est joué par William Morgan Shepard. Je le cite parce qu'il joue un rôle secondaire, mais de grand ponte de la pègre dans Sailor et Lula. Et bon, si on peut citer Lynch en ce moment, on cite Lynch, surtout que Sailor et Lula, c'est génial. Voilà. En tant qu'amoureux de Star Trek, il joue dans Star Trek 6, voilà. Il y a un très bon Star Trek. Bonjour. D'accord. Je l'ai pas noté pour le coup, celui-là. Ah, mais il doit avoir un rôle secondaire, hein. Je m'en suis aperçu en voyant sa filmo. Mais... D'accord. Vu qu'il joue un personnage quand même pas de nom, bon. Voilà. Et c'est le narrateur dans Kingdom Hospital. Mais donc on entendait juste sa voix. D'accord. Le révérend Willie Rose est joué par Don Ace Davis, qui joue le Major Garland Briggs dans Twin Peaks, décidément. Oui. C'est le père de Scully dans X-Files, mais apparemment il apparaît dans genre 2-3 épisodes. C'est surtout un acteur de série télé. Ouais. Et par contre, en rôle important, c'est George Hammond dans Stargate SG-1. Mm. Et pour le coup, lui, il est énormément présent dans Stargate SG-1. Oui, il est peut-être même dans tous les épisodes, ou alors il n'apparaît pas dans très très peu d'épisodes. Et enfin, Brian Rusk est joué par le jeune Chen Meyer, qui jouait le fils de Clint Eastwood dans Impitoyable. C'est un tout petit rôle, mais regardez Impitoyable, même si c'est pro-arme, c'est très cool. Oui. Il aura quelques rôles quand il est jeune, il fait des voix dans des dessins animés, mais globalement il semble avoir arrêté sa carrière pour ouvrir un magasin de vêtements pour hommes, et comme la pub est faite sur Wikipédia, je pense qu'il a rédigé sa propre page. Apparemment il ne vend que des produits éthiques, donc c'est pas de la merde, c'est pas comme s'il était pas objectif. Le directeur de la photographie, c'est Tony Westman, qui après beaucoup de courts-métrages a été directeur photo sur pas mal d'épisodes de MacGyver, et sur une série appelée Charlton Heston présente la Bible. Waouh! T'as envie de voir ça, hein? Ah, putain, oui, ça donne envie. Ouais. Il retrouvera le fils Heston sur un film appelé Alaska, et il a fait aussi plusieurs trucs liés aux Muppets, et plusieurs épisodes des 4400 aussi. Mais là, il a arrêté sa carrière de directeur photo et de réalisateur. Maintenant, il a fait quelques expositions photo, des expositions d'art donc, mais il semble qu'il a plus ou moins pris sa retraite. Ok. Le production designer, c'est Douglas Higgins qui, je reparle parce que je suis pas fan de son boulot là-dessus, à quelques exceptions près, il a fait surtout de la télévision. On peut citer que c'est le production designer de L'Effet Papillon et qu'il est assistant sur La Planète des Singes Suprématie, voilà. D'accord. Les effets spéciaux gore sont de Tibor Farkas, qui avait déjà fait ceux de Vendredi 13, 8, L'Ultime Retour, qui n'est pas le dernier vendredi 13. Ah oui, bah bon. Globalement, si vous avez ultime, finale, terminale dans un titre de Vendredi 13, c'est que c'est pas le dernier. Voilà. Voilà. Incroyable, quand même. C'est comme les jeux ou les films avec révélation dans le titre. En général, il n'y a pas de révélation. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une règle. Il va falloir y mettre un terme. Et Children of the Corn Genesis n'était pas particulièrement une genèse. Non, effectivement. Il n'y avait même pas de Children avec ouais, des cornes. Non, il n'y avait même pas de Children, même pas de cornes, il n'y avait rien. Est-ce que c'était vraiment un film, finalement? C'était même pas net. Même ça, on n'est pas trop sûr. C'est vraiment un de nos épisodes les plus confus. J'en ai réécouté un bout tout l'autre jour et ça me faisait rire. La musique est de... Patrick Doyle. Alors là, pour le coup, on est sur du gros compositeur avec Patrick Doyle, qui était relativement en début de carrière au cinéma à l'époque. Patrick Doyle, en tout début, il a été acteur, mais en fait, il avait plutôt une formation de compositeur de base, et donc c'est sous ce poste qu'il arrive à la Renaissance Theatre Company, le nom est un peu péteux, la compagnie théâtre de Kenneth Branagh et David Parfitt. Donc c'est ce qu'il fait après le faire entrer dans la musique de film. Déjà, il fait la musique de plein de pièces de Branagh, et en fait, bah, ses premiers travaux, ça va être sur des films où joue Branagh et sur ses réalisations. Il a fait quasiment tous ses films. D'accord. En 93, par exemple, à côté de Bazar, il fait la musique de Beaucoup de bruit pour rien, réalisé par Branagh, et de L'impasse de Brian De Palma, quand même. Et suite à ça, sa carrière va clairement prendre une grosse ampleur. C'est rempli d'excellentes BO, j'aime beaucoup ce compositeur. C'est lui qui a fait la musique du très sous-estimé La Petite Princesse d'Alfonso Cuarón, la très belle BO de Nanny McPhee de Kirk Jones, de Sense and Sensibility, la version de Ang Lee, L'île de Nîmes, donc excellent compositeur, et effectivement, évidemment, tous les Branagh quasiment, et j'adore son boulot. Bon, après, il a aussi fait la musique pour le couronnement de Charles III, mais bon, on fait tous des erreurs dans la vie, j'imagine. Ah vache, on a tous des factures à payer, ou non. Ouais, et puis les Anglais, faut excuser, ils sont pas normaux, ces gens-là. La musique est assez caractéristique de cette époque de Doyle, avec du mélange d'autres compositeurs. Elle est sans grande surprise, je l'aime bien, en fait je l'aime beaucoup à écouter en dehors, j'aime beaucoup les thèmes religieux teintés de moquerie qui caractérisent Gunt, les moments lyriques fonctionnent super bien. Il y a des moments qui rappellent un peu la BO de La Malédiction par Jerry Goldsmith, parce que ça reprend la même idée d'avoir des chœurs qui reprennent des chants liturgiques mais en version démoniaque. Ouais. Donc forcément moi ça me fait penser à La Malédiction, donc ça fait un mix entre deux compositeurs que j'aime beaucoup. À noter que un des thèmes au cœur qui est présent dans certaines pistes, genre The Devil's Is Here, est très proche du thème du Songe d'une nuit de sabbat de Berlioz, qui sert déjà de thème au synthé de Wendy Carlos à Shining. Quand on réécoute la BO en dehors, c'est assez marquant. Le monde est petit. Ouais. Hélas, dans le film, je trouve que des fois, elle fonctionne un peu moins bien et qu'il y a des moments où la BO aurait mérité en fait d'être plus joyeuse pour mieux rendre progressif l'invasion de Gaunt. Mm. Ici, elle est un peu bourrine, elle en dévoile trop, je trouve, rapidement. On n'a pas parlé plus que ça de la photographie, d'ailleurs, mais je la trouve pas... Bah... pas nulle, mais... Non, mais loin elle a rien de remarquable, quoi. Ouais. Bah non. Le film, c'est un peu particulier, parce qu'il sort d'abord au cinéma le 27 août 1993, dans une version d'environ 2 heures, avec un accueil critique très divisé et plutôt négatif. Et cette version sort aussi en France au cinéma le 13 juillet 1994, et c'est un échec, puisqu'il ne rapporte que 13 millions au box-office. En 1996, il est rediffusé dans une version longue de 3 heures pour la télévision. Elle s'est diffusée le 22 mai sur TBS, mais suite à ça, cette version va rester introuvable pendant des années, puisque c'est la version cinéma qui est utilisée dans la distribution en support physique et dans les rediffusions pendant très longtemps. La première édition américaine à inclure l'Extended Cut, elle date de 2020, et elle est sortie quelques temps plus tard en France. Ah oui, quand même! Si vous voulez une liste détaillée de toutes les différences entre les deux versions, je vous renvoie au site Movie Censorship, parce qu'avec une heure d'écart entre les deux, vous vous doutez bien qu'il y a quand même beaucoup de différences. Donc voilà, allez vous référer à cette liste qui fait un comparatif détaillé des deux. Bon, on va le faire! De quoi? On va le faire nous-mêmes, vous pouvez rester. Bah on va en citer je pense, hein, mais bon. Oui. Stephen King dit à l'occasion de la sortie de la version longue en support physique qu'elle est bien meilleure et rattrape au moins une partie des défauts du cut ciné, mais c'est difficile de savoir jusqu'à quel point il est sincère. Dans une interview avec le podcast The Losers Club, Fraser dit que cette version n'est pas vraiment son director's cut qui lui se situerait entre les deux versions, niveau longueur. D'accord. Au niveau des notes, donc, c'est difficile de... Enfin, il manque un élément, c'est que pour... En fait, il n'existe qu'une page à chaque fois pour les deux versions. Donc, en fait, les notes de l'Extended Cut et du Cut Ciné se mélangent sur Allociné comme sur Rotten Tomatoes, donc à garder en tête. Mais toujours est-il qu'il a actuellement 2,8 étoiles sur Allociné, ce qui le place 35e de tout ce qu'on a fait pour le moment à égalité avec Le Journal d'Ellen Rimbauer, Creepshow 2 et Jesse. Et il a 33% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, c'est-à-dire 51e, à égalité avec Désolation et Le Rapace Nocturne. Donc, mais voilà, il y a peut-être des notes qui se mélangent, et peut-être que les notes d'une des deux versions seraient très supérieures à celles de l'autre, si on pouvait avoir le détail, mais bon, comme aujourd'hui encore, c'est la version courte qui est plus accessible, Je pense que c'est celle qui est le plus souvent notée. Oui, oui, forcément. Voilà tout ce que j'ai à en dire. Nous allons pouvoir passer à nos avis. Eh bien, je t'écoute, comme d'habitude, je te laisse la main. Alors, tarte aux pommes, fais attention à pas te couper. Fous-moi la paix. Vilma, si tu recommences, je vais... Calme-toi, Nettie. Nettie, pose ce couteau. Ok, Vilma, qu'est-ce que tu veux? Les rognons de son chien, un verre de sang de ce putain de cabot et ses deux yeux cuits à point. Arrête ton cirque, s'il te plaît. Oh, merde. Ça n'est rien, je m'en occupe. Je vais lui parler. C'est comme si les mecs se sont dit on va adapter Bazar, mais on va prendre toute la subtilité du roman, on va se torcher avec et on va le foutre à la poubelle. Voilà, j'ai juste envie de commencer avec ce premier avis. Avec une telle métaphore, c'est peut-être un peu ironique de parler de subtilité, mais je suis d'accord. Non, mais vraiment, comment tu peux faire un film aussi peu subtil avec un matériau de base comme ça? C'est incroyable, je ne comprends pas. Toi, du coup, t'as vu les deux versions ou juste la courte? Alors, j'ai vu la courte, puis j'ai regardé en mode un peu accéléré la version longue. Tu vois, en fait, du coup, bah, je m'arrêtais, j'arrêtais l'accéléré quand c'était une scène qui n'était pas présente dans la version ciné. J'ai regardé ça comme si c'était des scènes coupées, en fait, tout simplement. Ouais, donc t'as rattrapé quand même une partie des scènes coupées. Peut-être pas la totalité, oui. Il y en a peut-être qui t'ont échappé, mais une bonne partie. En sachant que la majorité des scènes coupées se trouvent au début du film. Hein. Tout le final est identique. D'accord, c'est jusqu'à quel moment qu'il y a la majorité des scènes coupées? Parce que moi, j'ai regardé que la version longue, hein, pour situer. En fait, à partir du moment où ça commence à foutre des explosifs, déjà, bah c'est y a plus de scènes coupées. Est-ce qu'on... Vas-y, on commence à décrire le film. Bah attends, je vais donner mon avis rapide pour ce film. Ah oui, merde, pardon. Je suis globalement d'accord avec toi. C'est peut-être un tout petit peu moins négatif, mais non, c'est pas très bien. Le souci, c'est que bah, c'est très compliqué d'adapter Bazar. Vous l'avez senti en parlant de... Quand on a parlé du roman, c'est un roman avec énormément de persos. Et c'est un truc qui a été signalé par le scénariste. En fait, dès qu'on supprime un personnage, on doit en supprimer trois dans la foulée parce qu'ils sont tous connectés les uns aux autres. Sauf que le roman fonctionne, gagne son effet par cette toile d'araignée que Sam Gunn. Et là, on va pas du tout ressentir cet effet-là et la subtilité, effectivement, de son plan et de la manière dont il avance ses pions. Donc, ça ne marche pas. La réalisation est pas folle. L'interprétation, ça va, pour le coup. La plupart des acteurs et actrices s'en sortent tout à fait bien, clairement. Voire très bien dans le cas de Max von Sydow. Donc, voilà. Au niveau du casting, il n'y a vraiment rien à reprocher. Hein. Mais en effet, c'est plutôt raté. Et j'ai un peu de mal à voir comment ça aurait pu être autrement, à moins de prendre vraiment des décisions beaucoup plus audacieuses qu'une narration classique et de transformer complètement la forme du film. C'est pas un truc qu'on pouvait faire de manière classique. Non. Et je trouve aussi que ça enlève toute la vague dimension comique qu'avait le... Enfin, toute la dimension comique et grotesque qu'avait le roman, et que c'est beaucoup trop sérieux, au final. Et que donc, paradoxalement, c'est moins efficace dans l'horreur, et j'aime pas du tout la fin. Voilà. Bah du coup, et puis surtout, ils en mettent hein, du second degré et de l'humour un peu gaguesque dessin animé, il y en a. Mais à des moments où il n'aurait pas dû en avoir, en fait. Oui, c'est vrai que le roman le met bien, mais le roman met du gaguesque, toujours teinté un peu d'horrifique. C'est plus du grotesque, un peu façon Grand Guignol, avec un Leland Gaunt tellement méchant qu'il en devient drôle, avec des personnages qui s'entretuent de manière tellement ridicule et pour des motifs tellement futiles que, pareil, ça fait rire. Mais parce que, en fait, l'humour... dans le roman, est utilisé à des fins de moquerie envers le capitalisme et la possession, tout ça, quoi. Ouais, et l'extrémisme. Alors que ce n'est pas le cas dans le film. Aussi, aussi. Les deux clans sont quand même pas mal moqués. Aussi, oui, alors que ce n'est pas le cas dans le film, où l'humour n'apporte pas grand-chose et ne sert pas de critique sociale. Oui, voilà, c'est ça, on perd beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, on n'obtient pas une très bonne adaptation, elle n'est pas dans nos pires, mais on n'obtient clairement pas une très bonne adaptation. Non, voilà, clairement pas. Mais je te laisse entrer un peu dans les détails. Bah écoute, du coup, le film s'ouvre. Ah ah, par quoi s'ouvre le film? Eh bah, chez toi, il s'ouvre par une course-poursuite, parce que ça n'y est pas dans la version cinéma. Ah, la course-poursuite chiante, elle n'y est pas. Elle n'y est pas dans la version cinéma. Dans la version cinéma, on a juste le plan hélicoptère qui survole la route, l'arrivée en ville. On a la grosse bagnole noire de Gant qui parcourt les routes. Ouais, qui est pas si mal pour le coup, je trouve. Qui est pas si mal comme plan. Et après, la version cinéma s'arrête là et s'ouvre sur Nettie et je crois que c'est Polly qui regarde par la fenêtre et qui voit un nouveau magasin qui va s'ouvrir. C'est sur ça que s'ouvre la version ciné. Tu veux dire qu'ils ont tourné toute une scène de course-poursuite, donc un truc qui coûte un peu cher à tourner, pour la couper? Exactement. D'accord. Alors après, c'est peut-être mieux parce que je la trouve très chiante, cette scène, personnellement, et je trouve qu'elle nuit complètement au film en installant un Leland façon méchante Fast and Furious. Ah oui. Je comprends pas ce que fait cette scène ici. Mais moi aussi, j'ai dit, mais à quoi sert cette scène? Pourquoi elle est là? Et surtout, ça veut quand même dire que dès le début, il y aurait un événement brutal dont Alan serait témoin. Bah oui, c'est ça. Ça colle pas du tout après avec son comportement. Parce que du coup, juste après, tu le vois en train de faire sa déclaration de demande de mariage. Tu dis, ça ne colle pas en fait. Un flic qui assiste à ça ne va pas après bouffer un steak frites dans un dîner, c'est pas possible. Et puis en plus, il est censé voir Gaunt, certes à travers la fumée, mais il est censé le voir. Et il n'y a même pas la thématique du fait qu'il le reconnaît après. Oui, voilà. Qu'il a l'impression de le reconnaître. Donc je comprends pas l'intérêt de cette scène, et effectivement... Et puis la scène, tu l'as dit, hein, la course-poursuite en tant que telle, elle est pas folle, hein, elle est loin d'être dynamique, elle est plutôt mal filmée. Ouais, c'est ça, elle est pas illisible, mais elle est pas passionnante, en fait. Voilà. La seule bonne idée, c'est que ça nous présente la petite clochette sur le rétro de Gaunt, mais on peut la voir à d'autres moments, et que cette clochette reviendra et devient un identificateur de Gaunt après. Ça, c'est plutôt une idée sympa. Alors moi, je me dis que par contre, avoir ça dans sa bagnole sur le rétro central, ça doit être très chiant. Le truc qui sonne tout le temps, ouais. Oui, voilà. Après, au moins, mais ça pue moins que les sapins de la mort, là. Faut vraiment être un démon pour aimer ça, quoi. Et donc voilà, après vient du coup la scène avec Nettie et Polly qui regardent par la fenêtre, il y a Alan qui leur fait peur. Ouais, surtout à Nettie. Surtout à Nettie. Pour le coup, l'idée d'avoir mis tout le monde dans un diner, c'est pas une mauvaise idée, ça permet plus de concentrer les personnages en un seul lieu. Ça, à la limite, tu vois, c'est les choix d'adaptation que je trouve assez justifiés. Oui. Et arrive le moment où... Comme t'as dit, je t'ai coupé, mais Alan fait sa déclaration. Hein. Fait sa déclaration, et surtout on enchaîne très très vite avec... Avec Brian qui arrive au bazar. Oui. Ça va très très vite, on perd pas de temps. Oui, bah après, en réalité, en roman, il entre dès les premières pages dans le bazar aussi. Hein. C'est juste... là, ça, finalement, avec la course-poursuite, on a perdu du temps par rapport au roman, hein, en réalité. Oui, clairement. Dans la version longue. Leland, quand il arrive, ressort la phrase qui sert, en fait, dans l'intro du roman. La référence est sympa. Il dit « You've been here before, I never forgot a face ». Oui. Vous êtes déjà venu ici, je n'oublie jamais un visage. Bon, ce qui est un petit peu déroutant du coup, parce que bah non en fait, Brian n'est jamais venu. Donc le clin d'œil est rigolo, mais bon. Est-ce que c'est pas une technique de commercial ça pour un nouvel contact? Ah je ne sais pas, on me l'a pas appris celle-là. On te l'a pas appris celle-là. Alors, le décor de la boutique, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que toi ça t'a convaincu? Non, pour moi ça ressemble à un appartement lambda. Bah je suis d'accord. Voilà, c'est mal éclairé, alors ça, malheureusement, on l'a dit, hein, c'est... La photo est pas ouf, ouais. La photo qui est pas ouf, quoi. Mais le décor en lui-même est pauvre, quoi. Ouais, bah la volonté de faire un truc tamisé avec beaucoup d'espace, je comprends, mais ouais, ce qui m'a vraiment gêné, c'est que, comme tu dis, il est installé dans une maison et c'est juste les pièces d'une maison qu'on voit. On n'a pas du tout l'impression d'être dans une boutique... Et j'ai l'impression que c'est pour créer un effet vide-grenier, mais moi, ça m'a dérangé pendant tout le film de juste pas avoir l'impression d'être dans une boutique. Oui, t'as l'impression qu'en fait, il est chez lui, quoi, c'est tout. Ouais. Et d'autant plus quand, encore une fois, il y a censé y avoir tout un truc sur le commerce et compagnie, donc il faudrait qu'on soit dans un cliché de magasin, limite. Ah oui. Donc là, je me dis, il y a peut-être certaines personnes qui ont été sensibles à ce choix artistique, mais moi, ça a été un de mes gros griefs contre le film qui m'a empêché d'entrer dans pas mal de scènes, pour être honnête. Parce qu'au début, je me suis... Quand Brian arrive, je me dis, bon, c'est peut-être que, on va dire, allez, dans le scénario, il n'est pas encore installé. Ce sera mieux dans les scènes d'après, mais même pas. Ouais, et puis même, on voit de toute façon que c'est pas aménagé pour être un commerce, que c'est le salon, une cuisine et compagnie. Et c'est, enfin, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais normalement, je suis même pas sûr que ça marche d'un point de vue légal quand t'achètes une baraque de l'aménager en commerce. Enfin, je sais qu'en France, c'est pas possible. Mais, oui, voilà. J'imagine qu'il y a des lois autour de ça aux États-Unis. Tu peux pas ouvrir, une boutique Apple dans ton salon, quoi. Voilà. Et puis même, même de l'extérieur, en fait, ça fait maison. Ouais. Peut-être t'as des petites marches pour monter, ça donne pas directement sur la rue. Ah oui, alors l'accès handicapé, oui. Oui. Ça fait... À la limite, ça pourrait faire restaurant. Allez, à la limite. Ouais, à la limite, oui. Un restaurant, pourquoi pas. De l'extérieur, en tout cas. Mais oui. Mais pas une boutique, quoi. C'est très bizarre, ce choix qu'ils ont fait. Parce que même quand tu la vois de l'extérieur, tu dis, bah, où est la vitrine? Parce que t'as l'impression que c'est des fenêtres lambda. Bah, c'en est en réalité, c'est des... Je crois qu'on appelle ça des bow windows en anglais. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle en français, ce genre de fenêtres. Des fenêtres dégueulasses. Si tu veux, on va partir là-dessus. Et s'il y a des architectes qui nous écoutent, qu'ils nous corrigent. On le verra exposer des trucs dedans un peu plus tard, mais c'est pas aménagé pour ça de base. Mais pour le coup, c'est vraiment un choix conscient, parce que bah, je pense que ça coûtait la même chose, voire moins cher... de prendre un vrai local commercial. Donc, bah oui, je pense. Donc il y a un choix artistique réel derrière ça, mais je ne comprends pas. Moi non plus. Mais donc voilà, Brian est dans le bazar, et là, mon jeune ami qui n'a vu que la version longue, je vais te révéler quelque chose qui n'est pas du coup dans la version cinéma. La séquence que toi tu as, elle est entrecoupée. T'as Brian qui est avec Gantz, donc qui... Mm-hmm. Ils sont en train de passer leur deal, et en même temps, t'as Polly et Alan qui sont dans la cuisine, Alan qui la chérit un petit peu, tu sais, qui lui met les gants parce qu'elle a une douleur d'arthrite. Ouais. Et bah tout ça, y a pas dans la version ciné. Là, pour le coup, ça coupe un truc important, parce que déjà que je trouve qu'elle manque, les scènes entre Alan et Polly, là, en gros, ils ont quasiment plus de relation, en fait, si on supprime cette scène. Mais en fait, dans la version ciné, toute l'arthrite de Polly, allez hop, ça saute, on s'en bat les couilles. Ah oui, d'accord. Le moment où c'est mentionné, c'est quand Gantz retrouve Polly au resto, et tu sais, qu'il lui dit « Ah, vous avez de l'arthrite ?» Voilà. C'est que à partir de là où l'arthrite est mentionnée dans le film. Mais donc, du coup, ce qui concerne la scan ne doit pas prendre du tout, parce que ça sort un peu de nulle part, c'est tel que tu me le dis. Bah, c'est ça le problème. C'est genre « Oh, vous avez de l'arthrite ?» Ah bah, j'ai un truc pour vous, regardez. Déjà que je trouve que même dans ma version, on sent mal sa souffrance, parce que normalement, Polly, elle a les mains déformées par l'arthrite. Elle souffre vraiment énormément. Enfin, faut nous faire comprendre que c'est extrêmement douloureux et que c'est pour ça qu'elle cède à Gantz. Bah, et puis même dans le roman, clairement, c'est dit qu'elle est même plus en mesure de travailler. Oui, bah, qu'il y a des moments où elle peut même plus bouger les mains, en fait. Il y a une scène assez marquante où elle est obligée de prendre ses cachets directement en les prenant avec la langue, tellement elle ne peut plus bouger les doigts. Elle est obligée de laper comme un chien. Ouais. C'est vraiment étonnant comme King est bon pour décrire des douleurs paralysantes même avant son accident. Oui. Et donc voilà, la scène, cette séquence-là, on n'a que l'échange entre Gantz et Brian. D'accord. Ça fait que le personnage de Polly est vide, hein, parce qu'il y a déjà tout ce qui concerne sa vie passée et son fils décédé qui a sauté. Ça, je peux comprendre. Ça. Mais du coup, le personnage n'a plus grand-chose pour la caractériser, hein, j'ai l'impression, dans ta version. Bah oui, c'est ça le problème. Dans ma version, dans la version cinéma. Oui. Vas-y, je te laisse reprendre le fil. Le deal entre Gantz et Brian se fait, c'est là qu'on découvre donc aussi que quand les gens prennent les objets, ils ont des espèces de visions, alors avec des effets de whoosh, un peu exagérés. Ouais, c'est très mal amené, hein. Moi, je ne l'aurais pas amené comme ça personnellement. Ah, c'était les années 90, c'était la mode à l'époque. Parce que c'est pas tellement présent dans le roman, les espèces de visions comme ça. Ouais, ça revient plusieurs fois quand même, je comprends qu'ils aient voulu le mettre à la limite. Parce que Brian en a justement, et après c'est Gantz en profite un peu pour envahir ses visions. Oui, mais justement, en fait, quitte à faire qu'un personnage ait des visions, je les aurais plutôt donné à Gantz, qui quand il est en contact avec quelqu'un, genre il a des visions rapides sur la vie de la personne. Ah, ça aurait pu être à exploiter, ça, ouais. Voilà, alors que là, en fait, ça n'apporte pas grand-chose, surtout que il a des visions de il kiffe le baseball, alors que juste avant il nous a dit bah je kiffe le baseball. Bah oui, ouais. On le sait. Ou alors il aurait fallu le faire peut-être juste par audio avec lui quand entend le bruit d'un stade, comme ce sera le cas parfois. Oui. Ça aurait permis peut-être d'être plus subtil et de faire ça en même temps que la scène qui continue. Voilà. Autre truc que j'ai à leur reprocher, je disais que je trouvais la musique un peu trop rentre-dedans, bah là c'est clairement le cas, il y a une musique très inquiétante, alors que Brian est censé voir un truc qui lui fait plaisir, et donc il aurait fallu qu'à ce moment-là la musique soit beaucoup plus idyllique, beaucoup plus positive, pour accompagner le fait que Brian est en train de se faire tromper par Gunt. C'était ça. Juste après cette séquence, c'est là où la subtilité, on la fout à la poubelle, parce qu'on voit Gunt qui écrit des trucs dans son carnet, et on voit qu'il a des doigts crochus démoniaques. Ouais. Il dit « Ah oui, d'accord. » À la limite, il y a un peu d'ambiance. La subtilité passe à la trappe, mais il y a un peu d'ambiance dans la manière dont il remplit son carnet. Donc bon. Disons qu'il y a des manières... Enfin, le roman mentionne les yeux en premier. T'avais quand même possibilité de faire des yeux démoniaques plutôt que des... Enfin, des yeux un peu rougeoyants plutôt que des mains crochues. Oui, ou même de bien appuyer sur le fait que ses yeux changent de couleur d'une personne à l'autre. Voilà, t'avais tellement moyen de faire mieux, quoi, que de... Ouais. Que l'artifice bidon des doigts dégueulasses de sorcière, quoi. Enfin, des ongles. Et pourtant, par la suite, le film va assez peu jouer sur le côté monstrueux physiquement de Gunt. Il va être plutôt sobre là-dessus, au moins. Bah oui. Donc c'est... Oui. Ensuite, il y a une scène, donc on rejoint le roman avec la confrontation entre Buster Keaton, Norris Ridgewick et Alan, donc autour des amendes qui sont laissées et de Buster qui est parano. Et c'est assez similaire dans l'ensemble, sauf la fin, puisque Alan fait payer l'amende à Buster, ce qui est logique dans cette version, étant donné que plus tard, Gunt va essayer de faire croire que Alan est corrompu, donc faut vraiment qu'il soit irréprochable pour qu'on n'y croie pas, nous. Oui, voilà, c'est ça. Donc ce changement-là, je l'admets plutôt bien. Oui, on est d'accord. Il y a deux scènes qui sont mélangées, parce que c'est Nettie qui amène un gâteau à Gunt dans cette version, ce qui permet donc de mélanger les scènes de rencontre entre Nettie et Gunt et entre Polly et Gunt dans le roman. Mm-hmm. Ça mélange deux scènes. On va rencontrer Wilma Jerzyk. Après, le souci, c'est que je trouve que ça passe vite. Bah oui, ça passe vite, elle est turbo-tarée direct. Le chien réagit à Gunt. Oui. Parce qu'il me semble que le chien, à aucun moment, ne rencontre Gunt dans le roman, mais du coup, c'est une bonne idée de le faire réagir. Ouais, c'est ça. Parce qu'on sait que dans l'inconscient et dans la culture populaire, les animaux ressentent des choses que l'être humain ne ressent pas. Du coup, ça appuie sur la menace que l'île de Gunt représente. C'est une bonne idée d'avoir mis le chien dans cette scène. Mais Gunt, par contre, le dresse très facilement. Il suffit de lui dire assis et le chien obéit. Oui, parce que du coup, le chien... voit que, bon, c'est clairement pas lui l'alpha dans l'histoire. Ouais, voilà, c'est ça. Juste après, erreur du scénariste. Erreur du scénariste, comment ça, Alan débarque dans la boutique en mode coucou ? Eh oui, on est d'accord. Mais on est d'accord, je me disais, est-ce que c'est moi qui ai trop le roman en tête ? Mais non, pour moi... En fait, pour moi, c'était une des meilleures idées du livre qui se rencontre quasiment jamais. Ah oui. Parce que ça fait que Alan peut être baladé tout du long sans rien comprendre à ce qui se passe. Ah oui. Et du coup, ça renvoie à l'idiotie de l'introduction de la version longue avec l'accident où il distingue quand même la silhouette. En plus, oui. Et surtout que la silhouette est montrée et clairement, il est identifiable, tu vois. Bah oui, il a pas grand-chose de différent. Même moi, je l'aurais reconnu à la moustache, probablement. Voilà. Il est identifiable, quoi. C'est... Vraiment, quand tu vois cette scène, du coup, pour toi, spectateur, Alan, il est juste bête. Il dit, bah, je le reconnais pas, mon con. Enfin, quand tu regardes la version longue, attention, parce que du coup, cette scène n'existe pas dans la version ciné. Oui, effectivement, du coup, il a l'air moins bête dans la version ciné. Ou la plus grosse question qu'on va se poser, c'est l'impression que le plan de Leland n'est pas si subtil que ça, parce qu'il en manque plein d'éléments, mais ça doit mieux passer dans la version ciné, ça. Voilà, c'est ça. Nous nous sommes déjà rencontrés, j'ai l'impression. Je me trompe ? Qui, vous et moi ? Dans une grande ville. Votre visage m'est familier. Vous n'êtes pas à votre place ici, je le sens. Si je peux me permettre, vous non plus, monsieur Gunt. D'où venez-vous ? Ohio. Akron, pour être précis. Pittsburgh. Je viens de Pittsburgh. Pourquoi en êtes-vous parti ? J'y étais simple flic et j'en avais assez des sales besognes. Alors un jour, j'ai craqué. J'ai cogné un gars. Un peu trop fort. Il l'avait probablement cherché. Oui, probablement. Mais je n'aurais pas dû. Oui, je comprends. Mais effectivement, cette scène de rencontre est un peu inutile, d'autant qu'ils ne se disent pas grand-chose. Ah oui, elle ne sert à rien, il bouffe la tarte. L'autre, il lui dit que bah, il était à Akron avant, dans l'Ohio. Du coup, directement, Alan va se mettre à vouloir enquêter, alors que, bah, calme-toi, gros, il vient d'arriver en ville, il ouvre un commerce, comment ça, tu veux enquêter sur lui ? Il est nerveux, Alan, dans cette version. Hein. Il a rien fait. D'un point de vue légal, je suis pas sûr que t'aies le droit, en fait. Je ne pense pas, effectivement, que t'aies le droit d'enquêter comme ça sur les gens. Donc, bon. À noter que le background de personnage d'Alan est aussi totalement changé, parce qu'il n'y a plus tout ce qui entoure le deuil de sa femme et de son fils. Mm. Là, il était flic dans une grande ville, il a fait une bavure, et du coup, il a dû venir s'isoler dans une petite ville. Bon, alors à la limite, supprimer tout ce qui concerne sa femme et son fils pour faire gagner du temps, pourquoi pas, même si ça rend le personnage plus superficiel, d'autant qu'il n'y a pas non plus tout ce qui concerne la magie. Voilà. Mais pourquoi rajouter le cliché du policier qui a fait une bavure pour ne rien en faire au final ? Ah là, c'est double cliché, parce que c'est le mec a fait une bavure et il quitte une grande ville pour s'installer dans une petite cambrousse en imaginant que ça va être tranquille. Ouais. Et c'est d'autant plus pas de chance que j'ai vu un film il y a pas longtemps qui reprenait ce cliché-là, mais qui le retournait de manière assez brillante. C'est... The Girl at My Door, un film coréen et qui fait un excellent travail autour de ce trope, je trouve. D'accord. Voilà. Mais je vais pas plus en dire pour pas dévoiler le film. Alors après, peut-être que ces décisions-là n'auraient pas été les mêmes si s'ils avaient opté pour Rooker dans le rôle, s'ils l'avaient recollé à Rooker qui avait déjà ce rôle-là dans La Part des Ténèbres, tu vois. Oui, bah ça aurait pas été possible pour le coup, je pense. Et ça aurait été plus intéressant. Bah oui, pour moi, oui, clairement. Non pas que je me plaigne de voir Ed Harris, parce que je me plaindrai jamais de voir Ed Harris au cinéma. Mais bon, t'as une occasion. Pourquoi pas la saisir, quoi. Surtout que Rooker est loin, en plus, d'être un mauvais acteur, donc... Oui, et puis c'est pas obligé d'avoir vu La Part des Ténèbres. Ça peut juste être le personnage qui revient, il y a une référence rapide... Oui. Il n'y a pas besoin de mettre des connexions ultra prononcées. Il y en a pas dans le roman, par exemple. Oui, voilà, on sait juste qu'il est lié... à ce qui s'est passé, quoi, parce qu'il mentionne, il mentionne Stark, je crois. Il mentionne George Stark et plusieurs fois Bobon, quand même, mais ça passe relativement vite. Ah oui, je pense même que Cujo est plus de fois mentionné que La Part des Ténèbres dans le roman. Il y a moyen. Paradoxalement, je pense que c'est vraiment le Molosse qui est le plus mentionné, parce qu'il y a Pop Merrill qui revient quand même très régulièrement, mais même Cujo, il y a moyen qu'il soit plus mentionné que La Part des Ténèbres. Dans cette version, Alan est au courant des ennuis financiers de Keaton parce qu'il a lui-même reçu des lettres des impôts disant qu'ils vont enquêter et il va en apprendre encore plus par la suite parce que Keaton va en parler lui-même à Alan. En lui disant qu'il est endetté et qu'il faut absolument que Alan lui prête de l'argent, il me semble que c'est ça. Ouais, ou qu'il l'aide, en tout cas, à combler les problèmes. Jusqu'à une date butoir, ouais. Voilà, jusqu'à pouvoir rembourser. Le souci, c'est que tel que Keaton le dit, il doit que 20 000 dollars. Alors là, est-ce que c'est que je suis trop habitué aux trucs financiers des politiciens français où ça se joue à des centaines de milliers, voire des millions d'euros à chaque fois? Mais je me suis dit, 20 000, la passe. Franchement, c'est bon. Après, n'oublions pas que c'est 20 000 dollars au tout début des années 90, hein, ça n'a pas la même valeur. Oui, bah, je suis sûr que Chirac, il faisait mieux, même à l'époque, hein, ces petites bites, 20 000 dollars, désolé. Ah putain. La vache. Je suis sûr que même Sarkozy, qui était encore pas si vieux à l'époque, il avait déjà détourné plus que ça. Hein. Oui, mais en même temps, Sarkozy, à peine né, il détournait déjà. C'est pas faux. Polly assiste à la scène entre Buster et Alan. Oui, effectivement, et elle va commencer à avoir des doutes sur leur relation. Voilà, il y a aucune raison d'avoir des doutes à ce moment-là. C'est vraiment, encore une fois, les personnages écrits à la truelle, quoi. Bah oui, parce qu'il y en a un qui est shérif et l'autre qui est maire, donc c'est assez normal qu'ils parlent régulièrement ensemble, oui. Bah oui, voilà. Et encore, dans le film, je crois pas qu'il soit maire, il est juste adjoint ou une connerie comme ça. Ouais, c'est possible qu'il ait un autre poste, exact. Mais du coup, c'est quand même logique que des personnes... deux personnes qui ont de l'influence au sein d'une ville discutent ensemble, quoi. Y a rien de bizarre. D'autant plus qu'en plus, ils se rencontrent dans le... merde. Dans le truc où l'autre con vend ses bateaux, et ouais. Alan a un bateau. Donc... Oui, donc il y a aussi une certaine logique, peut-être qu'il est venu par les bateaux, c'est fort possible aussi. Voilà. Il y a plein de raisons qu'ils aient des contacts. D'ailleurs, la scène du bateau où Polly rend visite à Alan n'y est pas dans la version cinéma. Encore une scène de couple entre deux qui saute. Parce qu'elle est pas mal en plus, celle-là, je trouve. Ah oui, elle est plutôt mignonne. Ouais. Elle lui rend visite avec ses gants et tout. Ils ont une petite étreinte, ils échangent des mots doux. Bah non, ça saute. Mais du coup, je comprends pas bien pourquoi Danforth Keaton est aussi parano dans la version ciné, parce qu'il doit une somme d'argent qui me paraît raisonnable, alors à moins qu'il ait menti. Alan a l'air plutôt prêt à l'aider dans les limites de la légalité. Mmh. Donc pourquoi est-ce qu'il développe cette paranoïa qui, pour le coup, est reprise au roman? C'est si on faisait le changement, il fallait l'assumer jusqu'au bout et avoir un Danforth Keaton beaucoup moins parano. Ah oui, on est d'accord. Brian va faire sa blague à Wilma. Oui. Alors, souviens-toi, tout à l'heure j'ai dit que dans la version cinéma, Wilma qui se plaint des aboiements d'un chien. Tu te souviens? Oui. Bon, c'est-à-dire que quand t'as un élevage de dindes qui hurle H24, bon, qu'un chien fasse quelques aboiements pas loin de chez toi, bon, je pense que tu t'en carres l'oignon, en fait. Oui, après ça peut être Wilma qui fait tout ce qu'elle fait purement pour faire chier le monde. Ah oui, non, mais ça, c'était juste mes réflexions à moi, purement pour faire chier le film aussi. Ouais, effectivement, ça rend une Wilma encore plus nettement de mauvaise foi. Bon, c'est vrai que ça doit faire un boucan pas possible, ces bestioles-là. Voilà. Bah d'ailleurs, ça fait un boucan pas possible, parce que quand, plus tard, Brian va casser les fenêtres, le mari n'entend rien. Oui, voilà. Alors, à ce moment-là, j'avais Tsum, notre valeur animalière habituelle, pas loin de moi, et elle disait qu'en fait, un élevage de dindes, ça fait pas tant de bruit que ça. D'accord. Elles sont portugaises, les dindes, ou... T'es con. Genre, normalement, c'est comme, c'est comme des poules, en fait. C'est le genre d'animal qui fait du bruit quand ça a peur ou quand il se passe quelque chose. Ouais, sinon, c'est discret. Sinon, ça n'a pas raison de faire de bruit, quoi. C'est juste sa vie, quoi. D'accord. Ça fait des glougloutements, mais c'est pas un vacarme infernal. Ok, bon, je le disais. Pas, voilà. Bon, c'est la mention Tsum. Bah, merci pour la mention animalière. Hein. Si vous voulez en savoir plus sur la mention de Tsum, il faut assister au live du jeudi. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que je pense qu'on l'invite au vidéoclub, elle meurt au bout de deux épisodes. Donc on ne va pas faire ça. C'est notre multiverse à nous. Donc oui, il fait sa blague. La blague des draps, pour le moment, où il y a la musique un peu sautillante. Et là, pareil, c'est intéressant ce thème sautillant, mais il aurait fallu que ça vienne plus doucement, qu'il soit moins menaçant à ce stade-là, et qu'on ait vraiment l'impression juste d'une blague gentille à ce moment-là. Enfin, une blague qui peut encore être gentille, en tout cas. Oui, voilà. Et effectivement, on va commencer à voir de plus en plus Gaunt en dehors de la boutique. On avait dit qu'on en reparlerait, donc autant donner notre avis sur ce choix directement. Bah, c'est complètement con. Parce que justement, si Gaunt est réussi dans le roman, c'est pour son côté énigmatique, mystérieux, le fait d'être toujours cloîtré chez lui, comme une espèce de, en fait, de démon qui ne peut pas sortir d'un espace restreint, mais qui continue à agir quand même. Et c'est ça la puissance du personnage, c'est que malgré le fait qu'il reste à l'intérieur même de sa boutique, il continue à agir à l'extérieur. En fait, pour faire une métaphore avec le monde réel, tu vois, c'est un peu comme un grand parrain de la pègre qui arrive à faire ses coups alors qu'il est enfermé en prison. Gaunt, c'est un peu pareil. Ouais, ou alors on peut le comparer à un politicien aussi qui contrôlerait tout depuis son bureau, ou à un trader. Il y a plein de métaphores qu'on peut faire autour de lui, mais qui nécessitent qu'en effet, il n'aille pas sur le terrain, il n'est pas censé... C'est ça qui est intéressant. Alors, il ne se salit pas les mains, même dans cette version, mais il est censé encore moins se salir les mains, normalement, Gaunt. Alors que là, il est tout le temps dehors, tu dis, mais comment ça? Je comprends l'idée pour essayer d'enrichir à pas cher visuellement, mais à ce moment-là, il fallait prendre un réalisateur qui a une imagination visuelle et qui est capable de te filmer la boutique de 15 façons différentes, même si on l'a 15 fois. Et puis, du coup, une photo plus soignée aussi, parce que bon... Aussi. Et une vraie boutique. Oui. Ouais, ça commence à faire beaucoup de trucs hein, qui auraient été nécessaires, mais bon. Un vrai film, finalement. Le faucon. Seuls les vrais comprendront. Ouais. Hugh, donc l'alcoolique, est présent. Bon, ça se passe à peu près de la même manière, sauf que là, l'objet, c'est une veste de son lycée au lieu d'une queue de renard, mais sinon, oui. L'idée est grosso modo la même. Et franchement, le changement d'objet pour lui est compréhensible, hein, franchement. Oui, ça se comprend. Hein. Disons que la queue de renard, ça le soulignait plus comme un gros beauf encore, mais oui, c'est totalement compréhensible. Mario, il y a un truc que t'as pas du tout mentionné encore. C'est quoi ? Bah, c'est la mère de Brian, avec son délire sur Elvis. Oui, effectivement, bah, j'allais y venir dans pas très longtemps, mais ouais, bah vas-y si tu veux. Ah bah, je te le laisse parce que c'est uniquement dans la version longue. D'accord. C'est un personnage qui n'existe pas du tout dans la version cinéma. D'accord, bah justement, juste après que Hugh ait acheté la veste, il y a un plan sur Cora qui a donc acheté les lunettes d'Elvis. Et pour le coup, c'est un des plans que je trouve intéressant parce qu'elle est en train de contempler amoureusement un buste d'Elvis qu'elle conserve dans sa chambre et de chanter en lip dub sur une chanson d'Elvis. Ouais, le plan est réussi. Hein. Et du coup, on se demande qui c'est cette personne qui chante qu'on ne voit qu'en ombre sur le mur au départ. Donc pour le coup, je trouve que c'est un des bons plans du film. C'est dommage qu'il soit pas dans la version courte, celui-là. Bah, et puis du coup, c'est complètement con parce qu'à un moment, à la fin, tu la vois avec une tronçonneuse, tu sais, quand c'est l'apocalypse. Tu la vois avec une tronçonneuse et le plan est dans la version courte et il est insistant sur elle. Et donc, je me suis dit, bah, qui c'est ça ? Oui, le fait qu'il soit insistant sur elle fait qu'on ne comprend pas. Elle serait passée dans le comme un détail, ça aurait été plus compréhensible. Enfin, on n'aurait pas fait gaffe, mais voilà. Si on insiste sur elle, oui, ça souligne un personnage dont on a coupé des scènes, c'est idiot au montage. Mais donc, dans la version courte, en fait, Brian, bah, il est orphelin, quoi, parce qu'il a ni frère, ni père, ni mère. Et tout le seul. Pauvre. D'ailleurs, le fait qu'elle soit fan d'Elvis et qu'elle chante des chansons, ça m'a encore fait penser à Sailor et Lula, parce que, je sais pas si tu te rappelles, Nicolas Cage chante plusieurs chansons d'Elvis dedans. Danforth Keaton achète le même jeu que dans le roman, donc ticket gagnant. La scène où Gant lui vend est plutôt réussie pour le coup. Ils sont tous les deux avec un gros baron, là, avec un gros cigare à la main, en train de discuter comme deux beaufs sur les paris d'argent. Oui, totalement, totalement à fond sur le jeu, ouais. Parce que Gant fait ce qu'il fait le mieux, il adopte vraiment le comportement de la personne à qui il le vend. Et là, pour le coup, cette scène fonctionne. Ouais, c'est un des moments où ça le fait le plus, je trouve. Alors, un autre truc qui m'a laissé sceptique, c'est que à deux reprises, Wilma va menacer Nettie de manière publique. Il y a le moment où elle l'appelle au diner et où c'est Polly qui décroche. Au bout d'un moment, Polly, elle doit connaître la voix de Wilma. Elle ne serait pas censée la passer à Nettie comme ça. Et plus tard, Wilma vient clairement au diner et dit « Ouais, je vais crever ton chien hein. !» Bon, il y a un moment où Wilma, tout le monde sait que c'est qu'elle est brutale, tout le monde sait qu'elle est dangereuse et violente dans le roman, mais elle le fait pas en public, elle passe des coups de fil, elle passe devant chez les gens, elle fait très rarement les trucs en public, et c'est ce qui fait que bah, personne ne peut vraiment réagir. Là, je suis désolé, il y a menace publique, normalement, il y a moyen de faire quelque chose. Bah encore une fois, c'est la subtilité à la poubelle, quoi. Ouais. Ouais, mais là, je comprends d'autant moins qu'un coup de fil, c'est quand même pas difficile à mettre en scène. Oui, on est d'accord. Je ne sais pas pourquoi avoir fait le choix de cette scène en public. Là, il y a la deuxième blague de Brian qui arrive. Ça vient vite, hein. D'autant vu toutes les scènes dont tu m'as dit qu'elles étaient coupées dans la version courte. On va très vite, quand même. Hein. Oui, dans la version courte, on va très très très vite. Et c'est même dans la version longue, et c'est un des problèmes, en fait. Mm. Donc là, il balance les pommes dans les fenêtres. Oui. On y reviendra un peu plus tard. Là, il y a un choix musical parce que peu après, on a la scène où Nettie va déposer les notes chez Buster Keaton. Ouais. Et autant il y a un choix musical avant que j'avais compris le fait de mettre l'Ave Maria de c'est celui de Schubert en musique, ça se connecte à Gaunt, ça tient le fait que ça le fasse marrer d'écouter un chant religieux. Mais pourquoi In the Hall of the Mountain King à ce moment-là plutôt qu'une musique originale ? Je ne sais pas. Et surtout que ça rend pas bien avec la scène, quoi. Ouais. Demande pourquoi cette musique. Déjà, si dans une scène, dans un film, tu te demandes pourquoi cette musique, c'est que c'est raté. Effectivement, si tu te poses la question, c'est qu'il y a un problème. Et en effet, bah là, pour le coup, à l'inverse, la musique est peut-être encore un peu trop légère pour s'adapter à la scène, pour représenter sa tension. Il y avait un équilibre à trouver entre légèreté et menace dans la musique qui est jamais très bien trouvé. Oui, parce qu'en fait, là, avec une musique comme ça, à aucun moment, tu te dis, bah, Buster va la choper en flagrant délit. Tu sais très bien qu'elle va réussir à fuir. C'est beaucoup trop rigolol, tout ce qui se passe, alors, tout ce qu'on te montre. Alors que dans les gestes en eux-mêmes, c'est très similaire à ce qui se passe dans le roman. Donc c'est intéressant que ça rate en reprenant quasiment à la lettre les déplacements du roman. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mais avec cette musique-là, t'as plus l'impression d'être devant une scène de « Maman, j'ai raté l'avion » que que devant Bazar, quoi. Et vous savez tous que j'ai beaucoup d'amour pour « Maman, j'ai raté l'avion ». Oui, mais bon, c'est pas très esprit Stephen King, quand même. Ah non, c'est esprit Chris Columbus de la bonne époque. Voilà. Nettie, en rentrant chez elle, trouve Raider. Alors, il a pris cher, hein, Raider, dans cette version. Oh la vache! Ah oui, c'est très violent. Hein. Ouais, il a vraiment morflé. Il a été écorché vif, hein, grosso modo. Oui, c'est dégueulasse. Ouais. Alors, l'image est efficace. Après, on peut se demander comment tu fais tout ça en relativement peu de temps. Oui. Mais bon, l'image est efficace. Et puis, sans réussir à te salir ni à mettre du sang partout. Ouais, effectivement, pour réussir à rentrer chez lui derrière, Hugh, il devait pas être trop sale. Ou alors il a pris une douche sur place. Oui, peut-être. Oui, mais du coup, ça aurait dû être dégueulasse au moment où Nettie rentre chez elle. Effectivement. Non, mais oui. Parce que c'était pas le cas. L'image marche, mais elle est pas logique. Mais bon, ça, admettons, dans une série B, pourquoi pas. Un truc illogique pour le plaisir d'une image choc, pourquoi pas. Tu vois, en fait, l'une des forces du cinéma, c'est que le film aurait été réussi jusque-là, et ben on n'aurait pas tilté sur ça. Oh bah c'est toujours la même chose, hein. Quand on n'aime pas un truc, on est beaucoup plus conscient de ses faiblesses et de ses illogiques. Voilà. On laisse passer en dehors, oui, clairement. Ah donc, Nettie, triste. Ouais, forcément, oui. Donc, Nettie, couteau. Nettie, Wilma et bagarre. Ouais. Assez longue scène de bagarre. Ouais, mais ça va. En termes de violence et de réal, elle est pas si dégueulasse que ça. Oui, je le trouve pas trop mal pour le coup. Ça marche bien comme confrontation. En plus, ils se baladent bien dans la baraque. Ouais. Ils font pas du surplace. Donc ça permet des chouettes mouvements. Et puis le final, où elles passent toutes les deux par la fenêtre pour au final. Se planter l'une l'autre pendant la chute, bah, c'est plutôt réussi. Avec le mari qui se pose la question de « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ouais, qui a l'air plus lassé de sa femme qui a de nouveau créé du grabuge que triste à l'idée de voir son cadavre lui tomber dessus, quoi. Ah bah, parce qu'au moins, il sait que ça sera la dernière fois, cette fois-ci. Et là, c'est... Oui. Pendant ce temps, Polly va chercher Lasca. Oui. Tout ce qui était autour des fantasmes entre Polly et Leland, je trouve que c'était très dispensable. Je vois pas tellement l'intérêt. Oui, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Voilà, c'est à part pour renforcer l'idée de tension dans le couple entre Alan et Polly, mais il y avait d'autres moyens de le faire passer qui auraient été plus intéressants que ça. Voilà, c'est une scène qui n'a pas été coupée dans la version courte et c'est fort dommage. Ouais, bah après, il fallait bien qu'il y ait l'offrande de Lasca, hein, de toute façon, ça on pouvait pas y couper. Hum. Je sais pas s'il y a dans la version courte les deux hommes d'église, donc le catholique et le baptiste, qui viennent sur les corps de Wilma et de Nettie, parce qu'elles appartenaient toutes les deux à une église différente. Non, il n'y a pas. Et pour le coup, je trouve que cette scène est efficace pour poser la tension qu'il y a entre les deux groupes religieux dans la ville, parce que chacun est en train de réciter sa prière, et du coup, ils empiètent l'un sur l'autre. Oui. Je trouve l'image plutôt jolie. Effectivement. Mais oui, elle n'est pas présente dans la version courte. Ouais, je m'y attendais un peu. Le cauchemar de Brian, il a été gardé? Oui. Alors qu'il sert à rien, je trouve. Voilà. Enfin, disons qu'encore une fois, il servirait si c'était dans un truc plus large. Encore une fois, comme dans le roman, où on sent vraiment beaucoup plus Leland prendre possession de l'esprit de Brian petit à petit. Mais là, ça marche pas très bien, parce que c'est la seule fois où ça vient vraiment, en fait. Mmh. Là, on commence à arriver au moment où les deux films se rejoignent et ont quasiment les mêmes scènes tout le temps. Là, il n'y a plus grand-chose d'inédit. On commence à rentrer dans le vif du sujet maintenant, déjà. Hein. Ça va oui, tellement effectivement. Vite. Ouais. Parce que là, en effet, on va voir tout un tas de gens qui vont retourner à la boutique et il va y avoir la tentative de suicide de Brian qui est effectivement vers la fin, enfin qui est dans la dernière journée quasiment même dans la dernière journée, dans le roman, donc c'est censé s'emballer à partir de là. Mais il rate son suicide, parce que bah, les enfants, on essaie pas trop leur faire de mal au cinéma. Voilà. Sauf dans Cimetière, où il n'y a pas trop le choix, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, en effet, le suicide de Brian rate, donc c'est à moi le côté choc du roman, mais le personnage va être plus ou moins évacué après. Hein. Mm. Buster, vous entendez? Allez vous faire foutre! C'est moi, Dan, la voix de votre maître. Ça va pour vous? J'ai tué ma femme. J'aurais pas dû. C'est mal, je sais. Ce sont des choses qui arrivent. Elle l'avait mérité. Ben, je sais pas. Pourtant, je l'aimais. Il y a dans la vie quelquefois des moments où il faut punir ce qu'on aime. Je ne peux pas croire que Danforth Keaton puisse commettre un tel acte sans une raison valable. Cela ne vous ressemblerait guère. J'ai peur. Je sais plus rien. Comprenez-vous, Danforth? Il ne sert à rien maintenant de s'apitoyer. Sautez dans votre voiture et venez me voir. J'ai quelque chose pour vous. Vous ne regretterez pas votre déplacement. On voit l'une des différences dans le roman et le film, c'est que les objets que perçoivent les gens qui ont passé des deals, bah, ce sont de vrais objets. Parce que, tu sais, juste au moment où Brian veut se suicider, bah, dans le roman, Alan se rend compte qu'en fait, la carte, elle est toute pérave. Et dans le film, c'est la vraie carte qu'il a eue avec, avec Gant. Ouais. J'imagine que niveau mise en scène, ils ont pas pensé à un moyen de mettre ça en scène bien, alors que ça aurait été... Ça aurait été sympa comme idée visuelle à creuser. Mais bon, bah pourquoi pas, à la limite. Vu qu'il y a quand même l'idée que les gens s'attachent 10 fois trop à leurs objets. Oui, c'est quand même respecté. Pas. Je ne comprends pas bien la scène où Leland se met à parler à Hugh et lui dit « Ouais, moi je suis là depuis des siècles, moi j'étais là à l'époque de la peste, moi je suis le chef, je suis le plus fort. » Oui, très bizarre. Je sais pas, pourquoi avoir mis cette révélation de Leland qui a l'air d'en avoir plus rien à faire de qu'on connaisse sa vraie nature. Il y a la dispute entre Alan et Polly, là je trouve qu'elle est relativement réussie. Oui, ça va. Il y a une scène, c'est quand la scène où Alan va refarfouiller dans le bazar? C'est juste après, je crois. Ouais, c'est juste après, ouais, c'est pendant que Polly elle essaie de détacher l'Asra. Il y va et il se dit... Est-ce que toi tu penses, en tant que spectateur, il se dit « Oh mon Dieu !» Il a des journaux qui datent des années et des années. Il doit être un démon qui date des années et des années. Alors que ça ne veut absolument rien dire. Tu peux être un collectionneur de vieux journaux. De vieux journaux. Ouais. Bah après, ça a l'air très centré thématique démoniaque et événements dramatiques, ces journaux, mais oui. Oui, mais tu te trouves dans un bazar. Ouais. Tu vois, ça n'a rien de choquant. Ils sont en super état, ces journaux. Hein. Ça doit valoir une fortune. Ça n'a rien de choquant, quoi. Bon, après, il y a le fait qu'il entende des voix de sortir des boîtes d'archives aussi. Ça, c'est un peu moins courant. Là, c'est un peu plus intriguant, déjà. Voilà, ça, admettons. Ah oui. Mais effectivement, il en tire la déduction. C'est qu'il était là à chaque fois et qu'il est responsable de tous ses actes. Bon, oui, c'est un peu, rapide comme déduction. Voilà. Là, c'est à ce moment-là où Alan fait plein de pérégrinations au travers de la ville. Hein. Il croise plein de gens totalement turbo-chelous et turbo-barrés. Ouais. Pendant parce que là, il y a Norris et Buster qui vont s'affronter, là, à ce moment-là. Alors, c'est un tout petit peu plus tard. Là, il y a Polly, déjà, on va parler de Polly avec Leland. Donc, elle essaie de détacher l'Asra, en fait, de l'ouvrir. Oui. Et du coup, il se détache tout seul et elle souffre en punition. Et Leland réattache l'Asra en faisant jurer fidélité à Polly et en lui disant que Alan... détourne de l'argent avec Buster et elle voit des enveloppes remplies d'argent sur son bureau. Alors bon, encore une fois, la subtilité, là, admettons, c'est qu'elle est manipulée par Leland, mais normalement, tu reçois une enveloppe de détournement d'argent, tu la laisses pas étaler sur ton bureau, surtout quand c'est réparti en 15 enveloppes différentes, mais bon. Voilà. Admettons. Avant d'en venir à la confrontation entre Norris et... Là, il y a Norris qui trouve le piège, quand même, dans son bureau. Ah oui, il se fait claquer la main par un piège à souris. Ouais. Là, on en vient assez vite à la scène au bar où Hugh et le patron s'entretuent, parce que bah, du coup, on a saccagé leur voiture en faisant croire que c'est l'un et l'autre, donc ça, c'est repris au roman. Ouais. se shootent mutuellement la gueule à coups de fusil à pompe. Ouais. Buster tue sa femme. Bah après, là, oui, après la confrontation avec Norris, du coup. Ouais. Et là, effectivement, on entre dans le final où y a l'église qui explose. Et donc, ça entraîne le conflit entre les catholiques et les baptistes. Mmh. Comment dire ? L'explosion de l'église rend plutôt bien. Oui. C'est très bourrin, mais ça rend plutôt bien. En fait, le souci, c'est que toute cette scène finale, et en fait, l'ensemble du film, je sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à Civil War, enfin Captain America Civil War, pas le film d'Alex Garland. Mais Captain America Civil War, où, qui n'est pas un film que je déteste en plus, hein, loin de là, mais où on passe dans le comics d'une confrontation entre tous les super-héros de l'univers Marvel à 10 pélos qui se battent sur un parking. Oui, oui. Et en fait, il y a un peu le même effet ici. Tu passes vraiment d'une vision grandiloquente à un truc... Surtout que tu vois pas grand-chose de violent, parce que le film, à partir de là, est très sobre dans le gore, oui. Et donc t'as pas l'impression qu'ils se font un mal monumental, en dépit de certains plans où t'es censé en voir certains avec des tronçonneuses et des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Enfin, c'est l'un des problèmes, notamment. Ouais. Là, il y a une scène, quand j'ai visionné la version longue en rapide, je me souvenais pas qu'elle soit dans la version courte, mais du coup j'ai un doute, mais il me semble qu'à ce moment-là, quand c'est l'apocalypse, Gant et Alan se rendent compte et ils se foutent sur la gueule. Oui. Et je crois qu'elle n'est pas dans la version longue, dans la version courte, cette scène. Oui, où du coup Alan se rend compte que Gant est plus ou moins indestructible et insensible à ses coups. Voilà. Et il me semble que cette scène-là n'est pas dans la courte. Parce que ça m'avait pas choqué quand je l'avais vue. C'est pas un mal. Oui, parce que bah, c'est bidon, ça sert à rien. Ouais. Pourquoi vous voulez les confronter maintenant? Ils vont se revoir après. Oui, 5 minutes plus tard en plus. Et puis c'est plus logique que Gant admire le travail effectué depuis le porche de son magasin plutôt qu'il se balade en ville, quoi. Mmh. Donc là, on va, de toute façon, on entre plus ou moins dans le final. Hein. On arrive vers la fin et je trouve ça vraiment raté parce que, en gros, c'est Alan qui va réussir à calmer tout le monde par un discours motivationnel de shonen. Ah oui, oui, on est dans un shonen, c'est le discours de l'amitié. Hein. Nous sommes tous amis, c'est pas gentil d'être méchant. Alors, c'est ridicule. Soyons gentils, c'est lui qui a semé le chaos, et tout le monde l'écoute, il manque plus que l'hymne américain qui joue en fond, hein, limite. Hein. Ah, c'est ridicule. Assez de morts! Plus de morts à Castle Rock! Ni moi, ni vous, ni personne! On arrête les conneries, là! Écoutez-moi! Écoutez tous! Cet homme! Ce monstre! Leland Gant! On vous écoute! Il est venu ici pour nous détruire! Nous faire battre les uns contre les autres! Vous lui offrez par votre comportement le spectacle qu'il souhaite! Le sang dont il s'abreuve! Il nous a liés les uns aux autres, comme des détonateurs prêts à exploser! Il a fait s'entretuer Vilma Jersey et Kennedy Cobb, en se servant pour arriver à ses fins de Brian Rusk! Il a fait de nous tous de véritables bombes vivantes! Qu'est-ce qu'il t'a fait faire, Eddie? Et toi, Frank? Quel prix avez-vous payé tous pour ces soi-disant cadeaux? Hein? Il a abusé de nos faiblesses! De nos jalousies! Il a profité de notre naïveté, de notre cupidité, de notre bêtise pour assouvir son orgueil et sa fureur! Il a fait de nous des pantins dont il tire les ficelles! Je verrai ce genre de discours dans quelques années quand je regarderai des dessins animés avec la petite. Ouais, sauf c'est que là, ça. On est dans une adaptation de Stephen King. Donc ça c'est le pas. Genre de discours qui est parodié à la fin des épisodes de South Park dans les premières saisons, tu sais. C'est ça! Donc oui, ça marche pas du tout, que ça calme tout le monde, bah, ça fait qu'on avait l'impression juste d'une petite panique. Merde, la fin de l'album d'Astérix, la zizanie, est plus subtile que ça. Oui, c'est ça. Et la dernière menace, c'est Buster qui s'est accroché des bombes pour jouer les kamikazes, sauf que là aussi, Alan va réussir à le convaincre que le vrai coupable, c'est Leland. Et donc, il va faire sauter la boutique. Voilà. Alors qu'il aurait pu détacher tous les explosifs et les balancer dans la boutique. Oui, aussi. Il n'était pas obligé de se sacrifier. Là, on va dire qu'il avait plus envie de vivre avec, sur la conscience, la mort de sa femme. On va dire c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, j'avais noté que ce retour de subtilité avec son regret qu'il a d'avoir tué sa femme, j'avais noté que c'était plutôt bienvenu. Oui, c'est ça. C'est dommage qu'on ne soit pas assez intéressé au personnage jusqu'à présent pour que ça marche à 100%, mais oui, je suis d'accord. Leland, par contre, est toujours vivant et en très bon état, et il avertit à la Népoli qu'il rencontrera leur petit-fils en 2053. Ouais, ça c'est vraiment de la merde. Bah surtout que ça pose la question, s'il savait déjà qu'il allait rencontrer le petit-fils d'Alan Népoli en 2053, c'est qu'il savait déjà qu'il allait perdre. Ah oui. Ou alors il l'apprend que parce que ça prend un autre chemin à ce moment-là. Enfin, il y a un truc un peu étrange, ouais, mais... juste pour faire classe. C'est bidon. Il aurait dû juste se contenter de le faire sortir des débris, parce que ça rend plutôt bien. Ouais. Et juste, en fait, il se barre, quoi. Ou il essaye de se barrer et il y a une nouvelle confrontation. Oui, non, mais je pense que le fait qu'il se barre aurait pu être logique, hein, avec son petit manteau de représentant de commerce, qu'il se rende compte que s'il survit à l'explosion, c'est qu'il survivra à tout, et que le mieux qu'il puisse espérer, c'est qu'il quitte la ville. Mais j'aime beaucoup, à ce moment-là, le jeu de Mac Vincido. C'est qu'il sort des débris vraiment en mode « Oh, bah les couilles, c'est bon, je me casse. » Ouais, j'en ai marre. La manière dont il a de jeter les monottes à Norris, genre « Allez, récupère ta merde, là, c'est bon, j'y vais. » De toute façon, c'est plutôt, encore une fois, c'est un bon acteur. Hein. C'est lui qui, je trouve, fait le meilleur moyen, mais le meilleur travail, même si les autres sont tout à fait corrects. Là, oui, clairement. J'ai pas de reproche majeur de jeu à faire au film. Voilà. Et donc, il monte dans sa voiture, et là, quand t'es devant la version longue, tu te dis « Bah, la voiture était garée depuis le début, Alan ne l'a pas remarqué ?» Est-ce que c'est la voiture de la course-poursuite du début ? Ah oui, c'est celle-là qui... Mais il avait changé de voiture à un moment, sa voiture s'était transformée, donc on peut dire qu'elle ne reprend maintenant la forme du début. Oui, mais du coup, pourquoi tu l'as fait par popée en pleine forme ? Parce que la voiture qu'il prend pour repartir, elle a le phare pété. Donc suite à l'accident où il se shoot avec l'autre bagnole de shérif. Ouais. Tu vois, y a rien qui va dans la scène. Ouais, je sais pas, je saurais pas dire. T'as des pouvoirs magiques et tu te fais réapparaître ta bagnole cassée. Bah, je sais pas, peut-être que tu peux pas faire toutes les finitions d'un coup. Il avait peut-être pas pris assez d'âme pour ça. C'est un démon tout pérave. En fait. Ouais, on va résumer ça comme ça. Il est un peu faillible. En fait, c'est pas le bazar des rêves, c'est le noz des rêves qu'il a ouvert. Hein. Ils ont eu la version Wish. Ah, donc voilà, il se barre. Et le film se termine comme ça. Oui. Avec où tout va bien, finalement, c'est une fin heureuse du film, alors que le roman finit bien pour les personnages, pour une partie des personnages, mais a quand même détruit la ville. Ça a quand même été l'apocalypse. Oui. Gunt ne laisse que des cendres derrière lui, quasiment, dans le livre. Oui. Dans le film, il est totalement perdant, alors que dans le livre, voilà. Un peu moins, quand même. Ouais, c'est plus une victoire à la Pyrrhus pour les protagonistes, quoi. Mm. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire du film. Voilà, une adaptation fort moyenne, qui, à force de trop simplifier, ouais. C'est ça. C'est clairement pas nul, mais ça souffre, en fait, de tellement de défauts rédhibitoires que, bah, tu peux pas... C'est pas un film que tu peux conseiller, en fait. C'est ça, à force de trop de simplification, ça n'a plus tellement d'intérêt, en fait. Mm. C'est plus inintéressant que nul. Oui, voilà, c'est ça. Donc, bah voilà, on va rajouter Bazar à la liste des films, enfin des livres où on se dit qu'il y a moyen de mieux faire. Donc peut-être un jour. Mais en même temps, le roman est tellement dense, c'est compliqué. Je pense, soit faut faire une série, ce qui n'est pas le format que je préfère, soit vraiment il faut un choix d'adaptation très audacieux dans la forme, peut-être en étant dans du split screen permanent. Hein, ça peut donner un film intéressant en réalité. T'entendre dire ça aurait été mieux en série, ah oui, quand même. Ouais, c'est dire. Le Issam 2025, quoi. le nouveau Issam qui essaie de se libérer de CN. Mais je suis d'accord. Bah, par contre, je suis d'accord avec toi. La structure fait que une série serait plus logique, en fait. Ou alors, il faut vraiment un truc long et très très efficace. Ou une série de films. Ouais, mais bon. Mais bon, autant faire une série télé. Ouais. Bah, je propose qu'on passe à une scène. Oui, passons-y. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Très bien, nous avons choisi une scène qui se trouve vers la fin de la première partie du roman, celle où le jeune Brian, qui doit finir de payer sa carte Sandy Koufax, doit, après avoir déjà jeté de la boue sur ses draps, aller casser les fenêtres de Wilba à coups de pierre. C'est donc le 9e chapitre de la première partie, le sous-chapitre 8, dans l'édition France Loisirs que j'ai. Nous sommes à la page 252. Tu peux donner la pagination dans ton édition, comme ça les gens pourront se repérer aussi. Alors, dans l'édition j'ai lu, le sous-chapitre 8 du chapitre 9 commence à la page 297. Et la traduction est de William Olivier Desmond. Ah, est-ce que c'est pareil chez Gélu, tiens ? Oh, je pense, je vois pas pourquoi ils auraient retraduit. Oui, c'est pareil chez Gélu. Il était maintenant en route pour faire ce que M. Gunt lui avait dit de faire. Il n'avait pas eu de peine à se libérer, il avait simplement déclaré à ses parents qu'il n'avait pas envie d'aller à l'église parce qu'il avait mal au cœur, ce qui n'était pas un mensonge. Après leur départ, il avait fait ses préparatifs. Il était pénible de pédaler et encore plus de garder l'équilibre, tout ça à cause de la glacière portative sur le porte-bagages. Elle était très lourde et le temps d'atteindre la maison des Jerzyk, il se retrouva en sueur et hors d'haleine. Pas d'hésitation cette fois. Inutile de sonner à la porte, de préparer une histoire. Personne n'était là. Sandy Koufax Leland Gunt lui avait dit dans son rêve que les Jerzyk resteraient après la messe de 11h pour discuter des festivités à venir de la nuit casino, avant d'aller rendre visite à des amis. Tout ce qu'il voulait, maintenant, c'était en finir avec ce truc affreux aussi vite que possible. Et lorsque ce serait terminé, il rentrerait chez lui, rangerait son vélo et passerait le reste de la journée au lit. Obligé de se servir de ses deux mains, il sortit la glacière portative du porte-bagages et la posa sur l'herbe. Il se tenait derrière la haie et personne ne pouvait le voir. Ça allait faire du boucan, mais Koufax Gunt lui avait dit de ne pas s'en soucier, que la plupart des gens sur Willow Street étaient catholiques et que ceux qui n'allaient pas à la messe de 11h avaient été à celle de 8h, avant de partir pour leur balade dominicale. Brian ne savait pas trop si c'était vrai ou non. Il n'avait de certitude que sur deux points. Monsieur Gunt savait ce qu'il disait et ce qu'il faisait, et une affaire n'était pas conclue tant que Monsieur Gunt n'avait pas déclaré qu'elle l'était. Tel était le marché. Brian ouvrit la glacière portative. Elle contenait une douzaine de cailloux de bonne taille, autour duquel Brian avait enroulé des feuilles de papier arrachées à son cahier de brouillon, les maintenant avec un ou deux élastiques. En grosses lettres d'imprimerie, on pouvait lire sur chacun ce message simple. « Je vous ai dit de me laisser tranquille, c'est le dernier avertissement. » Brian s'empara de l'un des cailloux et s'avança sur la pelouse, ne s'arrêtant qu'à 3 mètres à peine de la grande vitre du séjour des Jerzyk, ce que l'on appelait une baie vitrée dans les années 60, époque de construction de la maison. Il leva le bras, n'hésita qu'un instant et lança son projectile du même geste que Sandy Koufax face au premier batteur adverse dans la 7e partie des séries mondiales. Il y eut un énorme fracas, pas du tout musical, suivi d'un coup sourd lorsque le caillou alla échouer sur le tapis du séjour avant de rouler sur le sol. Le bruit eut un effet étrange sur Brian. Sa peur s'évanouit et son dégoût pour la tâche qui l'attendait, tâche que même en jouant sur le sens des mots, personne n'aurait pu se permettre de qualifier de simple blague, disparut aussi. La tapageuse dégringolade du verre l'excita, le mettant même dans l'état où il se trouvait lors des rêves éveillés dans lesquels il se mettait en scène avec Miss Radcliffe. Des rêves insensés, il le savait bien maintenant, mais aujourd'hui, ce qui se passait n'avait rien d'insensé, c'était bien réel. En outre, il désirait en ce moment posséder plus que jamais la carte de Sandy Koufax. Il avait découvert une autre grande vérité sur la notion de possession et de l'état psychologique particulier qui en est la conséquence. Plus on a des preuves à endurer à cause de quelque chose que l'on possède, plus on tient à cette chose. Brian prit 2 autres gros cailloux et retourna à la baie vitrée brisée. Il regarda à l'intérieur et vit le premier projectile qu'il avait lancé. Il gisait sur le seuil de la cuisine. Il paraissait très déplacé ici, comme une botte en caoutchouc sur un hôtel d'église ou une rose sur le moteur d'un tracteur. L'un des élastiques qui retenait la feuille de papier s'était cassé, mais l'autre avait tenu. Brian tourna la tête et vit la télé des Jerzyk. Il leva le bras et lança. Le caillou frappa l'appareil en plein milieu. Il y eut un bruit creux d'explosion, un éclair de lumière, une averse de débris de verre sur le tapis. La télé oscilla sur sa table, mais ne tomba pas. « Deuxième coup !» marmonna Brian avant de partir d'un rire étranglé et bizarre. Il lança le deuxième caillou qu'il tenait sur des objets en porcelaine posés sur une table, près du canapé, mais les manqua. Le projectile heurta le mur, auquel il arracha un morceau de plâtre. Brian alla prendre la glacière par la poignée et la traîna vers le côté de la maison. Il fracassa 2 fenêtres de plus. À l'arrière de la maison, il lança un caillou gros comme un pain dans la vitre qui constituait la partie supérieure de la porte de la cuisine, puis en expédia deux ou trois autres par le trou. L'un de ceux-ci démolit le robot ménager posé sur le comptoir. Un autre fit exploser la porte du four à micro-ondes et resta à l'intérieur. « Troisième coup ! Assis, morpion !» s'écria Brian, qui se mit à rire tellement fort qu'il faillit pisser dans son pantalon. Une fois la crise passée, il finit de faire le tour de la maison. La glacière commençait à être plus légère, il pouvait la porter d'une seule main. Il utilisa ses trois derniers cailloux pour briser les fenêtres du sous-sol que l'on voyait derrière les chrysanthèmes de Wilma. Pour faire bonne mesure, il arracha quelques poignées de fleurs. Tout cela accompli, il referma la glacière, retourna à sa bicyclette, mit le conteneur dans le panier du porte-bagages et enfourcha son engin pour retourner chez lui. Les voisins des Jerzyk s'appelaient les Mislabersky. Au moment où Brian débouchait de l'allée des Jerzyk, Madame Mislabersky sortit sur le porche de sa maison. Elle était habillée d'une blouse de travail d'un vert éclatant et un chiffon rouge retenait ses cheveux. On aurait dit une pub pour aller passer Noël en enfer. « Qu'est-ce qui se passe là-bas, mon garçon ?» demanda-t-elle d'un ton autoritaire. « Je sais pas exactement. Je crois que monsieur et madame Jerzyk se disputent, » répondit Brian sans s'arrêter. « J'étais venu leur demander s'ils n'auraient pas besoin de quelqu'un pour pelleter la neige cet hiver, mais je crois qu'il vaut mieux que je revienne une autre fois. » Madame Mislabersky eut un coup d'œil sinistre en direction de la maison de ses voisins. À cause des haies, elle ne voyait d'où elle se tenait que le premier étage. « Si j'étais toi, je reviendrais pas du tout. Cette femme me rappelle ces petits poissons qu'on trouve en Amérique du Sud. Ceux qui mangent une vache en 5 minutes. »« Des piranhas, » dit Brian. « C'est ça, des pircanas. » Brian pesa sur les pédales. Il s'éloignait maintenant de la femme au tablier vert et au chiffon rouge. Son cœur battait régulièrement mais sans cogner, sans aller à toute allure. Une partie de lui-même éprouvait la certitude qu'il rêvait toujours. Il ne se sentait plus du tout lui-même, rien à voir avec le Brian Rusk qui décrochait toutes les meilleures notes, le Brian Rusk qui faisait partie du conseil étudiant et de la Ligue Junior des bons citoyens, le Brian Rusk qui avait toujours 10 sur 10 de conduite. « Elle finira par tuer quelqu'un un de ces jours !» lui cria Madame Mislabersky d'un ton indigné. « Rappelle-toi de ce que je te dis !» À mi-voix, Brian répondit pour lui-même. « Ça ne me surprendrait pas du tout. » Il passa effectivement tout le reste de la journée au lit. En temps ordinaire, Cora s'en serait inquiétée, au point même, peut-être, de l'amener voir le toubib de garde à Norway. Aujourd'hui, néanmoins, c'est à peine si elle remarqua que son fils ne se sentait pas très bien. Tout cela à cause des merveilleuses lunettes que lui avait vendues M. Gaunt, des lunettes qui la mettaient dans tous ses états. Brian se leva vers 18h, environ un quart d'heure avant le retour de son père, parti pour la journée pêcher sur le lac avec deux amis. Il prit un Pepsi dans le frigo et le but dans la cuisine. Il se sentit nettement mieux. Il avait l'impression d'avoir rempli le contrat qu'il avait passé avec M. Gaunt, et estimait qu'effectivement, M. Gaunt savait ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et maintenant, la même scène dans l'adaptation. Brian Rusk va lancer. Laissez-moi vous dire qu'il est sensationnel. Il va s'efforcer d'accomplir un sans faute dans la 9e manche. Va-t-il réussir ? Deux joueurs adverses sont déjà sur les deux premières bases. Ils vont essayer d'atteindre les suivantes. Le rattrapeur lui a fait un signe. Il va lancer. Et c'est parti ! Et de trois ! Va-t-il réussir le sans faute ? Sensationnel! Sa balle file à une vitesse époustouflante! Il a droit à un quatrième lancé. C'est parti! Rusk a lancé une balle délicieuse. Le batteur la rate à nouveau. Brian Rusk va peut-être permettre aux Yankees de se qualifier pour la finale de la finale. Quel spectacle! Maintenant, que la fête commence, mes amis. Très bien, donc, pourquoi avoir choisi cette scène ? Je te laisse commencer parce que c'est toi qui m'as suggéré l'idée, que je trouvais bonne. Parce que je la trouve plutôt réussie, déjà. Fidèle au roman, donc Brian qui, cette fois-ci, ne balance pas des pierres mais des pommes, j'y reviendrai, sur la baraque du couple, donc il doit faire une farce. Je trouve que l'ajout du commentateur sportif en fond est plutôt bien amené, que ça colle bien avec Brian qui lui-même pousse des cris de commentateur tout le long de la farce. Et du coup, je reviens sur les pommes, je trouve ça très malin de relier ça, du coup, à Nettie, qui bosse au restaurant et qui est, c'est mentionné dans le film, spécialiste du crumble aux pommes, qu'elle fait très souvent. Oui. L'une des spécialités du restaurant dans lequel elle bosse, c'est elle qui le fait. Donc le fait que Brian utilise des pommes, ça fait un indice, clairement, et ça crée un lien avec le personnage de Nettie et son changement dans l'adaptation. Chose qui, pour le coup, n'est pas faite dans le roman, ce qui balance. C'est vrai que ça faisait deux coupables possibles, Nettie et Jacques Chirac. C'est vrai, voilà, c'est ça. Mais du coup, ça crée un lien direct, chose que le roman ne fait pas, parce qu'il utilise uniquement des pierres auxquelles il ajoute un mot. Oui. Donc je trouve que le lien créé est plutôt malin, pour le coup, d'avoir utilisé des pommes et non pas des pierres. Oui, effectivement. Moi, je me pose juste la question de est-ce que les pommes peuvent casser les vitres, mais peut-être si c'est du simple vitrage. Oh, et puis à mon avis, ils sont un. Vu l'état de délabration de la baraque... C'est pas faux. C'est vrai que ça doit être des vieilles vitres toutes pourries, il y a moyen, peut-être. Et j'aime beaucoup la manière dont, à la fin, quand Brian rate son dernier coup, il reprend conscience et se rend compte de ce qu'il a fait. Ouais, et il s'enfuit juste avant que Monsieur Jerzyk revienne parce qu'il était en train de nourrir les dindes pendant ce temps. Donc voilà, couplé au fait que je trouve la scène pas trop mal filmée, t'sais, on voit bien l'impact de chaque pomme et les dégâts qu'elle fait à l'intérieur de la baraque. Voilà, je trouve que la scène du coup est plutôt réussie. Oui, et puis ça reprend vraiment bien l'idée de Brian qui rentre dans un état de transe où il est heureux de faire le mal, qui n'est pas son état naturel. Voilà. Donc oui, ça fait partie des moments bien adaptés, des quelques scènes bien adaptées. C'est pour ça qu'on l'a choisi, pour montrer un des moments où l'adaptation marche bien. Est-ce qu'on aurait aimé qu'elle soit plus souvent, au final ? L'un des bons moments du film, c'était soit ça, soit le générique de fin. Peut-être qu'on aurait aimé voir plus des blagues, en réalité. Il en aurait fallu plus, nettement, parce que ça va faire partie des rares qu'on voit vraiment. Oui, c'est vrai. Et des rares qui ont une vraie dimension, très sale blague, mais qui peut encore presque passer pour une blague. Parce que crever les roues de voiture, c'est beaucoup moins net. Oui, apparemment des blagues. Ouais. Tuer les chiens non plus, cela dit. Non, tuer les chiens non plus, là. J'ai beau ne pas être fan des chiens, j'admets que ce n'est pas une blague qui me fait beaucoup rire. Voilà, faire du mal aux animaux, bon, c'est pas terrible, quoi. Ouais, pas très sympa, ouais. Ben, je pense qu'on va pouvoir classer. Ah bah oui, allons-y. L'heure du classement, l'heure attendue du classement. Comme d'habitude, je m'occupe du classement écrit, donc livre et nouvelle, tandis que mon camarade Issam s'occupe du classement adaptation, donc film et série télé. Bien, le classement des livres compte actuellement 61 œuvres, les 5 premières étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de lycée, tandis que les 5 dernières sont L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand chauffeur et les Tommy Knocker qui a rejoint le peloton de queue dernièrement. Oui, assez récemment. C'est-à-dire il y a 2-3 épisodes, quelque chose comme ça ? Les Tommy Knockers, c'était le 89e épisode, il y en a eu quelques-uns entre-temps. Il y en a eu tant que ça, et disons que c'est pas vite qu'on s'amuse. C'est peut-être qu'on en a oublié, genre un groupe d'enfer, les Demons du Mal 666. Et peut-être qu'on a oublié des trucs bien péraves, quoi. Ouais, des trucs dont on n'avait pas grand-chose à foutre. Alors, du coup, Misery, je ne te cache pas que ça ne sera pas le 62e du classement. On peut remonter, je pense qu'on peut remonter même très très haut. Bazar, tu veux dire, t'as dit Misery. Bazar, oui, pardon. Ouais. J'ai dit Misery parce qu'à ce moment-là, mes yeux se sont portés sur Misery. Ah, mais déjà, je pense qu'on peut remonter jusqu'à Misery, facile, déjà. Oui. Et 11e. Moi, je pense. Bazar. Je réfléchis. Parce que Bazar, c'est quand même vachement bien, quoi. Et, ouais. Et vraiment, rien que pour Leland Gaunt, ça mérite le top 10 pour moi. Ouais, ça mérite même de remonter un peu mais dans le top 10. Enfin, je te laisse dire, hein, je te dirai après. Pour moi, c'est mieux que Cujo. Ouais. Pour moi, c'est mieux que Channing, c'est mieux que Dead Zone. Mm-hmm. Et c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. Je pense que je le préfère quand même à La Part des Ténèbres. Je suis d'accord. Moi, mais... c'est là que je commence à hésiter. C'est 22-11-63, le premier où j'hésite vraiment. Pour moi, 22-11-63 est beaucoup... J'allais dire beaucoup plus maîtrisé. Après, il y a des années qui séparent l'écriture. Donc, fatalement, King a gagné en talent, en compétences. Bah, en fait, 22-11-63 est beaucoup plus touchant. Oui, clairement. C'est surtout ça. C'est vraiment un roman très, très touchant, 22-11-63. Après, la structure de Bazar est plus... admirable, on va dire, parce que plus compliqué. Oui. Mais je sais pas si ça suffira à le faire passer au-dessus de 22-11-63 pour moi. Voilà, c'est ça, moi, qui me perturbe. Donc ça m'irait, moi, en dessous. De toute façon, si, et là, je suis clair, si ça va au-dessus de 22-11, ça ne peut pas aller au-dessus de l'histoire de Lisée, ce n'est pas possible. Non, parce que l'histoire de Lisée, c'est vraiment un de ses meilleurs. Voilà. Non, pour moi, 7e entre 22-11-63 et La Part des Ténèbres. Ok. Pour moi, ça me va, si ça te convient. Moi, ça me convient très bien. Donc, Bazar prend la 7e place, ce qui n'est pas top 5, mais qui reste une excellente place, hein, parce que les romans qui sont au-dessus, et même une bonne partie des romans qui sont en dessous, sont vraiment des excellents livres. Hein. Ah oui, oui. Et les films, donc les films, il y en a évidemment beaucoup plus, puisqu'il y en a déjà 96... avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières Children of the Corn Genesis de Joël Souesson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdasiga, et Room 237 de Rodney Asher. Rappelons-le, hein, cette grosse merde sans doute idolâtrée par Donald Trump et Elon Musk. Donc, où est-ce qu'on va le mettre? Et forcément qu'on va quand même remonter, parce qu'il a quand même des qualités, comme on l'a dit, il est plus inintéressant que nul. Et la performance de Max von Sydow, elle sort, on n'a pas une performance de bon acteur dans tous les films qu'on a fait, donc rien que ça, ça peut jouer, tu vois. Rien que ça, ça fait, par exemple, mes yeux se posent sur la zone aux alentours de la 70e place. Je pense que je le préfère quand même à Quatuor à 5 ou Maximum Overdrive. Maximum Overdrive a son côté nanar pour lui, mais oui, en termes vraiment qualitatifs, c'est quand même supérieur. Parce qu'au-dessus, on a mis Sagdos, et Sagdos est plus raté que Bazar. Ah oui, oui, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Le Bazar de l'Épouvante, hein, même, pour citer oui, son le Bazar titre de l'Épouvante, français. Effectivement, oui. C'est même mieux que la Cadillac de Dolan. Hein. Ouais. Ça devient plus compliqué dans la zone Mercedes, le fléau, parce que c'est des trucs qui ont leur fulgurance. Ouais. Mais qui ont leur truc très très chiant aussi. Oui, mais enfin, les plus gros soucis de Mercedes et le fléau, c'est leur durée, parce que c'est des séries télé. Ouais. Et du coup, c'est pas vraiment imputable à... Enfin, si, mais tu m'as compris. À la limite, peut-être entre les deux. Je réfléchis. Fléau et Mercedes. Ouais. Je trouve que Mercedes réussit à mieux développer un vrai personnage, en fait, avec, je suis désolé, j'oublie son nom, mais la collègue au magasin d'informatique. Oui, oui, oui. Et même Oli est un peu développé dans Monsieur Mercedes et Marche. Mm. Le fléau, bah, il y a des trucs réussis, mais le méchant est plutôt réussi. Mais au global, je pense... Je pense que je préfère revoir le Bazar de l'Épouvante que le fléau. Que le fléau. D'accord. En vrai, je préfère revoir le Bazar de l'Épouvante à Monsieur Mercedes pour une question de durée, mais je trouve un peu plus de qualité à Monsieur Mercedes. Oui, voilà, après, c'est une question d'objectivité aussi. Ouais. Non, mais entre les deux, ça me va. Donc, le bazar de l'épouvante prend la 66e place entre la saison 1 de Monsieur Mercedes, je ne l'ai pas reprécisé, mais Monsieur Mercedes, oui. On n'a pas encore fait les deux autres saisons, puisqu'elles adaptent deux autres romans, et Le Fléau de Josh Boone, donc deux longues séries. Le Fléau étant notre dernier épisode, d'ailleurs, tiens, j'avais pas fait gaffe. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment pas ouf. C'est pas nul. Non, clairement pas. Vous passerez pas un moment indigent devant si vous tenez à vous y lancer. Il faut descendre plus bas pour trouver ça, mais il n'y a pas tellement de raison de faire ça, à moins que... Non, il n'y a pas grand intérêt. À moins que vous vouliez faire la même connerie que nous. Et faire toutes les adaptations de King. Quelle idée. Et donc, je vais justement aller chercher le chapeau pour tirer les deux prochains. Eh ben, vas-y. Voilà, donc j'ai le chapeau sous la main. Bah, je vais te laisser choisir le premier. Et j'agite. Stop. Alors, j'en ai un. J'ai pioché Cat Size, signé Cat Size, non, signé Lewisting, donc le réalisateur de Cujo. Sur un scénario original. Alors non, c'est un film à sketch et il y a deux segments qui adaptent Desintox Inc., donc dont on a déjà eu une adaptation. Ah oui, c'est vrai. Avec le très expérimental No Smoking et oui. Un segment adapté de La Corniche, une autre nouvelle du même recueil. Et c'est rigolo parce que j'ai regardé L'Incroyable Alligator hier soir. D'accord. Voilà. De Lewisting. Voilà. Et donc, j'y vais aussi. J'agite près du micro pour que t'entendes bien que ça bouge. Et j'ai un papier. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? J'ai pioché Les Enfants du Diable d'Adam Grossman. Ah, c'est une des suites de Vengeance Diabolique. Ça doit être Vengeance Diablique 2. Ah, bah, c'est marrant. Je vous avais oublié ça. On va les faire dans l'ordre, c'est parfait. J'avais totalement oublié l'existence de ce machin. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Kitty? Pourquoi ça s'appelle Les Enfants du Diable? Je ne sais pas. On le découvrira bien assez tôt. Ouais. Bah, ça nous fera assez peu de lecture, parce que quand bien même on devrait relire Desintox Inc., ça fait 20 pages. Oui. Donc ça ira vite. Pour un film à sketch, ça fait longtemps, c'est sympa de temps en temps. Et donc Les Enfants du Diable, qui est une suite, donc on n'aura rien à relire. Et puis surtout, Cat Size du Lewisting, donc au moins, normalement, on devrait au moins avoir une réalisation plus que correcte. Oui, c'est ça. C'en est un de ceux où je me dis qu'il y a fort moyen que ce soit à minima sympathique. Voilà. L'autre, j'ai plus de doutes. Mais on sait jamais, peut-être avoir une bonne surprise. Sometimes they come back again. Ouais. Ah la vache. Et c'est quoi le troisième en anglais? C'est « Sometimes they come back again and again and again » Non, « Sometimes they come back for more ». Ah ouais, on dirait un truc de bande-annonce en fait. Les titres français sont horribles. « Vengeance diabolique »,« Les enfants du diable » et le dernier c'est « Le diable des glaces ». Oui, oui, oui, « Le diable des glaces » que j'ai très hâte de voir aussi pour voir le rapport. Ah la vache, ok. À mon avis, le Diable des Glaces, c'est une cobaye 2 ou une mangleur 2. Hein. Il n'y a plus aucun rapport. Hein. Le Diable des Glaces, film qui n'a, quant à lui, absolument rien à voir avec la nouvelle de Stephen King. Bon, bah, en attendant donc, qu'on traite de Cat Side, de Lewisting, vous pouvez nous retrouver sur des réseaux sociaux. Alors, plus sur Twitter. Moi, j'ai encore mon compte, mais je ne l'utilise plus du tout. C'est fini. Voilà, c'est juste pour suivre les gens qui ne sont pas encore autre part. Mais et voilà. Honte à eux. Mais vous pouvez nous retrouver sur Blue Sky. Oui, sur Cinéma Archiviste pour toi et sur Chris-6 Lost Tales pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch. Bah, alors, toi, comme tu disais, t'y es plus. Parce qu'il y a des choses qui t'occupent plus, paraît-il. Voilà. Voilà. Mais vous pouvez me retrouver sur la chaîne Archiviste du cinéma, et des fois, Chris y est, de toute façon. Oui. J'ai aussi une chaîne YouTube, toujours Archiviste du cinéma, sur laquelle je fais des vidéos sur le cinéma asiatique. Je suis assez content de certains des films que je compte aborder la prochaine fois. Il y a des trucs un peu obscurs. J'espère que vous viendrez voir. Et j'ai créé un Letterboxd, tiens. Faut que je l'alimente, mais ah. Je suis pour y aller. Je vais peu à peu remettre justement toutes les adaptations de King qu'on a fait. Il va falloir qu'on se rajoute mutuellement dessus. Ouais, effectivement. Ati aussi, je savais pas. Ah oui, depuis longtemps, moi. D'accord, bon. On en fera la pub aussi. Tout ça sera dans la description, de toute façon. Et je commence depuis même cette année, là, ça y est, à mettre vite fait des petits trucs. C'est quand je vois un film, des petits avis rapides. Ouais, bah j'essaie d'en mettre, moi. Il y en a que j'ai depuis longtemps, il y en a que je rédige. Voilà. Je verrai les grosses merdes que j'ai vues dernièrement. Oh bah ça me surprend à peine. J'en vois passer sur Blue Sky, justement, déjà. Ah, j'ai vu des trucs bien. VHS, c'est surprenamment bien, finalement. Faudra que je les tente à l'occasion, les VHS. Les deux premiers, en tout cas, sont vraiment pas dégueux. Ok. Bon bah voilà, donc dans 2 semaines, 4 Sai. Et en attendant, n'oubliez pas... Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.